Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce... Alors c'est quoi? C'est le numéro 78, hein? 78e épisode du podcast du collectionneur. Ah ouais, ça ne rajeunit pas. Avec... Déjà, c'est sûr? Ah ouais, c'est sûr, ouais. Alors ça fait... ça... Ah, maintenant on ne les fait plus qu'une fois par an, hein, mais ça fait 78. Hein. Mais c'est une belle fois par an. Ouais. Et oui. Et donc ce soir, on a décidé, alors on avait fait un gros brainstorming d'équipe entre nous pour décider qu'on allait vous parler de l'année 1995, et il se trouve que Buzzdick est arrivé avec un argument de poids en nous disant « Moi j'aimerais traiter de l'année de la sortie de… » À la queue, attention, on va se faire strike. Et donc sur le coup… C'est vrai. Eh bien… Je veux dire, l'argument de Buzzdick était quand même vraiment percutant, et nous avons décidé de retourner notre veste et de vous proposer une petite immersion dans l'année 1989. Donc, si vous mourrez, c'est de ma faute, je plaide coupable. Ah bah voilà, jetez-lui des cailloux. Et à la fin du podcast, c'est Beyond, raconte-moi un jeu. Non, c'est pas un jeu, pour une fois, ça va être un film. Ouais. Mais vous allez voir. Beyond nous a dit qu'il a... Je suis trop fou. Bien, il nous a dit qu'il aimait plus les jeux vidéo et d'ailleurs qu'il me léguait toute sa collection. Et maintenant, il a parlé de films. C'est un film tiré d'un jeu tiré d'un film. Non. Bah, mais moi, tu l'as pas raconté l'histoire, étant donné qu'il va te léguer toute sa collection, mais dans des colis. Et que tu as merde. Voilà. Ça va être un vrai film en complément avec cette année 89, justement, et un rapport avec... Merde. Mais je voulais, voilà, je vais faire un petit... Parce que je l'ai revu il y a deux jours et que, j'ai trop envie d'en reparler. Et voilà. Est-ce qu'il y a un gant dedans? Est-ce qu'il y a un gant dedans? Ah non. Est-ce qu'il y a un gant du pouvoir dedans? Non, il n'y a pas de gant du pouvoir, non. Il y a un cube. Ah. Et donc... on va commencer ce podcast alors par les news. Et en préambule du podcast, c'est pas agréable, mais il faut forcément passer par là. Il y a un mois, on avait dédié un podcast quelqu'un disparu. Et on va recommencer à nouveau avec donc Yacine Djibili, dit Yass, qui nous a quittés. On a eu la confirmation par la famille récemment que le corps qui avait été retrouvé était bien le sien. Bref, encore une fois, on perd quelqu'un du monde des passionnés comme nous. Qui aimait beaucoup les shoots map en particulier, qui faisait partie donc de l'écureuil noir, comme on en parlait avant le podcast. Voilà, ça fait chier, mais la vie c'est aussi la mort, et on se reverra quelque part en haut pour une petite partie de Super LST. Pas mieux. C'est bien dit. Ouais. Et sur le coup, donc, on va parler des petites news. Alors, les petites news, il y en a quelques-unes, forcément, puisque ça fait un mois qu'on n'a pas fait de podcast, à cause de Belle. C'est vrai. Alors d'habitude... Déchargez-vous sur moi. D'habitude, on exagère, mais là, c'est vraiment de la faute de Belle. Hein. Mais enfin, c'est pas pour faire un témoignage à charge, mais c'est entièrement de sa faute, quoi. Oui. S'il n'avait pas été dans le podcast, on aurait pu le faire en temps et en heure. Mais là, voilà. D'ailleurs, vous vouliez m'embrasser. Première image d'un lien qui n'est pas bon. Si, mon lien est bon. Première image d'un jeu donc perdu par le créateur de Wonder Boy, Ryushi Nishizawa, qui devait sortir en arcade, qui a été retrouvé et qui apparemment va sortir sur Switch. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un truc très coloré à la Wonder Boy, ça donne un truc qui fait penser à tous ces jeux d'arcade de la même époque. On pourrait penser notamment à Talmid's Adventure, qui était sorti sur Mega Drive. Ah oui, je connais, oui. J'adore ce jeu, bien. Et on n'est pas très loin au niveau de l'idée de platforming, tout ça. Le design, on est assez proche de ce qu'on verra dans Wonder Boy 3, notamment le faux Wonder Boy 3, pas le vrai. Mm-hmm. Bah oui. Et donc, sur le coup, on attend ça chez Strictly Limited, tout ça, blabla. Bon, vous savez qu'on adore beaucoup ces sociétés qui proposent des jeux en nombre limité. Oh, oui. Notre grande passion. Et donc, sur le coup, on pourra en reparler lorsque ce sera disponible. Bon, sans transition, on en avait parlé, et là, par contre, c'est disponible. On met le lien directement vers Hidden Palace. Pof, le prototype de Earthbound. Mais mon lien est cassé. Mais non, mais oui, mon lien est cassé. Mais je suis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je casse, tous mes liens ce soir? Mais que m'arrive-t-il? Et donc, hop là, Earthbound dans le prototype. Ah bah c'est pareil, voilà. C'est... Je ne vais pas insister. Donc, au fait, copier-coller. Donc, le prototype d'Earthbound qui avait été découvert a été dumpé, et donc on peut jouer sur un émulateur sans aucun souci à cette version, avec quelques légères différences, un debug mode accessible et pas mal de petites choses à gauche et à droite, bien que Hidden Palace ait déjà répertorié pas mal des différences, voire même toutes les différences entre l'original et le prototype. Tout est marqué sur la page, tous les détails. Si vous êtes ultra fan d'Earthbound et que vous voulez avoir fait toutes les versions possibles, imaginables, trouvables à gauche et à droite... Il y en a. Oui, oui. Je vais faire, hein. Oui, il y a des fans archers d'Earthbound. Coucou Mister Gimmick qui ne nous écoute pas. Oui. Voilà. Donc sur le coup, pouf. Sans transition. Oh là là, on va en galope c'est un news ce soir, c'est fou. En même temps, Beyond, il y en a. Je pensais pas qu'il y en avait autant des news. Donc. Alors on passe à l'Atari VCS. L'Atari VCS arrive, sorti mi-juin en quantité limitée. Ouais, alors, mi-juin, c'est fini. Est-ce qu'elle a finalement sorti officiellement pour de vrai, ou il y a eu un report? Tiens, c'est ce qu'on va regarder. Atari VCS. En même temps, ouais, on veut mieux qu'il les sorte en édition limitée, vu le pas de gens qui... Il parle toujours, en fait, d'une livraison début juin. Sortie cet automne. Il me semble qu'elle est retardée à cause du Covid, si j'ai bien lu. Ah bah voilà. Oui, livrée à l'automne... Attends. Arrivée aux États-Unis des premières unités à usage professionnel. Donc, comme d'habitude, c'est le syndrome Bethesda. On arrose les influenceurs et après les grouillots, ils les auront quand ils l'auront. Voilà. C'est le syndrome Bethesda avec le sac en toile de jute de Fallout 76. C'est le même syndrome. Ça s'appelle El Gato livraison. Aussi. Hein. Ouais, livraison. Ah ouais, aussi, oui. J'avais oublié ça. Je voulais pas les mentionner. Livraison à l'automne des unités grand public. En prioritaire pour ceux qui ont backé via Indiegogo. Et pour le reste, début des campagnes de vente au cours de l'été. Ouais, des préco pour une livraison en fin d'année. D'accord. Selon un site qui s'appelle zonebourse.com, hein, parce qu'en fait, il y a l'info nulle part. Zonebourse ? Oui, ce n'est pas ça, là. Sur le site, il y a toujours marqué shipping 2020, sans plus de précision. Et donc, ce sera toujours disponible pour $390, un superbe bundle avec une vraie manette et un truc qui ressemble à un joystick Atari. Je ne vois pas pourquoi ça nous ferait envie, mais bon, voilà. Moi, j'ai juste un truc à dire. Si, comme tu dis, ce joystick, bon, on est d'accord, moi je l'aime beaucoup sans vraiment l'aimer, il est là pour le côté historique. Mais s'ils mettent un switch, que tu puisses le passer de gaucher en droitier, tu as juste à bouger la manette et à tourner la manette de 90 degrés et à tourner un bouton, best joystick ever. Si par contre c'est un joystick comme à l'ancienne, moi je vois même pas l'intérêt. Je vois même pas l'intérêt et je trouve que c'est stupide. À noter donc trois finitions différentes. Si vous l'achetez chez Atari directement, c'est une finition noyée. Si vous l'achetez chez GameStop, vous avez une finition Onyx. Et si vous l'achetez chez Walmart, vous avez une édition Carbon Gold, doré carbone. Et voilà. Si on l'achète chez Lidl, est-ce que le VCS, elle est livrée en jaune et bleu et rouge? C'est une bonne question. Comme les baskets qu'ils ont sorti. Oui. Avec un prix bradé là, comme la PS4. Oui, voilà. Aussi, voilà. On sort les. Donc, on aura l'occasion de reparler de cette IVCS, donc il n'est toujours pas là. On aura aussi l'occasion de reparler aussi, puisqu'il y a les premières unités de test ont été reçues de cette console la Polymega. C'est ça, le Polymega qui a été reçu par pas mal de personnes. Mais. Discuter aussi du tarif du Polymega aujourd'hui, qui est quand même assez élevé pour ce que ça fait. Bref, les consoles alternatives et évidemment de la Coleco si jamais elles sont en jeu. Non, là, tu parles de l'Intellivision peut-être. L'Intelli, pardon, pas la Coleco, l'Intellivision, notre ami Talarico, Tony Talarico, qui je recommande. Bref, passons à la suite. Hein. Nous retrouvâmes, non, nous, pas nous, je veux dire nous, les gens, les, tout ça. Hop, pouf, pouf, un prototype pour un jeu pas sorti, Sim Raffinery. Aha. Donc, bah, carrément, un épisode oublié de la série SimCity. Qui a testé ici, d'ailleurs? Non. Pas moi. Alors, moi, j'ai testé. Ok. J'ai rien compris. Rien compris. Ouais, non. En fait, c'est tellement, comment dire, spécifique comparé à, comment dire, à un SimCity ou voilà ou autre, que j'ai pas compris grand chose. Mais j'ai pas joué non plus énormément. Hein, mais je l'ai testé. Bah le truc, oui, c'est plus spécifique que pouvait être un Cement par exemple. Ouais, voilà, beaucoup plus. Alors que pourtant Cement, c'est pas voilà. Voilà, c'est déjà un peu quoi, un peu compliqué, on va dire. Disons que le simulateur de raffinerie de pétrole. Ouais. Ouais. Ouais, bah je comprends un peu qu'il n'ait pas sorti en vrai. Moi, ah, complètement. En fait, sur le coup, je me suis dit, oh, bah, pourquoi ils l'ont pas sorti, c'est un jeu de la série des SimCity, c'est très bien. Puis en fait, je voulais le faire en stream, ou au moins y jouer un petit peu en stream, et je me suis dit avant, chou, ce serait bien qu'il joue au moins une demi-heure. Puis au bout d'une demi-heure, j'ai rien compris. Et puis le lendemain, j'ai réessayé, et puis pareil, au bout d'une demi-heure, puis j'ai rien. Puis j'ai dit, bon, on va laisser tomber. Quoi. Notez que dans une vie où je serai meilleur, je garderai cette news pour faire la transition vers 1989, puisqu'on va reparler de SimCity. Ouais. Voilà, donc news suivante. Mais voilà. Bah on en même temps on comme si on avait rien dit. Bah oui, c'est ça, voilà. Mais voilà, c'est tout. J'ai envie de dire on a les résultats pour lesquels on investit hein. Là on le paye pas le Beyond. Bon bah oula. Il se rate sur ses positions, voilà. Regardez la petite lumière, voilà. On paye déjà la petite pelle en rhum. Et elle porte déjà suffisamment cher et Moa ouais. En tuc et Bosdick en slip, alors bon. Je pense que partie de j'ai déjà tout ce qu'il faut. News suivante. SNK nous confirme le retour de Metal Slug avec deux jeux en 2020. Ah oui, alors. malheureusement, on sait déjà ce que ça va être, un des deux, et ça s'annonce pas bien. Alors, je reviens sur ma première impression, en fait. Parce que tu vois. Bah, je veux dire, un fan de Metal Slug, il aime forcément la DA d'origine, c'est-à-dire du pixel bien gros, extrêmement chiadé. Tu vois, c'était quand même des décors assez superbes, hein, les Metal Slug, hein, on peut pas te dire le contraire. Et puis les animations complètement folles. Et là, ça reprend quand même une DA d'origine, mais donc c'est sur mobile et c'est tout lissé, quoi. Alors au début, moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais quand je l'ai vu une fois en vidéo... je l'ai revu à nouveau ce matin et je me suis dit mais en fait c'est pas si moche que ça. Enfin c'est pas si moche, mais bon c'est un jeu mobile donc de toute façon j'y toucherai pas, mais je me suis peut-être hâté un peu trop en fait, voilà quoi, c'est ça que je voulais dire. Mais non. Mais tu passes toujours à une 2D qui ne vieillit pas. Oui, exactement, oui je suis d'accord avec toujours ça, très très belle, une 3D. J'ai toujours du mal à comprendre ce move là, on se dit qu'il faut faire plus jeune. Alors on va enlever de la 2D. Oui, c'est vrai. C'est toujours quelque chose qui m'étonne. Ouais, alors je suis d'accord. Hein. Mais c'est pas si vilain que ça au final, je trouve. Mais bon, c'est pas terrible. Bah, tu perds les animations qui étaient fantastiques. Parce que là, en termes d'animation, voilà quoi. Tu parles d'un truc qui n'a pas besoin, je comprends pas. Pour répondre à Space Moon, il nous dit le must c'est la version 3D PS1. La version 3D c'est sur PS2. Metal Slug 3D, c'est sur PS2. Ah oui, effectivement. Oui, cet épisode qui n'est jamais sorti chez nous et que les gens ont vite fait d'oublier, alors que c'était pas nul. C'est juste que si tu t'amuses à comparer au Metal Slug 2D, oui, tu perds un point de chance. Oui, il ne faut pas comparer, effectivement. Ouais. Mais en tant que jeu 3D, c'était pas le pire jeu PS2 qui soit. Ouais, déjà. Non, effectivement, il y a eu pire. Tu vois, ça peut être dans la même veine au final. On verra bien. Bon, déjà, un jeu mobile, c'est forcément un peu décevant. Cap Silver, quand tu dis une question thune, on parle de Tencent. Hein. Oui. Tencent. Argent. 10 centimes. L'argent, ils en ont. Ils ont racheté tous les studios possibles et imaginables en ciné. Disons que c'est pas l'argent qui leur manque. Qui leur manque, c'est peut-être la volonté de bien faire et les idées. Voilà, ils en ont rien à carrer. Après, c'est autre chose. Voilà. C'est pas l'argent. Hein. L'argent, ils sont blindés. Hein. Et je tiens à m'excuser à l'avance pour tous ces liens jeuxvideo.com, mais c'est pas elle qui partage. Alors, c'est corporate. Hein. Ouais, il est corpo. Il est corpo. Voilà, oui. Jusqu'au bout. Hein. Évidemment. Bon, alors c'est l'instant Moa maintenant, où il va me parler de son copain Krix. Ah oui, Krix. Alors Krix, alors dans la foulée, hein, il a annoncé un Mega Everdrive Pro, et vu que ça fait un mois qu'on n'a pas fait de podcast, eh ben, il l'a sorti. Hop, donc sur le coup, je mets directement le lien vers le Mega Drive Pro, dont tu vas nous faire le plaisir de nous résumer quelles sont ses capacités et quel est son intérêt face aux Terra Onion. Alors, il a. Alors, par rapport au Mega Everdrive X7 déjà, qui permettait de lire les jeux Mega Drive, Master System, 32X, si on a le 32X, c'est important, et de faire des save states sur les jeux Mega Drive, entre autres, hein, voilà. Donc sur une Mega Drive d'origine ou sur une, enfin, un truc qui lit les jeux Mega Drive quoi. Celui-là en plus permet de lire les jeux Mega CD, ce qui est plutôt pas mal sans le Mega CD, hein. Donc, donc voilà. Et donc les jeux Mega CD 32X, si vous avez une 32X. Si vous avez 32X, ce sera compatible. Du coup, si vous avez bien suivi, on avait déjà parlé du Mega SD de Terra Onion qui fait pareil, en gros. L'avantage du Mega Everdrive Pro, c'est qu'en plus, il a rajouté un core NES, donc vous pouvez jouer à la NES sur la Mega Drive, ça n'a aucun sens. Je confirme, ça n'a vraiment aucun sens. Ça n'a aucun sens, donc c'est génial, mais voilà. Pourquoi c'est juste parce qu'il peut. Voilà, c'est un délire de programmeur après. Tu vois, je vais le faire. Ça n'a pas vocation d'être 100% accurate, pas c'est plus ça. Que vocation de faire tourner tous les jeux NES un jour. Mais c'est vraiment pour le plaisir. Voilà. C'est pour se marrer. Quoi. Ah ouais. Ça permet de maintenant faire des save states sur les jeux Master System, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est bien. Et alors, par rapport à Terra Onion, le gros avantage, c'est que ce truc-là va vous coûter moins de 200€, frais de port inclus, taxes incluses. Ce qui est moins cher que les autres trucs normalement. Non Terra Onion. Voilà. Terra Onion, ça vous coûte 250€ sans les taxes, donc 310€, un truc comme ça. Moi, j'avais payé au total 310€. Le truc, c'est que tarifairement, il se place à peine en dessous de Terra Onion, mais vu que Terra Onion balance d'Andorre et qu'on se prend à tous les coups la douane, voilà. Ça vous revient à moins de 200€. Alors, je le redis, c'est des trucs, ça coûte la peau du cul quoi qu'il se passe. Hein. Ouais, ça s'adresse à un public bien particulier, effectivement. Après, les gens qui achètent ça, ils savent pourquoi ils l'achètent. Après, voilà, moi je me replace toujours, je me dis maintenant, la collecte de rétro, ça devient chaud tendu, donc j'ai un peu arrêté. Je suis d'accord, je suis dans le même cas. T'achètes ça, tu peux quand même jouer sur ta Mega Drive, et par exemple, tu prends un Pulseman qui coûte 300€, il coûte moins cher que l'Everdrive. Voilà, et tu peux y jouer quand même. Pour justifier l'Everdrive Mega CD, on peut parler de ton Pop Food Bay, par exemple. Pop Food Bay, aujourd'hui, vaut largement plus cher que. Voilà, KKU Flying Squadron. Voilà. Et donc, ça permet de jouer au jeu Mega CD. Ça peut réduire les temps de chargement. Je ne l'ai pas testé encore. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas testé. Donc, je vous parle des promesses. Normalement, ça va être pas mal, mais voilà. Parce que je sais que, par exemple, le Mega SD de Terra Onion propose une option pas mal. C'est tu peux choisir d'améliorer les temps de chargement. Mais il y a des jeux, vous savez, si tu charges trop vite, les voix vont se désynchroniser, ce genre de truc. Ouais, ça n'a pas le temps de charger véritablement. Et du coup, Terra Onion, il propose une option pour faire comme si, pour rajouter du chargement, en fait. Parce que normalement, la lecture de la carte SD est plus rapide. Je ne sais pas si ce genre de choses existe sur le Mega Everdrive Pro. Donc, faudra que je teste. Je testerai, de toute façon, je ferai un stream là-dessus. Hein, quand je l'aurai. On attend ta review avec impatience. D'ailleurs, j'ai commandé le Mega Everdrive GBA aussi, pour couper les frais de port. Pour couper les frais de port, hein. J'ai fait allons-y. Soyons fous. Donc voilà. 200€, Krix. Non, pardon. Moins de $200. Enfin, $200, pardon. Krix et machin. Mais ça vient d'Ukraine, hein, donc ça veut dire que vous n'aurez pas de taxes et que ça me mettra. Je sais pas. Un bon 10 jours. Ouais, c'est ça, je veux dire 2 semaines. J'ai commandé à pas longtemps chez eux, ouais. Et en plus, vous avez le choix de couleur de la cartouche. C'est pas merveilleux. Ah. Et ils m'ont envoyé un mail pour me demander confirmation sur la couleur. Il m'a dit c'est quelle couleur déjà? J'ai fait transparent, évidemment. Skeleton. On va rester chez Sega. avec une bande-annonce qui est tombée il n'y a pas longtemps, qui a semé l'effroi. Alors, surtout pour toi, Bion. Alors, l'effroi, je rigole. Bref, ils ont décidé de nous prendre Alex Kidd in Miracle World et d'en faire un jeu Flash. Il n'y a pas que lui, parce que moi aussi, hein, je suis dans le même. Alors, je tiens quand même à dire, c'est exactement ce qu'avait dit Beyond à l'annonce de Dragon's Trap par Lizard Cube. Voilà. C'est vrai, je me rappelle pas de ça. Il a dit la même chose. Non, Beyond, est-ce que c'est honnêtement, t'avais vraiment dit la même chose ou pas? Ah si. Ah, j'aurais pu. Ah, il a dit. Ah, moi, je. Attends, je n'avais pas dit ça parce que Dragon's Trap, j'étais content. Là, pour Alex Kidd, je suis super dubitatif, surtout quand je vois la tête du bonhomme. Eh ben, je trouve pas, moi, en vrai. Mais bon. Ils lui ont fait une tête de demeurée. Oui, voilà. Et ça, je m'en remets pas. Bah, il a pas l'air joyeux ni jovial, il a l'air. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Il a l'air d'avoir. Le Alex Kidd sur Mega Drive, t'as vu la tête qu'il fait sur la pochette? Oui, en fait. Et le Alex Kidd Arcade, The Lost Star, t'as vu la tête qu'il fait? C'était en quelle année? Non, mais je suis pas d'accord avec vous là-dessus. C'est qu'en fait, ok, c'est vrai que la tête. Bah, je sais pas, il est jovial. On va dire qu'il est jovial. Hein, d'accord. Mais je veux dire, dans la version. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que dans la version Master System et Mega Drive. Il était beaucoup plus simiesque en fait le personnage quand même. C'était pas. C'était singe, le but, hein. Là c'est un humain. Mais je veux dire il est pas humain Alex Kidd Beyond à la base. C'est un singe. Mais non puisque c'est l'adaptation, c'est comme Dragon Ball. C'est l'adaptation du. Son Wukong en fait. La légende d'origine de Son Wukong, c'est Son Wukong. C'est l'adaptation du voyage vers l'Occident, c'est ça, hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Et bien alors justement, ils auraient dû garder le type du petit singe et pas un petit garçon. Après, je veux dire, franchement, c'est comme d'habitude, ce jeu s'adresse uniquement à ceux qui ont connu le jeu d'origine. C'est absolument pas un jeu pour les nouveaux joueurs. Justement, c'est encore plus illogique. Alors. On va voir effectivement, parce que alors clairement, du très peu qu'on voit dans le trailer, ils ont quand même adapté beaucoup de choses. Il y aura des niveaux en plus, apparemment. Il y aura des niveaux en plus. Et il y aura surtout le passage direct au mode rétro. Ils ont raison. C'est comme le fameux Dragon's Trap a lancé la mode, justement. Ouais, mais il y a énormément de jeux maintenant qu'ils proposent. Hein. Même Command & Conquer, le remake, le propose. Donc, Après, je trouve pas ça particulièrement moche, faut être honnête. Mais j'aime tellement le jeu d'origine, ça a été mon premier jeu sur Master System. Vous savez, pas mal d'autres gens. Hein. Pour une fois, on va faire un truc. On va laisser le jeu sortir et on jugera sur place. Parce que bon, après, une direction artistique, forcément, ça plaît pas à tout le monde. Ça, c'est clair. Ouais, mais là, il y a une erreur d'interprétation. C'est un petit singe. Ouais, mais après, tu sais très bien que les gens s'en foutent. Combien tu crois que les plus vieux d'entre nous, il y en a combien qui savent que c'est la légende de Son Goku et que c'est un singe? Franchement, sur le jeu d'origine, on voit que c'est un petit singe déjà quand même. Mais je pense que les gens, ils s'arrêteront pas à ça et je pense que sincèrement, tous les nostalgiques qui ont vu ça, mis à part moi, Beyond et peut-être quelques autres, ont été super ambiancés. Mais en vrai, pour être tout à fait honnête, on va attendre, ils vont juger déjà le tarif, parce qu'on ne sait pas vraiment à quel prix ça va être vendu. Moi, je vais faire partie, comme d'habitude, je râle, je fais partie des primo-acheteurs, parce que je vais vouloir absolument tester ça. Alors que moi, non, effectivement. J'entends énormément les gens dire, j'espère qu'ils vont revoir la difficulté, parce que Alex Kidd était un jeu hardcore. Alors, je ne sais pas d'où Alex Kidd et Miracle World était un jeu hardcore. La seule chose hardcore, c'est qu'il fallait effectivement savoir lire la tablette et savoir la récupérer. C'est la seule chose hardcore. C'est pas, enfin, je veux dire par là, par rapport à du Ninja Gaiden sur NES, par exemple, Alex Kidd est largement faisable dans les doigts, je parle. C'est vraiment pas un jeu extrêmement compliqué. Hein. Bah, surtout si les gens ils se basent sur quand ils étaient petits qu'ils jouaient à ce jeu et maintenant qu'ils sont adultes. Mm-hmm. Parce que je pense qu'ils ont évolué en termes de façon de jouer. Tu joues pas de la même manière quand t'as 8 ou 9 ans, quand t'en as 40. Donc le jeu qui est trop difficile maintenant, ils peuvent rouler dessus. Hein. Vous croyez qu'il y aura toujours ce boss design absolument génial et... Oui, mais il y a dans le boss en forme de poing. Non, mais je veux dire, ce sera toujours des combats de Shifumi parce que vrai, c'est pas ouf quoi. Tu peux pas l'enlever, c'est l'identité du jeu. Hein. C'est vrai, d'un côté c'est vrai. Tu peux pas, pour le coup là, c'est un truc que tu peux absolument pas enlever, t'enlèves ça. Ah oui, bah, c'est comme dans Tell Me It's Adventure dont tu parlais, mais c'était aussi des combats de Shifumi avec les boss. C'est cool. Il y a dans des combats de Shifumi, il y en a dans Paper Mario Color Splash, et je vous rappelle que le prochain Paper Mario sort le 17 juillet. Voilà. Non, alors je suis pas sponsor ni rien, mais moi j'adore les Paper Mario, donc quand il y en a un qui sort, je veux que tout le monde l'achète pour qu'il y en ait d'autres. Tu sais, Paper Mario, j'ai joué qu'à celui de la 64. Il est très bien. Je m'en suis aperçu la dernière fois, j'ai joué qu'à celui de la 64, qui est une tuerie. Hein. Un des deux meilleurs. Sur GameCube, c'est le chef-d'œuvre de la série. Et celui sur GameCube, c'est le meilleur. J'ai pas joué sur la Wii. Il faut le faire, Bostik, celui de la GameCube, il est hallucinant. Enfin bref, j'ai fait dériver le sujet. Quand j'aurai du fric pour l'acheter, vu le prix qu'il coûte maintenant. Hein. Ah bah... Émulation. Oui aussi, ouais, mais je peux pas. J'ai pas le truc pour faire. Après voilà, mais... Paper Mario Switch sort pour l'instant meilleur prix chez Leclerc, il est à 45€ je crois. Ou sinon, pour 50 balles à la Fnac, vous avez la fameuse planche de magnète. Totalement indispensable. Bah oui. Mais elles sont cool, elles sont cool les magnètes. Hein. Mais bon. Voilà. Mais on aura l'occasion de reparler de Paper Mario parce que. Voilà, Bah, tu sais qu'on pourrait faire un podcast entier sur rien que cette série en fait. Ouais, je pense. Mais bon, je dis rien. Ben, ouais. C'est vrai. Hein. Surtout que. Ben, enfin bref, c'est pas le débat. Donc, Cave va être porté sur Mystère. Apparemment, j'ai lu ça. Il y a quelqu'un qui discuterait qu'apparemment, tous les jeux Cave qui tourneraient avec un CPU 68000. Et avec un coprocesseur Z80, bah apparemment ce serait possible de faire tourner ça en FPGA. Alors je sais pas où ça en est exactement, j'ai juste vu en fait l'info, je me suis dit oh ça c'est plutôt une bonne nouvelle, à voir maintenant si c'est entre guillemets un proof of concept ou quelque chose de sérieux. Ça malheureusement, seul l'avenir peut nous le dire, mais ça peut être cool pour ceux qui disent que l'émulation est un peu trop approximative pour jouer par exemple à Dodonpachi ou à des jeux de cette génération, des jeux Cave de cette génération. Au hasard, Dangun Feveron. Voilà, merci. J'ai attendu que tu le cites. C'est un de mes jeux préférés de Cave, à partir de là. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. À voir après. Si les bonnes intentions se confirment, malheureusement, ça. Il faut toujours attendre. Toujours sans transition, comme d'habitude. Encore un petit lien à Hidden Palace. Ils ont été exhumés des documents et des codes sources pour le chipset sonore de la Mega Drive. Mmh. Alors, qui les a téléchargés? Alors non. Oui. Tu les as... Oui, donc. Alors, j'ai fouillé. Alors, sur le coup, je me suis dit Oh my god, je vais pouvoir exploiter les samples à l'infini, faire des trucs dégueulasses, faire de la musique avec tout ça. En fait, tout est encodé dans des formats très particuliers. Donc, à moins que j'ai mal étudié le truc, il n'y a rien vraiment d'exploitable. En tout cas, pour les documents. En format web de l'Ouzbékistan. Ah, c'est un peu comme le format des samples d'Hugo Délire en version DOS. Voilà. C'est du hot vorbis, mais sans le vorbis. C'est un peu comme Alain de loin, tu vois. Mais en vraiment de loin, là, c'est très compliqué. Donc, je crois d'ailleurs que je les ai encore sur cet ordi. J'ai encore le dossier sur cet ordi. Donc, effectivement, bon, j'ai regardé, il n'y a rien vraiment... Ça peut vraiment être exploitable pour ceux qui, entre guillemets, ont connu ces trucs-là il y a, comment dire, dans ces années-là et qui se disent « Ah, ben, je me souviens comment c'était encodé, avec quoi je peux éventuellement utiliser pour réencoder des trucs comme ça ou modifier. » Bon, je ne l'ai plus sur cet ordi, malheureusement. Mais en tout cas, je n'ai pas réussi à exploiter quoi que ce soit et pourtant, j'étais ambiancé. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh, la belle prise, et en fait, pas vraiment. C'est intéressant d'un point de vue historique, évidemment, parce que ça permet de conserver donc, sous format numérique des documents écrits et surtout des disquettes, qui ont quand même ces saloperies de format magnétique qui a tendance à pas franchement bien vieillir, donc c'est cool que ça ait, que ce soit conservé aujourd'hui. Carrément. Et on va penser donc au Mega 65. Ah. Alors. Qu'est-ce que par quoi on commence? Donc, on connaît tous hein, au moins deux noms. Le Commodore 64, mais il a existé un Commodore 65 qui est resté à l'état de prototype. Il y en existe quelques-uns dans le monde, hein, d'ailleurs. Donc, il y a quelques unités qui avaient été produites. Et donc, il y a des gens qui se disent « Ah, nous, on ferait bien un revival, quand même, de cette machine. » Bonne intention. Il y a des jeux à un revival il n'y a pas longtemps, non? Ouais, mais c'était pour, à la base, un Commodore 64 Mini qui a fini par une vraie machine émulation qui s'appelle The C64. Mais rien à voir avec le Commodore 65. D'accord. Donc, okay. Il y a des gens qui tentent un revival du Commodore 65. Mais, alors le projet, je suis depuis un long moment. En fait, ils essaient de faire la même chose qu'avec le ZX Spectrum. Bon, j'ai oublié le nom, enfin, c'est pas spécialement important. Donc là, ils promettent un complete 8-bit computer, donc un ordinateur 8 bits, qui tournerait 50 fois plus vite qu'un Commodore 64, tout en étant entièrement compatible avec le design du Commodore 65. Ce n'est pas une typo, c'est bien le 65. Clavier mécanique, support HDMI, support carte SD, Ethernet, mémoire extensible, le fromage, le dessert. Il fait même la vaisselle, pas loin. Donc, il y a quelques jours après avoir mis ce lien dans notre channel news, les précommandes ont été ouvertes pour l'édition limitée. Et là, Boss dit, comment tu fais ton bruit de canard quand il y a quelque chose qui te fait mal? Quoi? Il y a des fois que tu fais un bruit genre... Je sais pas quoi. Voilà, merci. Alors, je vous dis le prix. Ah, plutôt, je vais vous faire deviner un peu, parce que moi, je suis tombé sur le cul. Je me suis dit, mais tu te fous de ma gueule, là. C'est censé être une machine de développement. Écoutez bien, une machine de développement qui permet de faire des jeux potentiellement que pour le Commodore 64, si j'ai bien tout lu. Il est possible que je me trompe. 839,50€, hors frais de port. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, d'accord, t'es un petit rigolo, toi. D'accord, j'aime bien. Et depuis, alors en plus, attention. Hein, non, mais c'est genre... il y a une virgule, c'est 83€ en fait. Non, mais j'aurais cru. Mais, ça, c'est, attention, 839 sans les taxes. D'accord. Avec ça... les taxes. J'avais fait le calcul et depuis, ils l'ont rajouté sur la page. Moi, j'en étais arrivé à 950. Mais non, hors frais de port avec les taxes, 973,82€. Presque 1000 balles, quoi. Dommage, j'ai pas le son de Checky Caro, mais... Combien? Oui. Oui. C'est dans la cité de la peur, ça. Hein. Combien? Ah oui. Là, là. Alors, attention. Ah, faut que je le chope, celui-là. Alors, attendez. Étant donné que c'est un dev kit, you need to assemble it yourself. Ah oui, à 900 boules, il n'est même pas monté. J'ai lu ça, c'était un matin, j'étais en train de boire mon café, et tu sais, c'est le genre de truc où tu dis, ah, heureusement là, heureusement qu'il n'y a personne qui me voit, parce que voir le café qui passe par le nez, c'est un exploit. Alors, il y a deux choses l'une. Soit j'ai du caca dans les yeux, ce qui est possible. Soit c'est vrai. Et pour le coup... Alors attention, ils disent que selon ton skill, ça prend entre 15 minutes et 1 heure. Et mec... Ouais, mais même à 900 boules, tu le montes au moins. Quoi. Alors, ils disent bien que, étant donné que c'est un dev kit, c'est limité à une production de 100 pièces, qui est apparemment, ils espèrent livrer ça pour le quatrième trimestre 2020. C'est ça, ouais. C'est bien ça. Alors, rappelons quand même vite fait un peu ce qui est possible de faire avec. Donc, Extremely Fast 8-bit Computer. 3 corps FPGA, apparemment. Donc, c'est du FPGA. Complètement open source. Ouais, bon, écoute, quelque part, ça coûte pas cher, j'ai envie de te dire. Under Development, bon, je ne sais pas trop ce que mais c'est. Ils te font payer quoi dans les 900 boules? Bah, Ouais, je vais vous mettre, le lien dans le chat. Alors attention, parce que quand j'ai essayé de cliquer dessus il y a quelques minutes, ça m'a dit attention, ce site, on ne sait pas trop. Combien ? Voilà, merci. Ah non, mais quand j'ai vu ça, un matin... Bah, 15 ans après. J'ai ri énormément. Alors oui, en plus, ce qui m'a fait rire, c'est un truc, c'était marqué dans la section software, bundle with highly specialized and enhanced GIOS. Alors GIOS, c'est un système c'est une interface graphique, c'est un peu l'équivalent du Windows pour le Commodore 64, tu vois, t'as une interface graphique. Mais GIOS, ouais, d'accord, ok, idée intéressante. Je vois rien en fait dans ce qui est là qui permet de justifier un tel prix. Je peux vous pouvez dire que je suis. Moi, je sais, ça s'appelle l'enfilade. Parce que je vois que ça. Alors après, attention, je me pose énormément de questions. Est-ce que c'est pas genre une production de 100 unités, uniquement un dev kit ? Mais pardonnez-moi ce que je vais dire, les gens qui développent des jeux pour Commodore 64, ils n'attendent pas à une machine à 1000 boules. C'est clair. Et Crazy Seven dit, j'aurais juste une question, à quoi ça sert ? Eh bien, c'est la bonne question, étant donné que c'est censé être un dev kit. Moi, je comprends pas trop le truc. Ça dit que c'est compatible avec les émulateurs si tu veux coder et envoyer des fichiers. Mais dans ce cas-là, elle te sert à quoi la machine ? À avoir les fesses pleines de souvenirs. Parce que sinon, tu prends un Commodore 64, tu prends, je sais plus comment s'appelle l'espèce de Dever Drive, on va dire, du Commodore 64, ça porte un nom, mais je l'ai oublié. Et du coup, tu codes avec ton PC et tu veux tester, tu le mets dans ton vrai Commodore 64 qui coûte pas 1000 balles. Je comprends pas. Je comprends pas trop à qui s'adresse en fait ce produit. Et je comprends pas le prix. Je comprends pas énormément de features qui, pour moi. Alors, ils disent dans le hardware qu'attention, il y aura des micro-switch Cherry MX. Ouais, mon grand, je suis pas sûr que c'est ça qui coûte énormément d'argent. Faut me prendre pour un con. Donc j'ai énormément de mal à comprendre. Ça dit aussi que c'est compatible aussi avec les corps Amiga et Atari ST, étant donné que c'est un truc en FPGA. Et c'est pareil, tu vas pas coder un jeu Atari ST sur un truc qui est censé être un truc FPGA du Commodore 65. Je comprends pas. Je comprends pas à qui s'adresse ce produit. Au hipster de la programmation. Voilà. J'allais dire, potentiellement, ce produit s'adresse à quelqu'un. Sauf que je ne suis pas cette personne, et n'étant pas cette personne, je ne peux pas comprendre. Donc, je vais essayer de ne pas juger. Mais, voilà. J'avoue que ce truc me fait beaucoup rire. D'ailleurs, il précise dans le hardware « Digital and Analog Video Output ». Ouais, bon, quelque part, mon grand, excuse-moi, mais... Ok. À ce prix-là, il manquerait plus que tu proposes une sortie d'antenne, une sortie RF, et puis voilà, et puis il y a tout, quoi. Désolé, mais... Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas ce truc. Voilà, j'en suis désolé. Ok. C'est voilà. Je tenais à le mettre quand même, non pas pour tracher le produit. C'est parce qu'en fait, au moment où j'avais mis la news, les précommandes allaient être ouvertes et il n'y avait pas le prix. Et ils disent toujours sur le site que le prix final des machines de production au grand public va être annoncé. Donc les 1000 balles, c'est pour qui ? C'est pour la centaine de gogo qui voudront ça. Mais je comprends pas. Voilà. Bon, après, quelque part, j'ai le droit de pas comprendre. Je suis un peu bête. Donc, c'est pas grave. Ça me regarde, comme on dit. Bon, voilà. Le Amiga 65. Ce serait un produit Apple, ce serait presque donné. Mais là, faut pas déconner. Bon. Bah, donc, je sais pas si tu as vu un peu la tronche du truc. Niveau design, on est proche plutôt. Je suis désolé de ce qui s'est fait de pire chez Commodore, quoi. Bah, okay. Voilà. Bon, et en plus, désolé, juste dernier petit truc. Du fait, c'est compatible avec GIOS. GIOS étant un système, enfin une interface graphique slash entre guillemets système d'exploitation. Il n'y a rien qui vous choque ? Elle est où la souris ? Ah ! Pourquoi besoin de souris quand tu peux tout faire par la pensée ? Ouais, non, mais voilà. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est quelque part, bientôt, tu sais, ils vont te vendre un iPhone sans le tactile. Les vrais codes sans souris. Voilà, mais voilà. Désolé, mais ouais, c'est des trucs auxquels j'ai pensé quand j'ai lu le truc. Je me suis dit, mais c'est une blague, c'est une farce, c'est tellement drôle ce truc. C'est... Voilà. Et je voyais sur Twitter plein de gens en mode ah, mais c'est hors de prix, ouais, mais, enfin, c'est pas grave. Allez, passons à autre chose. J'ai passé trop de temps à parler de ça, c'est dramatique. Bon, rapidement, et coucou à Crazy Seven et Big Ando que j'ai vu sur le chat. On va passer à la... Alors, vous avez eu les simples news corporate de Pell. Maintenant, vous avez une news corporate-ception avec une news JVC qui parle d'un jeu qui va être édité en physique chez... Shiomake. Non, pas Shiomake, chez Pix. Je suis monté, c'est pas Shiomake, c'est Pix. Donc, la Samurai, la Samsho Collection est éditée par Just4Games en partenariat avec Pix & Love. On rappelle que cette compile arrive donc fin août au format physique et qu'elle comprend tous les Samurai Shodown de la Neo Geo, avec en plus la seconde révision de Samurai Shodown 5 jamais sortie à l'époque. Samurai Shodown 5, perfect. Avec également un musée regroupant plus de 2000 images et documents, des interviews et un lecteur de musique avec plus de 200 pistes audio. Autrement dit, pas l'air de rien vu comme ça, on se moque pas de vous. Couplé avec un petit stick arcade, à mon avis, ça va faire les choses. T'es en train de me dire que j'ai tout ça parce que c'était gratos sur l'Epic Game Store il y a deux semaines. Oui. Oh la vache. Alors, que dans l'épisode fourni l'Epic Game Store, il y avait le Samurai Shodown 5 Perfect. Non, parce que sur Twitch aussi, il les donnait gratos. Non, attends, le 5, c'est celui qui vient de sortir ? Non. Non. Non, ok. C'est bah non, alors oui, je crois que oui. Non ? Non, mais c'est... Non, celui qui sortait déjà, moi, c'est déjà sorti sur l'Epic Game Store, ça arrive pas. D'accord, si, il n'y a pas de souci. C'est pas encore disponible sur console. Ouais, non, mais parce qu'il y a déjà eu des compilations Samurai Shodown antérieures, tu sais, sur Wii et tout ça. Et là, il n'y avait pas cet épisode-là, en fait. C'était surtout pour mettre en avant le fait que ça arrive en édition physique sur Switch et PS4, parce que je sais qu'il y a pas mal de... Et que c'est bien complet. Voilà. Okay. Et que c'est bien complet, quoi. Autre petite boîte d'émulation, ça y est, Yippie-Ki-Yay, hurra, la PC Engine Core Graphics Mini est disponible officiellement en France via Amazon. Oui, nous recevâmes nos unités. Tu recevas ton unité ? Je l'ai sous les yeux. Oh, il recevait. Je l'ai sous les yeux. Mais voilà. Oui, je l'ai. Et bien aussi, je l'ai mieux. Moi, oui. C'est la mienne. Mais non, la mienne est mieux. C'est écrit en plus, c'est mieux. La mienne est plus grande que la tienne. Ah non, elle est plus petite que la mienne. Non, oh non, je viens de dire non. Bref, donc, la Core Graphics Mini est là chez nous en sortie en PAL. Donc, ça y est, vous pouvez l'acheter pour son tarif normal, c'est-à-dire 110 balles. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas assez? Au final, c'est plutôt onéreux par rapport aux autres consoles mini. De notre côté. C'est onéreux. Le choix des jeux est quand même cool. On a quand même de belles choses. On a quand même notamment certains jeux, encore une fois, qui justifient totalement le tarif, comme le fameux Lords of Thunder, comme Saphir ou comme évidemment Neutopia 2 en version US qui vaut rien aussi. Hein. Chino Rondo aussi quand même. Hein. Chino Rondo. Ah, ce truc-là, Castlevania, c'est comme ça que tu l'appelles. Et Snatcher aussi en version Japon, évidemment. Effectivement, c'est non, mais je veux dire. Il y a énormément de titres, hein. Il y en a 58, il me semble, et la sélection est vraiment pas vilaine, l'interface est absolument géniale, le produit est bien fait, franchement, c'est vraiment très bien, enfin, moi je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, à part son tarif, et à part le fait que c'est vendu avec une seule manette, et que les manettes supplémentaires et le multitap Amazon a donné des dates de sortie approximatives, genre fin juillet ou fin août, un truc comme ça, mais on ne sait toujours pas quand ces deux accessoires qui tout le reste de la planète les a, les Américains les ont, les Japonais les ont, mais nous, on ne sait toujours pas quand ça va arriver. Et par contre, les manettes 8-bit DO vont sortir dans pas longtemps, ça va mettre nos manettes 8-bit DO compatibles avec leur protocole 2,4 GHz, donc sans fil, bref... Pour moi, ça va. Moi, c'est un achat dont je suis satisfait. Je suis en train de me refaire Ys 1 et 2. Je suis presque à la fin d'Ys 2. Là, j'ai passé la moitié. La musique défonce. Voilà, c'est un régal, vraiment. Mais ouais, c'est bien. Par contre, il faut aimer les shoot'em up. Là, si on n'aime pas les shoot'em up, ça va être compliqué. Ouais. Ce qui est plus impressionnant, c'est quand tu remets le contexte de sortie de ces jeux-là sur Core Graphics à l'époque, alors que l'équivalent était sur NES. Pour certains, tu vois quand même que c'était vraiment presque une Neo Geo déjà à l'époque. c'était des 8 bits, hein. C'était fou hein, quand même, parce que c'est ton seul. Enfin bref. Et tu as parlé rapidement de Rondo of Blood, alors sur le coup je vais le placer. Ouais. Et alors écoutez bien, parce que voilà, c'est super important. Là, maintenant je vous parle, il y a la compilation Castlevania Requiem avec donc Symphony of the Night et Rondo of Blood ensemble sur PS4 en promo à 4,99€. Ah ouais, le jeu que je n'ai jamais fait, Beyond. Hein. 5€ pour jouer à peut-être ce qui fait partie d'un des deux tout meilleurs Castlevania et surtout des plus onéreux aujourd'hui. Ouais. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, si vous avez une PS4 pour 5 balles, n'hésitez pas. Voilà, c'est maintenant, en ce moment. Voilà. Oui, il faut une PS4, oui. Alors ça, c'est par contre condition sine qua non. Il n'y a pas une promo similaire sur Steam? Je ne sais pas du tout, hein, je demande. Le jeu est sorti que sur PS4. C'est une exclu PS4, c'est pour ça que les gens sur Switch, notamment, ne font que râler depuis. Non, parce qu'il y a le même tarif pour les Mega Man Collection, moi. Ah oui, ceux-là, et puis là, la Castlevania Collection aussi, mais ils font pas partie de la Castlevania Collection, ceux-là, c'est pour ça que je demandais. Mais ok. Donc oui, ils sont pas sortis. Ouais, donc le Rondo of Blood et le Symphony of the Night. Ah ouais. 4,99€, voilà. D'accord. Ensuite, parce que je suis arrêté de parler de Castlevania Symphony of the Night, ça se fait chier à force. Hein. Petite news de chez nos amis chez MO5 qui nous parle d'un prototype de Mario Paint Artist Studio qui a été exhumé sur 64DD. Donc on en parle encore de notre prototype. Donc encore une version découverte d'un jeu. Bon, alors forcément, Mario Artist Paint, nous on n'a pas franchement connu ça en Europe vu que c'était sur l'extension d'un Nintendo 64 que nous n'avons pas connu, qui était ben, grosso modo ce qu'aurait pu devenir Mario Paint s'il avait sorti chez nous. Hein. Ouais, parce qu'il est sorti le jeu à la base. Hein. Oui, il est sorti, ouais. Mais il est sorti au Japon. Bah, oui. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Vous avez pas mal de choses, dont le repompé de Knack Attack, le fameux jeu de tapette à mouche en 3D. En 3D, ouais. Dans une salle de bain. C'est pas si, voilà. D'accord. Et c'était dans quel jeu Switch où il était réapparu ce jeu? Je me rappelle plus. Bah, Super Mario Maker. Ah oui, Mario Maker. Oui. Sur Wii U et sur Switch peut-être aussi, je sais pas. Je crois pas. Il y avait des WarioWare aussi, on le voit. Et le hack de SOTN Saturn, oui, on en a parlé. J'en ai parlé dans le précédent podcast parce que j'avais testé Ivanator. Ensuite, moi, tu nous mets un petit lien vers. Parle-en en dernier. J'ai sauvé ta transition ratée, bien. Waouh, et puis on fait comme si on n'avait rien entendu. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. Parce que je voulais garder le moment Billy Mitchell pour la faire, mais non, allons-y. Non, parce que. Enfin, honnêtement. Billy Mitchell va bien, il vous fait un petit coucou. Il y a eu deux effets qui se coulent sur Billy Mitchell, je crois. Ouais. Enfin, il fait toujours des conneries. Hein. Ouais, égal à lui-même, hein. Tu veux que je te dise. On cherche pas une équipe qui gagne, hein, voilà. Mais là, en gros, la dernière news, c'est que le Guinness avait réhabilité ses scores, donc dans le Guinness Book World Record. Bon, après, honnêtement, le Guinness, enfin, je veux dire, maintenant, ils sont sponsorisés par des dictateurs ou ce genre de conneries, donc je sais pas si on peut trop. Le Guinness, il picole beaucoup. Voilà. Ouais. Voilà, mais. Il a fait parler de lui. Alors, j'ai pas eu le temps de lire la news hein, que tu as posté, Bosnick, mais il a refait. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Plein de trucs. De toute façon, disons, c'est un peu comme tu dirais. Ah, Billy Mitchell, il a fait une connerie. Ah bon, mais laquelle? En fait, il en fait tellement, on a du mal à suivre. Hein. Alors, très clairement, du mal à suivre. Ah oui, il a comparé son. D'accord, il a comparé son éviction des tableaux de score de Twin Galaxies à l'assassinat de Kennedy. Très bien. Eh bien, oui, je pense que c'est au moins du même niveau. Good way to prove you are a fucking scumbag, mate. Good for you. Yeah, good. Ah, get lost. Sans déconner. Billy Mitchell. Voilà. Bientôt, il va nous faire des références encore bien pires. On a tous hâte. En fait, pas du tout. Désolé, c'est Comment, voilà. dire, comment prouver en 20 secondes que t'es une crevure, voilà. Il nous pro... mais lui, quelque part, il le fait chaque jour. C'est un exploit. Tout ça pour il dire aime ça. Tout ça pour dire que ça. Ouais, il a touché le fond et il creuse encore, quoi. Mais c'est pas ça, c'est comment... dire. Non, mais tu sais qu'à force de creuser, il va ressortir de l'autre côté. Hein, parce qu'il va continuer et il refera un deuxième tour. C'est comment... comment dire, il existe que pour ça. Que pour non, comment dire que par ces pseudo records voilà. on va même dire record comme ça au moins voilà mais surtout pas... maintenant il a été battu plein de fois hein. Oui mais voilà c'est justement ça le problème c'est et ça, de manière et de manière légale c'est ça qui est dingue c'est voilà. Que c'est prouvé que les ces records là sont vraiment bons alors que lui pour faire une analogie c'est un peu comme un mec il dit les ceintures noires de judo pendant 20 ans et un jour il se retrouve à Teddy Riner et Teddy Riner il le tartine en 20 secondes. Le mec, c'est peut-être une ceinture noire, mais si en plus on découvre qu'en plus s'être fait tartiner, le mec c'était un tricheur et qu'il a jamais eu sa ceinture noire et s'est jamais fait entraîner, le mec c'est juste une blague. Voilà, le mec c'est juste une blague. Et c'est le problème de Billy Mitchell. C'est le mec, il a été démasqué tellement des dizaines de fois que c'en est même plus drôle. Tu vois, et je comprends pas comment le mec, à part le fait d'avoir un énorme problème d'ego, je comprends pas comment des gens comme ça, ils peuvent s'accrocher comme une moule à leur rocher en disant non, non. Moi, il faut me considérer en tant que tel, mais on te considère en tant que rien. Mais parce désolé. Qu'on lui donne une tribune, nous les premiers, c'est pour ça. C'est l'América aussi, n'oublie pas. C'est l'América. C'est les États-Unis. Hein. Comme je dis tous les jours quasiment sur Twitter, c'est le peuple, il fait partie du peuple qui tire avec des fusils sur les tornades. Et généralement, ça résume à peu près tout. Mais bon, c'est parce qu'on n'a pas de fusils, donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est sûrement qu'on n'a pas de tornade. On a l'occasion de reparler de Billy Mitchell. Je suis content qu'on ait appris ce soir que Billy Mitchell portait des ceintures noires. Je n'ai pas bien compris. Bref, sur le coup. Billy Mitchell, il est vivant. Et c'est tout le bien qu'on pourra en dire. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer à la news. Donc, la news qui va nous servir à faire le lien. C'est pour ça. Voilà. Dernière news. Abandonware en France met à disposition. Il a mis le lien avant moi. T'as vu ça? Met à disposition des gens des versions HTML5 de classiques. Ouais, des classiques. Alors, ouais, jouables en fait directement dans votre navigateur, sans installer de trucs ni rien, c'est jouable dans le navigateur. Et il y a plein de jeux. Il y a quelques jeux, et je pense que le catalogue va peut-être s'étoffer. On a parlé il n'y a pas longtemps. Ouais, t'as du Alone in the Dark, Beneath Steel Sky, Civil Soccer. Tu as Civ Epic Pinball, poids. Ouais, tu vois, que... Quest. Croisière pour un cadavre, Might and Magic 4 et 5. Enfin. Et voilà. Vous allez même pouvoir chercher Carmen Sandiego. C'est ça. Lemmings, Lemmings 2, le manoir de Morteveil, poids. Ouais, mais il n'y a pas Sensible, donc. Il y a même Zool et Zool 2, voilà, non, parce qu'on en parlait, je crois. Il y a un team et sa suite, The Even More Incredible Machine. Oui. Donc voilà, vous cliquez sur jouer et paf, ça se lance dans votre navigateur. Donc je trouve ça vraiment bien de rendre ça. Parce que c'est des jeux, des fois, il faut s'accrocher pour les faire tourner, quoi. Donc voilà. Dogebox, c'est pas si compliqué, il faut connaître un peu. Enfin, voilà. Là, tu ouais, il faut connaître un peu, mais dis-toi que les trois quarts des gens, bah voilà, ils iront jamais. Ouvrir ou utiliser DOSBox, là tu leur donnes la possibilité de jouer à des jeux qu'ils ont peut-être connus quand ils étaient plus jeunes. Si tu veux, moi je te ferai un tuto pour jouer à Mega Man 3 sur DOS. Alors premièrement, je n'ai pas besoin de tuto, je peux m'en sortir. Je n'ai pas envie de jouer à Mega Man 3 DOS sur DOSBox. Voilà. Crois-moi, tu auras besoin d'un tuto pour pas perdre ta santé mentale. Ah, ça par contre, oui. Enfin voilà. Et parmi ces jeux, par exemple, je vois un Xenon 2 Mega Blast. Et vous savez quand il est sorti Xenon 2 Mega Blast? En 1989. Ouais, j'ai la musique dans la tête. Là. Dis-moi, Tipa, que c'est pas vrai. Et si ? C'est fou ! Ah, la musique de Xenon 2, putain, qui ressemble totalement à The End de Carpenter, justement. Enfin, bref. Et voilà, transition, t'as vu ça ? Putain, comment j'ai sauvé le... Xenon 2 est excellent. Hein. Ouais. Et sur le coup, bah, vu l'heure qu'il est, on va pouvoir faire le podcast la prochaine fois. On voilà. Donne rendez-vous dans deux... Voilà. Ciao, bonne nuit. À plus. Qu'est-ce qui s'est-il passé en 1989 dans les jeux vidéo? Alors, on va peut-être commencer déjà pour resituer, quel âge avions-nous en 1989, les gens ici? Ah. J'avais 11 ans. Du moins, j'allais sur mes 11 ans. Voilà. Moi, j'avais 9 ans. Pelle, il n'ose pas répondre. Pelle était à Saïgon. 89. Non, mais c'était la fin de la guerre froide. Je me rappelle. Ah, je, oui, revenais oui. De... je revenais d'Ukraine à ce moment-là et c'était pas facile. 89, hein, j'avais 6 ans. Et, ouais. Et toi, Bora, tu avais moins combien? Ouais, j'avais un an, voilà. Ah oui, t'étais là quand même. J'étais là quand même. Ah oui, et puis j'ai des souvenirs très nets et clairs de cette période, hein, pas de problème. Bah, Xenon 2, voilà, par exemple, je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. Oh là là. Ouais. En même temps, c'est normal, c'était avant-hier. Donc voilà. Donc, cette année 89, ben, elle a été ponctuée. Bon, on va parler un petit peu globalement, mondialement, dans tout ce qui s'est passé au niveau culturel, comme d'habitude, musique, cinéma, et surtout jeux vidéo, puisqu'on est là pour ça. Et géopolitique. Bien sûr. Géopolitique, cher à Machiavel. Sur le coup, je fais un petit tour rapide des machines, des nouvelles machines qui sont arrivées en 1989 et sur quel territoire. Ouais. Juste citer donc la Mega Drive sort aux États-Unis sous le nom de Genesis. Genesis, ouais. I can dance. Non, désolé. Enfin, je veux dire. On parlera de Phil Collins plus tard dans la série. Est-ce qu'il y a un Judas Priest sorti en 89? Je regarde. Ouais. Toujours la même année sort au Japon donc la Game Boy, le Game Boy, voilà, Game Boy. Et la même année. Le Game Boy, comme je l'appelle, le Game Boy. Toujours cette même année sort la principale concurrente de la Game Boy, donc la Lynx d'Atari aux États-Unis. Oh, mon Dieu. Et là, tu te rends compte du truc. La principale concurrente, c'était la Lynx. c'est dramatique. C'est-à-dire, tu sens que Nintendo, ils ont un peu dominé le truc, quoi. Mais un tout petit peu. Et toujours la même année sort donc on en a parlé, la PC Engine aux États-Unis sous le nom de TurboGrafx-16 avec un design qui pourrait faire passer la Super NES américaine pour presque jolie. Hein. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme design dégueulasse aux États-Unis quand même. Sur le coup, l'air de rien, eh ben, c'est quand même des sacrées machines qui sont sorties. Parce qu'entre la Mega Drive, la PC Engine et la Game Boy, tu te dis ouais, oui, quand même. Bah ouais, hein, c'était du lourd. Et puis alors, justement, la PC Engine, c'était quand même une sortie officielle, hein, contrairement à nous. Donc je pense qu'elle a eu un impact beaucoup plus fort là-bas que par chez nous, quand même. Hein. J'imagine, en tout cas. En plus, ils ont eu des jaquettes refaites pour eux et tout, donc elle a bien marché, il me semble en tout cas. Je pense que oui. Alors, c'est toujours pareil aux États-Unis, il y a Nintendo, et j'ai envie de dire, des fois, il y a loin derrière Sega. Et... Ouais, mais tu sais, les jeux PC Engine, on les voit souvent quand même hein, dans des AGDQ et tout, les PC Kids et tout ça, ils sont là. Donc, c'est des jeux connus, les Bonks Revenge, Adventure et tout ça. Oui, les voit... c'est connu parce qu'il y a aussi des sorties sur Super NES, il y a eu des adaptations. Ah oui, mais alors, tu vois, je pense que les jeux Super NES de Bonk, enfin de PC Kid, sont complètement anecdotiques à côté. Ils le sont, mais c'est aussi pour ça que le perso, il est connu. Parce que tu prends d'autres jeux propres à la PC Engine, on ne peut pas dire qu'ils soient véritablement connus. Quoi. Et donc, sur le coup, bah, tiens, puisqu'on est sur la PC Engine, on va commencer par la PC Engine avec quand même un jeu sorti cette année sur PC Engine dont on va parler rapidement, hein, parce que Monsieur Chou, on connaît quelqu'un qui aime bien ce jeu. Ah. Un petit shoot'em up qui s'appelle Gunhead. Mais c'est pas vrai, c'est un petit jeu. Hein. C'est pas Blazing Lasers. Alors, Blazing Lasers aux États-Unis, bien sûr, parce qu'il fallait le renommer, c'est très important. Alors, malheureusement, un jeu qui ne fait pas partie de cette Core Graphics Mini. Oui, je n'ai pas compris pourquoi. Mais est-ce que ça n'est pas partie de ce qu'on parlait cet après-midi, à savoir des jeux qui sont cultes dans certains territoires, mais absolument pas dans le pays d'origine? Ah, bonne question. Peut-être comme l'est un Final Match Tennis chez nous ou un Nintendo World Cup. Ouais, peut-être que ça fait partie de ces jeux-là. Mais s'il y est, Beyond Gunhead. Il y est ? Il y a la version US, hein, il est Blazing Lasers ? Oui, il y est, Blazing Lasers. Je dis que des bêtises, merci, Pell. Comme quoi, tu vois, j'ai pas fait. C'est vrai que sur le titre américain, je fais ah, tiens. Oui, j'ai dit, gros doute, hein, j'ai été vérifié. Okay, et oui, il y est. Autant pour moi, donc c'est parfait. Donc sur le coup, youpi, tant mieux. Youpi. Oui, quand même, Gunhead, c'est quand même un jeu majeur dans les shoots. Hein. On se dit qu'on en parlait, les shoots des notes PC Engine, c'est quand même fou, quoi. Je veux dire. Bah, comme disait Beyond, hein, si t'es pas les shoots des meubles, achète pas de PC Engine. Oh. Mais clairement, clairement. Mmh. Bah oui. Il n'y a pas que ça, effectivement, mais il y a une grosse composante shmup. Hein, ouais, ouais. Ouais, ouais, comme la Mega Drive, je trouve. C'est vraiment deux consoles à shoot, quoi. Ouais. Et donc, toujours pareil, toujours sur PC Engine, le premier PC Kid est sorti au Japon en fin d'année 1989 aussi. Ouais. Et lui, il deviendra immédiatement la mascotte, quand même, hein, de la console. C'était important, ça, les mascottes à l'époque. Hein. Donc, le petit personnage avait une vraie identité, quand même. Hein. C'était rigolo, le petit bonhomme. Mmh. Le premier avec son gameplay simple, relativement accessible. Ouais. Et surtout, alors, qu'est-ce qu'il était beau! Mais oui, hein. Qu'est-ce qui était beau pour un jeu de 89 que... Ouais, wow. C'était très très très cartoonesque, presque anime, tu sais, comme on aurait pu voir dans des petits dessins animés. Ah, mais c'était pas presque anime, c'était totalement anime. Hein. Ouais, ouais, ouais. Les transformations, quand sa tête explose. Quand il grimpe sur les murs, les dents. Les coups de dents qu'il met. Ah, oui, le jeu, il est fabuleux. Ouais. Et puis surtout, il est coloré. Oui, ah, oui, il est super coloré. Et 89, ouais, ouais. Tu regardes ça, tu fais. Ah, ouais, ah oui, il n'y avait pas d'équivalent sur d'autres machines, c'est ce que je disais tout à l'heure, la Core Graphics, enfin la PC Engine, c'était vraiment un monstre hein, quand même. Hein. Ouais, bah, un monstre 8 bits, c'était une 8 bits. Donc PC Kid, gros jeu. Hein. Et je me dis, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec PC Engine Mini, parce qu'on a eu beaucoup de monde en parler, notamment, voilà, moi j'ai vu justement le passage de Florent Gorge sur Recatbox, qui disait, oui, mais la PC Engine, en gros, c'est une console, pour l'acheter à l'époque, il fallait la vouloir, l'air de dire, il fallait avoir envie d'aller l'acheter, tout ça, et de... Mais non, il y a vraiment des endroits en France où on trouvait juste pas de PC Engine du tout, dans les années 90. T'étais obligé de passer par les catalogues, si tu voulais acheter... Voilà, moi, je l'ai eu comme ça. Moi, je suis de la région lyonnaise, hein. De Lyon, il n'y avait pas. Alors, mais je l'ai eu à l'époque, hein. je l'avais prise justement pour PC Kit 2 qui était testé dans le numéro 1 de Mega, du premier Joypad. Voilà, c'était le numéro 1, c'était le test de PC Kit 2. Je bavais comme un cinglé, donc j'ai pris la console avec ça, direct. Mais pour l'avoir, il n'y avait aucun magasin hein, par chez moi. C'était forcément Espace 3 en c'est commande. C'est ça, Espace 3, exactement. Ah, oui, ouais. 3, j'ai commandé, je me rappelle. De toute façon, c'était Espace 3. Où il y avait aussi... bah, Micromania faisait de l'import aussi à l'époque, dans les magazines, je me rappelle. Oui. Et, avec le petit bonhomme. Oui, c'est ça. Le petit bonhomme qui ressemblait, hein, c'est vrai. Mais du coup, il n'y avait pas 36 moyens de l'avoir. C'était forcément par correspondance. Ouais. Parce que moi, comme j'ai dit à l'époque, si tes parents ne voulaient pas t'acheter un truc par correspondance, c'est qu'ils estimaient aussi que, ben, une fois que tu avais la console, trouver des jeux, ça allait être tout aussi galère. Un enfer, ça allait être un enfer. Voilà, tu n'avais pas franchement de choix. Moi, je me souviens, la seule personne que j'ai dans mon entourage local qui a vu une PC Engine, c'est un ami à moi qui avait ses grands-parents qui habitaient juste à côté du Auchan à Pau, donc à plus de 100 km de chez moi. Parce que le Auchan à Pau en avait une en démonstration. Voilà, c'est pour donner une idée au niveau disponibilité de la PC Engine. C'était... Ouais, ouais, ouais. Moi, par chez moi, il y a eu un seul magasin qui l'avait. Et en plus, parce que je l'ai jamais vu en magasin. C'était la seule fois avant que j'en ai une pour la collecte. C'est la seule fois de ma vie où j'avais joué en fait à la PC Engine. Non, deux fois en fait. Deux fois dans le même magasin, une fois donc à Final Match Tennis et une autre fois à Bomberman 93. Et pour à quel point c'était difficile, on est quand même à l'époque où dans les hyper, on commençait à avoir des gros étals de jeux. On avait des grosses vitrines avec les jeux NES et avec les jeux Master System. Et c'était quelque chose qui était... Ça se vendait le jeu vidéo. Hein. Oui. Et PC Engine, ça n'existait pas. Tu allais voir les vendeurs, tu leur demandais. Ils avaient déjà du mal avec la NES et la Master System. Alors la PC Engine... C'était fini, hein. Tu les avais perdus, il y avait de la bave au bord des lèvres, ils faisaient des convulsions. Hein. Et donc, sur le coup, bah, comme tu l'as montré tout à l'heure, Chou, donc chez Recalbox, si la TurboGrafx 16 avait dû sortir en Europe, elle aurait été disponible sous cette forme que tu as montrée avec donc le design américain repris, mais avec un format de vidéo PAL. Ces fameuses... voilà. D'ailleurs, une chose absolument stupide, oui. C'est que la prise, en fait, le connecteur des manettes est différent comparé à ceux des PC Engine. Donc, tu peux même pas, au pire, prendre ce modèle, te dire « Oh, bah, comme ça, au pire, ça me fait une manette en plus, j'ai le multitap. » Non, malheureusement. Okay. Ou alors, il faut un adaptateur. Adaptateur que j'ai jamais réussi à trouver, d'ailleurs, mais ça, il paraît que ça existe. D'accord. Bref, sur le coup, on comprend pourquoi ils ont finalement rebroussé chemin, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Non, mais on leur met le design moche, là, ça va jamais marcher. » C'est pas faux. Petit tour sur le coup, donc dans les jeux sortis en 1989, j'avais pas envie de parler de deux jeux, on va forcément y venir, qui sont deux pierres très très importantes. Non, c'est là par contre deux jeux qui vont faire évoluer beaucoup le genre et qui sont assez similaires, alors non pas dans l'exécution, dans la façon, enfin, mais dans l'esprit, on va dire. Bullfrog sort. Le premier épisode de Populous. Maxis nous sort le premier épisode de SimCity en 1989. Qui est un hommage à Sim, grand comique français, bien évidemment. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. C'est bien la petite vieille. Hein. Avec une ville peuplée de chauves. La baronne de la tronche, c'est la baronne de la Tronchambier. Pour ceux qui connaissent. Ah, ça y est, ça sort les références. Oh là là, boss dick, comment tu peux te rappeler du nom, toi? Parce que j'aimais bien Sim. C'est ce que j'allais dire. Vas-y, qui se souvient du don, si tu as raison. J'aimais bien Sim, moi. Mais donc, cela dit, Beyond, j'ai énormément joué à Populous, moi. SimCity, jamais, mais Populous, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai jamais joué à Populous et un tout peu à SimCity. Voilà, j'ai adoré à Populous. Moi, SimCity, je fais partie des gens qui l'ont découvert sur Super Nintendo. Ouais, moi aussi. Vraiment, ouais, c'est vrai. Sur Super NES, tout ouais, vraiment très bon jeu. Avec Bowser qui venait casser ta ville. Voilà. Merci. Moi, c'est un pote qui l'avait. Moi, je comprenais pas grand chose. Tout ce que j'espérais, c'était, je crois que tu pouvais déclencher toi-même des catastrophes. Et sur Super NES. Et quand il allait aux chiottes et qu'il du coup laissait la manette. Ah, il y arrivait des bricoles à sa ville. Parce que moi, je voulais voir Bowser. La catastrophe. Ah, c'était l'enfoiré, quoi. Ah ouais, non, mais carrément. Bah, en fait, j'avais pas idée de ce que ça représentait, la construction d'une ville. J'ai l'esprit mal tourné, mais je pense, moi, ouais, tu vois, il mettait un petit laxatif. Tu non, vois, alors. Un verre de coca à côté. Ça, il pouvait déclencher la catastrophe, tu vois. Ah, mais ouais, ouais. C'était la double peine, quoi. Ah bon. Tu es cloué sur ta forteresse de porcelaine et quand tu reviens, paf, allez, Bowser il a tout pété. Ouais. Mais le principe des catastrophes, Armageddon, les eaux à monter, tout ça, c'était complètement popou. Hein, de toute façon, c'était un jeu de guerrier où tu dirigeais Dieu, mais c'était une zone de guerre hein, quand même entre deux clans. Populous, c'est qui l'a créé? Parce qu'il faut quand même le dire, non? Oui, c'est un petit jeune pareil, il est chauve aussi. Hein. Sure. Peter Molyneux. Bah c'est Momo, ouais. Ah, c'est Mormolneux, bah oui. Le Bullfrog, c'est forcément Molyneux. Oui, mais il faut le dire aux gens qui ne connaîtraient pas, voilà quoi. Mais Peter Molyneux, ouais. Parce que Molyneux est quand même un personnage important du jeu vidéo. À cette époque, Molyneux, c'était pas aussi discutable qu'à partir des années 2000. Ça n'était même totalement pas discutable. Voilà. Pour le coup, à partir des années 2000, il a commencé à avoir des trucs comme... où il a commencé à ouvrir sa gueule quand il... On va dire qu'il s'est vu trop beau. Il a inventé plein de choses. Comme fable avec le fameux gland que tu pouvais planter et ça allait te faire pousser un arbre. Ça n'a jamais existé. C'est ça, mais après, pour le coup... El Famoso jeu Kinect, qui n'était même pas une démo technique, qui n'était même pas une proof of concept, qui était un truc qui n'a jamais été en développement. Mais lui, il disait, si, il est en développement, mon jeu. En fait, c'est pas vraiment de sa faute pour le coup de Kinect. Enfin, c'est de sa faute, mais pas que... Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu. Comment il s'appelait son studio 12 canettes, là, ou un truc comme ça? Ah ouais! Avec ces deux arnaques, avec le jeu avec le cube, ou si tu. Comment dire? Oui, le dernier qui ouvrait le cube, il avait un cadeau. Curiosity, what is inside the cube? Ouais. Le cadeau, c'était tu allais être le maître du jeu du prochain jeu. Et je ne sais plus quel pourcentage généré par le prochain jeu de Peter, et ça allait directement dans la poche du gagnant. Après, sauf que oui. Le mec, sauf que l'ado qui a résolu l'énigme, il n'a jamais rien eu. Et apparemment, il a eu genre deux mails de Molineux dans toute sa vie, quoi. Après, on est méchant avec Molineux, mais il faut être honnête. Le papa du God Game, c'est lui. Ah oui. Voilà. Et excusez-moi, juste pour terminer. Et Fab, c'est des bons jeux aussi, accessoirement. Le fameux jeu qui s'appelle Godus, en fait, il ne faut pas oublier que c'est un développeur qui, une fois, qui travaillait dans son studio, qui lui a dit j'en ai plein le cul, j'ai des idées, mais pour sauver le jeu, mais voilà. Le mec, en fait, il a sauvé le jeu, et soit il s'est fait lourder, soit il s'est barré à la fin du développement. J'ai ouvert la boîte de Pandore, j'aurais pas dû parler de Molineux. Ah bah ouais, bah Molineux, moi je peux te faire une dissertation d'une heure. Oui, non, mais c'est juste pour dire quoi là, c'est Molineux qui a créé, c'est lui qui a fait God Game. Ivrinator, il demande s'il peut mettre un lien, mais alors il déconne pas, hein. Quand il te dit je mets un lien, moi le lien... C'est un adaptateur pour les manettes, ça oui, super. Est-ce que si je clique dessus, mon PC explose? J'ai peur. Merci. C'est quand même donc le oui de le papa du Code Game avec autour de Populous, Powermonger, Populous 2. Ah oui, et après, il le fera aussi Black évoluer avec Black and White. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Black and White. Et juste. C'est pas la question. Voilà, moi, enfin voilà, je me souviens après d'autres jeux comme Magic Rapet qui était sympa. Il était cool, Magic Rapet. Il était vachement cool, Magic. En fait, ces jeux étaient très très bien jusqu'à Fable 2. Après, voilà, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. L'alcool, la drogue, le ski. Et voilà, c'est terrible. Et de notre côté, voilà, de notre côté, donc on avait chez Maxis le fameux Will Wright, hein, William Wright. Ah oui, c'est celui qu'on voit dans Link's Awakening. Ouais, c'est le perso de Link's Awakening, ouais. C'est ça. Et donc, il sera voilà, le type qui crée SimCity et les Sims. Bon, je pense que maintenant, il a un peu de sous de côté. Il doit avoir un peu. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on oublie certains de ces jeux comme Raiding of Bugling Bay, pour ceux qui ont connu. Oui, c'est moi, je ne connais pas. Tu ne connais pas? Non, je connais pas. Si c'est un jeu, si c'est du jeu PC Alors, c'est très particulier, parce qu'en fait, c'est un jeu PC dont il existe une version Famicom. Oui, donc c'est PC vieux, donc effectivement, c'est normal que je ne connaisse pas. Ça existe aussi sur Commodore 64, je crois. Ouais, c'est normal. Après la PC Engine, la PC vieux. Voilà. Forcément édité par nos amis de Brotherbound Software. Après PC Kid, PC vieux. Non, mais si, c'est bon, tout a un sens. Ah ouais. C'est un jeu en solo, en fait, où vous dirigez un hélicoptère, en fait. Il fallait détruire des trucs. C'est un peu l'ancêtre de... Comment s'appelle ce jeu sur Mega Drive, Beyond, avec les... Ah ouais, mais c'est Desert Strike, ce genre de truc, là. Voilà. Enfin, les Machin Strike. C'est 84. Moi, j'aimais bien Desert Strike. Plus ou moins ça, en plus austère, on va dire. Enfin, attention, j'y ai joué une fois il y a très longtemps, mais le titre m'est resté en tête, étant donné que c'est le tout premier jeu de Will Wright, en fait. Voilà. Et qui fera plus tard, donc, Simcopter, qui sera... Ah ouais, c'est une copie. Simulation d'hélicoptère en 3D. Et donc, j'en ai parlé rapidement aussi tout à l'heure, mais il sortira donc un simulateur de fourmilière, SimHunt. J'aime et beaucoup. Si vous voulez en plus jouer à SimHunt avec une interface comme SimCity, il existe sur Super Nintendo. Il n'est pas sorti en Europe, mais il existe en version US sur Super Nintendo, il me semble aussi. Mais c'est uniquement la manette, je crois, SimHunt, sur le PC. Comme un peu comme SimCity, c'est une manette uniquement, donc forcément c'est... J'y avais joué une fois avec l'Everdrive, ouais. Bon, mais c'est je parle... C'est un jeu de maçon, ça. Je voulais pas... Simon. Ah oui, le Simon. Je voulais pas. Ah mais, quelque part... Non, on se marre dans ce podcast, c'est ouf, hein. Ah ouais, c'est blague. Attendez, il vient de le mettre sur le Discord, sa blague. Si on n'aurait pas compris. On a le mode d'emploi sur Discord, hein, mais quelle chance on a. Pardon, si non, fais-moi pour le mode d'emploi. Non, on a que nous. Fais-moi plaisir. Est-ce que tu pourras faire ce genre de blague sur le live Recalbox? Ah ben je sais pas, faut que je sois de la terre. Hein. Non mais on va ouvrir un Tipeee, on va se cotiser pour une webcam, voilà. On verra ça. Bon, et sur le coup, tiens, on va changer de catégorie de jeu et on va passer à une autre catégorie qui était un petit peu loin pour nous en 1989, les RPG, avec la sortie de deux RPG pareil qui feront quand même date dans l'histoire. D'un côté, chez Nintendo, on a le premier Mother qui sort au Japon. Et de l'autre, chez Sega, nous offre Phantasy Star 2. Et là alors, aussi, nous on découvrait que le premier sur Master System. Oui, nous on a. Et donc, alors, Mother et Phantasy Star 2, c'est les jeux aujourd'hui, comment dire ? Voilà, ouais, alors, bah, ils ont en point commun ouais, une certaine difficulté, quand même, c'est clair. Oui, beaucoup. Oui, grosse difficulté. Que ce sont tous les deux des jeux. Au tour par tour avec un système de combat où on voit les personnages de dos justement aussi, et, enfin pas dans Mozart mais en tout cas c'est le même système de vue subjective dans les scènes de combat. Ils ont beaucoup de choses en commun en fait, hein, c'est vrai. Alors, il y en a un qui est beaucoup plus verbeux que l'autre. Oui. Et c'est pas une critique. Hein. Non, c'est vrai. Mais Phantasy Star 2, il est... Alors... C'est le chaud et le froid, c'est-à-dire que d'un côté, on a une réalisation technique qui est vraiment le début de la Mega Drive et c'est pas fantastique. Il y a du pixel qui est joli, hein. Il y a des trucs. Ah, mais attends, les avatars sont absolument super, j'ai trouvé même mieux que dans le 3, moi. Alors, le 3, la DA est dégueulasse. Donc ça, ouais. Non, ouais. Les persos sont bien dans le 3, je trouve, dans le jeu en lui-même quand tu diriges, mais je trouve que les avatars du 2 l'explosent, quoi. Vraiment. Par contre, ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans Phantasy Star 2, c'est la musique. Ah oui. On parlait tout à l'heure des basses de la Mega Drive. Les lignes de basse de certaines musiques, comme la World Map par exemple dans Phantasy Star 2, c'est fantastique. Mais vraiment, hein. Ouais. Moi, il faut que je mette ça sur ma liste. Hein. Merci. Ben, tu vois, je me rappelle même pas de la musique. Moi, j'ai beaucoup la musique de Phantasy Star 2. Et effectivement, Phantasy Star 2 était vendu donc aux États-Unis, puis en Europe, aux États-Unis. Alors, je crois qu'en Europe, c'est pas, je suis pas sûr. Mais aux États-Unis, en tout cas, le jeu était en packaging. Donc, tu avais le jeu Mega Drive et listé avec, tu avais un gros guide, un vrai gros guide pour le walkthrough du jeu et pour t'expliquer où aller. Parce que, oui, Phantasy Star 2, il est pas gentil, mais dans le sens où tu peux tourner en rond longtemps. Mais c'est un jeu à trigger, comme les jeux de cette époque-là. Tu trouves pas la bonne personne à qui parler, tu joues pas. Excuse-moi, donc pour être sûr, c'était bien la world map de Phantasy Star 2, c'est ça ? C'était un guide carrément de Phantasy Star 2. Non, mais la musique que tu disais. Ah oui, la world map, oui, pardon, oui. C'est noté. Et en plus, faut pas oublier que les jeux n'étaient pas traduits. Full anglais. Ah oui. Ah, ouais. Chez nous, c'était full anglais. Voilà, full anglais. Hein. Et c'était une sortie japonaise, hein, la date en 89, un billon, tu disais ? Oui, c'est sorti en 89. Oui. Et oui, Caps nous le dit dans le chat également. 1989, alors c'est pas un RPG, c'est plutôt de l'action RPG, mais c'est la sortie du troisième épisode de Ys. Ah oui. Wanderers from Ys. Il était déjà là, lui. Ouais. Il était déjà là, lui. Ah bah déjà au 3, surtout. Alors pour, ouais, ouais, c'est ça, déjà au 3, ouais, c'est ouf. Falcom, c'est des vieux, hein. Ouais, et bien alors le 3, en plus, le Ys 3, il est réputé, hein. En plus, vous savez, Falcom, c'est des vieux, mais même déjà à l'époque, ils faisaient des musiques qui tabassent. Eh ben, j'en parlais avec Beyond, c'était hier, hein, Beyond, je te disais, Falcom était réputé déjà à l'époque pour ses musiques, ouais. Mais vraiment. Ouais. Ah, mais totalement, hein. Déjà à l'époque. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de jouer, donc je suis en plein Ys Book sur oui. PC Engine, oui. Sur OCD. Moi, je connaissais seulement Ys sur Master System. Autant dire que quand j'ai entendu les musiques en version CD, j'ai fait qu'est-ce qui se passe ? Oui. Ah non, mais Falcom, il y a des gens qui disent que les musiques de Falcom, c'est des musiques de RPG lambda. Je ne sais pas ce qu'ils ont écouté, mais... Oui. Mais de toute façon, on les retrouve même dans les derniers Ys, déjà, est à basse. Même dans les Legend of Heroes... Tu regardes les qui c'est qui. Les Trails of Cold Steel, les qui c'est qui, tout ça. Mais c'est absolument excellent musicalement, mais vraiment... Ah non, mais Falcom, ils sont intestables en niveau musique. C'est... En plus, écoutez, il y a tout sur Spotify quasiment qui est dispo. Il y a donc, le Ys 3, oui. Très bien. Et donc, sur le coup, on peut dire voilà, que c'est... Et après, le premier Mother, bah, c'est rigolo parce que j'en parlais, j'étais sur un autre Discord hier ou avant-hier, je suis bien au soir, oui, on a parlé du premier Mother. Et donc, le premier Mother, aux États-Unis, lorsqu'il existe une version US du jeu, entre guillemets, où le jeu a été beaucoup calmé au niveau de la difficulté. Mais de toute façon, c'est pas, enfin, Nintendo, c'est pas le seul à avoir eu ce genre de soucis à l'époque, puisque c'était FF4, c'est ça, qui avait connu aussi une version easy type après que les joueurs aient gueulé en disant bon, mais vous rigolez, vous l'avez testé votre jeu. Ah, ben alors je savais pas que le FF4 avait été facilité comme ça. FF4, donc c'est le 2 aux États-Unis, c'est ça, oui, oui, c'est ça. A connu deux versions au Japon où. Oui. Après le lire des joueurs, ils ont nerfé le jeu. Ils ont dit, on va se calmer. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est. Bah, parce qu'après, moi, le Phantasy Star 2, je ne l'ai pas terminé. Ouais. Même si mais pourtant, les Américains, ils avaient les Dragon Warriors, enfin les Dragon Quest. Ouais. Du coup, ils savaient la difficulté de ces jeux-là quand même. Tu vois, c'était pas facile, hein, Dragon Quest, les premiers. Justement, 1989, c'est la sortie du premier Dragon Warrior. Ah, bah c'était. Ah, je pensais qu'ils étaient déjà là. D'accord, ok. Non, ils ont mis le temps, mais okay. Le premier Dragon Quest est sorti aux États-Unis en 1989. Bah, d'accord, ok. Bah, alors là, ça a dû leur faire bizarre aussi, quoi. La difficulté, ouais. Ça se pose là. Hein. C'est vrai. Non, alors bah, c'est ouais, vrai. Mais... On était jeunes à l'époque pour avoir évidemment connu les RPG, nous. Bah surtout que là, enfin Dragon Warrior, genre il est jamais sorti chez nous. Non, et en plus, moi, 89, j'ai eu ma Master System en Noël 89. C'est ouf, parce qu'avec le recul, de se dire le décalage qu'il pouvait y avoir oui, entre les machines auxquelles on jouait et ce qui était disponible à l'époque, ou ce qui ouais. aurait pu être disponible si ça avait été dispo en France. Moi, pareil, en 89, j'avais même pas encore ma Master System, je l'avais même pas encore gagné. Donc... Moi, ouais, j'avais même pas encore toutes mes dents. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Non, mais ouais, ouais je l'ai eu en 89, ouais. Noël 89, ma Master. Ouais, dedans. Ok. Bon, est-ce que vous avez... Alors, parce que je fais que parler depuis le début. Est-ce qu'il y a des jeux dont vous aviez envie de parler un jeu, vous aviez envie de parler, vous, cette année ouais, il y a trois jeux que je pense qu'il faut en parler vite fait. Un, parce que historiquement, c'est une énigme. La probabilité qu'Atari sorte un jeu sur Atari 2600 en 1989, c'est compliqué. Surtout qu'étant un jeu inspiré du 2 Zelda 1. Ce jeu, donc, c'est Secret Quest. Je pense que personne ne connaît ici à part moi. Yep. Et c'est un jeu très particulier, en fait, avec une cartouche qui a de la RAM en plus d'avoir en fait une ROM qui est absolument énorme pour un jeu Atari 2600. Donc la plupart des jeux ils tournent en 4 kilobits et là on a un jeu en 16K. 16 kilobits, rendez-vous compte. C'est pas un jeu qui est très intéressant, mais c'est quand même intéressant de voir que ben, voilà, Atari ils sortent encore des jeux en fait pour sur leur machine, tout simplement dans le but de prouver que leur machine elle peut encore faire des choses. Ouais, beaucoup disent d'ailleurs que c'est le dernier jeu sorti sur cette machine, et apparemment ça serait Clax. Voilà, un autre jeu que par contre beaucoup de gens connaissent. Le Batman sorti par Océan, ou aussi appelé Batman The Movie, sorti sur à peu près tout ce qui existe au niveau micro-ordinateur. Bah, le Clax aussi, de toute façon, il est sorti. Oui, non, mais enfin, Clax, c'était pas 89 aussi. Ouais. Mais Batman, le Batman d'Océan, 1989. Qui connaît ce jeu ici? Non, on ne connaît pas. C'est pas celui qui était en 3D isométrique. Là. C'est celui en 3D iso. Mais celui-là, bah, j'y ai jamais, joué. Ah, bah oui, c'était sur Amstrad. Donc, okay. Je le connais, mais j'y ai jamais joué. Si, mais... bah, je l'avais. Et non, il était... Ah, non, j'ai des conneries. C'est celui en 2D, en fait, super dur, qui est. Voilà, ok. Ah, celui où il grimpe avec son câble. Voilà. Ok, non, c'est pas celui-là, je l'avais testé, mais je l'avais pas. Et j'aimais pas trop. Je confonds toujours les deux jeux. Et celui-là, effectivement, je l'aime moins comparé à celui en 3D ISO, malgré que la 3D ISO, ça me donne des boutons. Oui, et pourtant, il est sorti avant, hein, l'épisode. Ouais. Il était très bien. Et sinon, un petit jeu d'os, parce qu'il faut quand même. Voilà. Indiana Jones and the Last Crusade, The Graphic Adventure. Ah oui, oui. Qui est très bien, mais maintenant, bon, c'est un point and click. Enfin, c'est pas vraiment un point and click, c'est un jeu d'aventure graphique, on va dire. Dans la bonne veine de Maniac Mansion, si mes souvenirs sont exacts. Donc, un jeu fait par, designé par Ron Gilbert. Voilà, Gilbert, histoire de citer le bonhomme qui a fait quand même pas mal de choses chez Lucas. Notamment Maniac Mansion, voilà, les chiens ne font pas des chats. Et aussi les Monkey Island, il me semble, c'est lui. Voilà. C'est lui, je confirme. Voilà, je voulais citer juste trois jeux comme ça, un peu pêle-mêle. Parce que sinon, personne n'aurait cité de jeux sur micro. Ah, si. Bah ah. Oui, les voyageurs du temps. Ah, jeu de 89. Moi, le seul moment où j'avais accès à un ordi, c'est quand j'allais en vacances. J'ai des gens qui avaient un ordi. Et un jeu de 89 qui m'a traumatisé, c'est le Stone Car Racer. Ah oui, oui, effectivement. C'est vrai que je ne l'ai pas cité, celui-là. Ouais. Stone Car Racer, pour mettre dans le contexte, c'était de la full 3D pour l'époque. Effectivement. C'était un jeu de bagnole totalement en 3D. Maintenant, avec tout ce qui est FPS, tu ne peux pas y jouer, mais à l'époque, c'était le feu. C'était vraiment un jeu tout en 3D où tu faisais des tours. C'était même pas sur des circuits, c'est des trucs où tu faisais des tours dans les airs. J'ai joué en version DOS il n'y a pas longtemps. C'est un jeu pour le coup qui est totalement invraisemblable. C'est hallucinant. Pour l'époque, tu avais joué sur quoi, toi ? Sur quelle plateforme ? Amiga. Amiga, ouais. C'était un Amiga. Ouais. Je suis en train de regarder à quoi il ressemble. Ah ouais, c'est plutôt joli. Ben, pour l'époque, ça tabasse bien. Par contre, c'est lent. Ah oui, c'est lent, ça c'est clair. C'est lent. À l'époque, tu faisais pas particulièrement attention. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez regarder. Maintenant. À noter pour l'année 89, on est vraiment avec les balbutiements de la 3D, c'est-à-dire on voit les premiers jeux en 3D arriver, véritablement en 3D face pleine, c'est-à-dire par exemple 1989, c'est l'année de sortie au tout début de l'année, du Hard Drive-In d'Atari en arcade. Oui. Oui. Qui s'est fait dépasser à 2 mois près par le fameux Winning Run de Namco, qui est la première vraie simulation de Formule 1 et le premier jeu en 3D arcade simulateur de voiture, entre guillemets. Alors, j'ai voulu vérifier parce qu'en fait, Stunt Car Racer m'évoque aussi un autre jeu sur DOS qui sera plus tard porté sur Amiga et PC98 et FM Towns qui s'appelle Stunt. Je ne sais pas s'il connaît, ou ça porte d'autres noms comme 4D Sport Driving ou 4D là, Driving. Coup, ça me dirait. C'est un peu dans le même délire en fait que Stunt Car Racer, mais en quand même nettement plus beau graphiquement. C'est sorti une année après. Désolé, je tenais à vérifier avant de dire une bêtise. Donc voilà, au moins je vous parle de Stunt Car Racer et surtout d'un jeu Master System. Bon, pas joué en 89 bien évidemment, mais c'est le Wonder Boy 3. Wonder Boy 3, Wonder Dragon Strap. Quelque chose. C'est pas connu. Ça jette tout le monde à Dragon Strap. C'est-à-dire que ça fait partie des tu peux pas dire, tu peux pas se faire un top 10 Master System et qu'il soit pas dedans. Quoi. C'est... Ah bah oui. Je suis d'accord. Après, c'est pas mon jeu de la Master System. Hein. Mon jeu de la Master System, ça reste quand même Spellcaster, mais il est sorti en septembre 88 pour 89. Donc... Et oui, pour disons que Wonder Boy 3 The Dragon Strap, c'est vraiment le jeu qui fera passer de Wonder Boy du stade entre guillemets de jeu d'arcade à véritablement un vrai jeu de salon, une vraie aventure avec la première fois des équipements. Les équipements, ils étaient déjà dans Wonder Boy 2. Mais pour la première fois, cette espèce donc de monde ouvert, multidirectionnel, qui avec se développe des portes cachées, avec des portes cachées. Plein de trucs cachés qui se débloquent au fur et à mesure des transformations et au fur et à mesure des équipements qu'on achète, et avec surtout un système de password pour reprendre sa partie, parce que oui, c'est le premier Wonder Boy avec un système de password. Donc le jeu qui m'aura marqué en 89, c'est simple, j'étais sur la NES, c'est Emmanuel sur Amstrad. C'est tous les jeux Cocktail Vision. C'était sur Amiga, pardon. Je me sens agressé, là. Juste pour terminer sur Dragon Strap, si vous n'avez pas encore la version, donc le fameux remake, je ne sais pas trop comment dire, la remise au goût du jour par Omar Cornu et son équipe. Il est régulièrement en promotion, que ce soit sur Steam, PS4, Switch, Xbox One. Il n'y a aucune mauvaise façon d'y jouer. Toutes les versions sont identiques. N'hésitez pas une seconde, même si forcément, en termes de gameplay, ça reste... Il était même gratuit avec Twitch, hein, avec Amazon à un moment. Oui, non, et puis le jeu, il est bien. Enfin, faites-le. Hein. Oui, il est très bien. Moi, je n'ai pas connu à l'époque, mais j'ai kiffé quand je l'ai fait sur Switch. Quoi. Enfin, désolé, je dois rebondir sur quelque chose qui a été dit. Pell, il aime tous les jeux de chez Cocktail Vision. Oui, Astérix, c'est la potion magique. Adibou, Goblin. Oui, mais pas ceux-là. Je sais, mais... Les jeux écrits par Muriel Tramis. Voilà. Ouais. Mais c'était uniquement pour prouver qu'il n'y a pas que des choses très sales. Voilà. C'était pas sale. Les jeux de Muriel Tramis, ce sont des très bons jeux. Il y a une composante assez particulière dedans, mais les jeux sont très bien écrits. Moi, j'ai la malédiction. J'ai la malédiction de Tahar sur Evo. Beaucoup. Ouais, donc, sur le papier, tu vas nous parler d'un jeu de Nintendo. Ah oui, non, mais c'est un jeu tellement populaire que je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire. Mais, bah, si. Mais moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Mario Bros. 2, hein, donc le Mario USA, en fait. Hein. Il est vraiment bien. Il est vraiment, vraiment bien. Ah, il est cool. Bah, moi, j'y jouais chez mes cousins parce qu'ils avaient une NES. Donc, alors, je sais que t'en avais parlé, Monsieur Chou, en plus, cet après-midi. Hein, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Moi, j'aime bien le jeu. C'est juste que c'est pas un jeu auquel j'ai passé énormément d'heures. Donc, je peux pas y rejouer pour le côté nostalgie, en fait. Non, moi, je l'ai beaucoup aussi, justement. Alors, pourtant, j'avais déjà fait le premier, mais c'est vrai qu'il dénote beaucoup par rapport au précédent, forcément. Parce que c'est pas un vrai Mario, hein, tout le monde le sait aussi. Hein, voilà, c'est l'adaptation c'est, de Kido. C'est un vrai Mario maintenant, hein. Oui, reconnu par Nintendo et tout. Ils ont pris tout le lore de Doki Doki Panic, ils l'ont inséré dans celui de Mario. On peut même y jouer dans Mario Maker maintenant. Oui, il y a, un mode Super Mario 2. Voilà, c'est un vrai Mario maintenant. Tout le système des vases où tu rentres de temps, c'est dans les Yoshi Island. Les Shy Guy, ils sont maintenant dans tous les Mario. Enfin, ils ont pris tout le lore de Doki Doki Panic. Donc de toute façon, maintenant c'est un vrai Mario. Mais le système est... Je ne peux pas dire Shy Guy sans que j'ai la chanson dans la tête, c'est une horreur. Ah oui, oui. Mais enfin, le jeu est vraiment... j'ai revu le film il y a deux jours. Hein. En plus, c'était dans celui-là où on avait vraiment une différence physique entre Mario et Luigi. Tu vois, il y en a un qui était Le saut. Plus allongé. Oui, bah oui. Et l'autre qui était un petit gros, quoi. Et du coup, c'était marrant, c'était les deux frangins qui avaient vraiment une vraie identité. Et on pouvait jouer Toad, putain. On pouvait jouer Toad en plus, ouais. Et puis, moi, j'ai préféré au premier Mario. Hein. Bah, mais je comprends. Bah, là, oui, je préfère le 2 au premier aussi. J'ai découvert sur Super Mario All-Stars, moi, mais. En plus, tu as découvert une version qui est magnifique. Hein. Ouais, franchement. Pour le coup, tu as vraiment découvert une version magnifique. Mm-hmm. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un super jeu, quoi. Et puis il y avait Peach, meilleur perso. Hein. Bah, elle est pétée, hein, avec son... C'est fou. Elle est trop pétée, quoi. Ouais, c'est le perso pour les filles. Ouais, bah, je jouais qu'avec, donc. Riez. Même mon assistante désapprouve, c'est dire... Bah oui, c'est une blague de merde, mais on est habitué, tu sais. Mais ouais, franchement, Mario 2, il est quand même vachement bien. Alors, j'aime beaucoup Mario 2, j'adore Mario, j'ai toujours beaucoup aimé Mario 2, même à l'époque. Voilà, oui. J'aime beaucoup Mario 2. Oui, surtout qu'à l'époque, Doki Doki Panic, tout le monde, on s'en foutait, on savait même pas ce que c'était, quoi. Bah ouais. Bon, pour nous, c'était notre Mario. Quand j'ai découvert que c'était pas le Mario qu'ils avaient au Japon, bah à la sortie de Mario All-Star, en fait. Oui. Bah d'ailleurs, c'est vraiment la sortie de Mario All-Star. Hein. D'ailleurs, je l'ai préféré aussi à Lost Level, hein, soit dit en passant. Oui, mais moi aussi. Hein. je crois même avoir lu que les Japonais sont pas friands du Lost Level, hein, qu'ils préfèrent le Mario USA. Bah, en fait. Bah, moi, je trouve que Lost Level est un mauvais jeu, en fait. Enfin, ou en tout cas, pas un bon jeu. Ouais. Voilà. Bah, disons qu'il est difficile pour rien, quoi. Ouais. Et que c'est pas super drôle à jouer. Hein. Non. Mais c'est bon. Et pour une fois, on est content de pas avoir eu la version japonaise. Ah, hein, clairement. À noter sur le coup, parce que Belle, tu parles d'un jeu de plateforme sur la NES, il y a quand même eu d'autres jeux de plateforme sur NES qui sont sortis. En 89 ouais. Il y a eu le DuckTales de Capcom en 89. Oh là là, Seigneur. Shovel Knight. Donc sur le coup, oui, Capcom nous offre la... super adaptation du dessin animé qu'on regardait à la télé. Alors, ouais. Ça, Et voilà, un super jeu de plateforme sur NES où, dont qui a donc parmi les morceaux musicaux les plus mémorables. Musicalement, c'est tous les niveaux, ils sont absolument fantastiques. Ah oui, ouais, la bande son est incroyable, ouais. Bah, tout le monde se rappelle celle de la Lune. Moi, c'est celle de la Transylvanie qui m'a traumatisé. La Transylvanie est excellente. Ouais. C'est excellente. Et à noter que, donc, toujours en plateforme, Konami, donc, en cette année 1989, sortait deux jeux qui marqueront. D'un côté, Teenage Mutant Ninja Turtles. mais pas pour les bonnes raisons. Qui marquera peut-être pas pour les bonnes raisons, mais qui marquera quand même parce qu'il fait partie de ce jeu qui était quand même offert en bundle en Europe. Oui. Et puis la licence était extrêmement populaire. C'est pas quelque chose que les Japonais aimaient faire, de mettre des jeux en bundle et forcer la vente d'un jeu comme ça. Et c'est quand même Nintendo chez nous qui ont dit mais si nous ici ça va marcher, mettez le jeu en bundle, les gens et les gamins ils vont s'acheter mais la console. Le dessin animé, il avait déjà une forte présence chez nous. Oui. Parce que moi je me rappelle pas en 89, honnêtement, je me rappelle pas ce que je regardais en 89. Il y avait déjà les Tortues Ninja, Mais c'est justement pour ça qu'ils voulaient le mettre en bundle en fait, parce qu'ils savaient, très bien que les gamins ils allaient voir ça, ils allaient être fous quoi. Ouais, ça n'a pas raté. Ils étaient fous. Ouais, voilà. Mais alors, c'est vrai que le jeu avait des défauts pour sa difficulté. Mais le jeu était quand même pas mauvais en vrai. Enfin, moi, je l'aime bien ce jeu. C'est pas un mauvais jeu. C'est vraiment pas un mauvais jeu. Effectivement, c'est pas un mauvais jeu. Le problème qu'il a, c'est. La dernière partie est infâme avec le technologie. Voilà. La dernière partie. D'accord. Tu as aussi des endroits, des embranchements qui te mènent absolument nulle part, des trucs qui te font revenir en arrière sans que ce soit vraiment indiqué. Il y a quelques erreurs de game design qui le rendent assez tedious par moment. Le sound design quand t'as quasiment tout pire. Parce que le truc qui m'a tué, moi. Le truc qui m'a un peu entre guillemets tué avec ce jeu, j'ai pas joué beaucoup, mais c'est bon, tu sais, t'as le niveau du barrage là où voilà. Effectivement. Mais par contre, après, je m'emmène peut-être les pinceaux, mais après, t'as une phase avec leur véhicule. Oui. Où tu dois récupérer des missiles et détruire des trucs, mais si tu détruis pas les bons trucs, tu peux être bloqué, littéralement. Parce que t'as pas assez de missiles, c'est pas ça l'histoire. Je crois que l'histoire, l'embrouille, c'est que si tu récupères pas le grappin, tu peux pas après passer au-dessus d'un pont ou un truc comme ça. On était bloqué parce qu'on devait détruire un truc, mais on pouvait pas. Et comment on te dit rien, parce que c'est l'époque où on te disait rien, démerde-toi. Mmh, okay. C'est clair que maintenant tu fais un jeu. Pas besoin de grappin, dis jamais de bol. D'accord, ok, j'étais persuadé qu'il fallait. Ok. Ok, moi j'ai rien dit alors. Au niveau, donc, toujours, parce que forcément, on a tous connu ici Tortue Ninja, parce que donc, vu qu'il était vendu en bundle, il y a toujours quelqu'un qui l'avait pas loin, quoi. Et l'autre jeu qu'a sorti Konami, alors par contre au Japon en 89, nous on l'aura plus tard en Europe, c'est le fameux Akomaju Densetsu. Je vais arriver à le dire correctement. Castlevania 3. Castlevania, je connais pas. Alors, Castlevania 3, déjà, c'est bon. La version japonaise, on va redire son monsieur Data va le hurler dans le chat dès qu'il va nous entendre parler de ça. C'est un jeu donc, qui a une piste sonore meilleure sur la version japonaise, puisque bénéficie du canal supplémentaire de la console et surtout du chip supplémentaire dans la cartouche. C'est un jeu qui est magnifique, mais voilà. Voilà, la NES peut faire ça. Ok, très bien, bravo. On avait déjà eu des exemples avec le Batman de Sunsoft. Hein. Oui. Et c'est surtout un jeu dont j'aimerais qu'on se souvienne comme d'une infamie en termes de difficulté. Parce que je sais pas, les gens, ils parlent toujours de Castlevania, la difficulté de Castlevania, mais pour moi, le 3, c'est le pinacle de la difficulté de la série. Je le trouve d'une difficulté, mais ahurissante. J'y ai jamais joué. Bah comme le 2 en fait, hein. J'ai jamais joué. Personne l'avait dans mon entourage. Le 2 il est cryptique, mais quand on comprend, ça va. Le 3 il est d'une difficulté. Ah ouais, non mais je confirme. Autant le 1, bon il est dur, c'est vrai. Le 2, bon, si tu réussis tout, il rejoue maintenant avec le rédaction patch, ça peut aller. Le 3 c'est clairement pas possible. J'aime beaucoup d'ailleurs le 3, mais il est beaucoup trop dur. Le 3 c'est lequel? Celui avec les persos différents? Oui, c'est celui où tu pouvais switcher avec le personnage. La première apparition d'Alucard avant qu'il décide que Alucard ne ressemblait plus à ça. Je préfère la version d'Ayami Kojima quand même. Tu pouvais jouer le bossu, il me semble, dans le 3. Si je me trompe pas, non? Tu pouvais pas jouer un perso bossu ou un truc? Je crois, oui. Qui pouvait s'accrocher au plafond et tout, non? Voilà, c'est lui. Il était très bien, comme d'habitude, hein, tout Castlevania a ses musiques qui déchirent. Mais c'est celui que j'aime le moins. C'était pas encore Yamane à l'époque. Hein. C'est pas possible. Hein. Mais ça reste pour moi parmi ce qui se fait de mieux sur la NES encore aujourd'hui en termes de graphisme. Oui. Ouais, le jeu il est assez fou. Ouais. La boss dit qu'il a raison en citant aussi le Batman de Hutton. C'est vrai que graphiquement, c'est. Mais c'est ça, toi, mais voilà, ça prouvait que la console, elle était capable. Elle était moins puissante qu'une Master System, mais quand tu savais la programmer, tu pouvais faire des trucs de fou. Est-ce que c'était encore la console qui faisait tourner les jeux à cette époque? Si c'est pas la cartouche, c'est ça que tu demandes. Oui, mais... parce que par exemple, Mega Man 6, c'est pareil, dans le genre jeu beau, c'est invraisemblable. Mais je sais pas si ça se faisait sur NES, tu vois. Beyond. Ah bah si, non, de rajouter des puces additionnelles dans la cartouche Si, bien sûr. C'est totalement le cas, c'est pour ça qu'on n'a pas... Ah oui, non, mais je savais pas, moi, que dans la NES, on a bénéficié ça aussi, tu vois. Mister Gimmick, Castlevania, tout ça, c'est ça, c'est une cartouche supplémentaire. Ah bien sûr, ah bah oui, Gimmick... Et Megaman 6, puisque j'en parle, justement, qui sont beaux à tomber, mais en fait, c'est même plus la NES qui fait tourner le truc, c'est la cartouche, et la console sert juste à sortir le son et l'audio, quoi. Le son et l'audio, le son et la vidéo. Alors, Castlevania 3, c'est évident, en fait. Bah oui, ça me semble... Mais je sais pas, là c'est une question. Hein, ouais. Okay. Bon, et sur le coup, tiens, est-ce qu'on ferait pas un petit détour par la case cinéma? Attendez, parce que moi il nous a pas dit des jeux de 89. Non, mais j'allais revenir au jeu après éventuellement, mais. Allons-y. Si vous voulez parler film, voilà. Moi, pour ce qui est cinéma, je vous laisse parce que moi, le cinéma étant pas mon truc. Alors. 1989, on va en reparler un peu plus tard, a été connue comme entre guillemets l'année des suites. Oui, et l'année aussi d'une nouvelle franchise. Alors, juste pour rigoler par rapport aux suites, parce que c'est marrant, donc on a pas mal de 2, on a Retour vers le futur 2, ouais. On a SOS Phantom 2, on a Karate Kid 3, on a L'Arme Fatale 2. Oh, et j'ai été voir tout ça au cinéma. Ah oui, quand même. Oh, il y a James Bond. Et donc, il y a Indiana Jones et la dernière croisade, Indiana Jones 3. Donc, l'année 89, c'est un petit peu comme... Alors, on rigole toujours maintenant quand on dit il n'y a que des reboots ou il n'y a que des suites de franchises dont on est sûr que ça va fonctionner. Voilà, regardez en 1989 ce qui se passait. Ouais, mais aussi en 89, ils t'ont sorti aussi des débuts de franchises assez sensationnels. Hein. Tu penses c'est à quelque chose, Bostic, en particulier? Bah, il y a Batman. Ah, tu penses au Batman de Tim Burton. Hein. Tim Burton. Je m'en rappelle du battage médiatique, de la musique de Prince, de j'avais une banane avec le logo de Batman, c'est la Batmania. Ouais. Moi, je peux raconter une petite anecdote pour à quel point Batman, les gens hurlaient au scandale hein, dès qu'il y avait du Batman, parce qu'ils en faisaient trop partout, au point même que j'étais abonné au Spirou Magazine à l'époque. Et quand ils avaient fait oser faire une couverture avec Spirou déguisé en Batman, justement pour la sortie hebdomadaire. Et ils ont reçu des centaines de lettres, ils ont mis ça dans les numéros suivants en fait, de plaintes de gens qui râlaient parce qu'ils avaient sali le magazine avec ce personnage, on le voyait déjà trop partout et tout. Mais il y a eu un vrai battage médiatique juste incroyable avec Batman, c'est clair. Bah, ils avaient fait des reportages à la télé, hein, Antenne 2. Oui, il y avait tout ça. C'était vraiment la Batmania. Mais oui, tu le voyais partout, au point même que tu le vois sur la couverture du Spirou, tu vois qu'il y a. Tu vois que c'était là, quoi. C'est clair. Mais je me rappelais pas que les gens n'étaient pas contents, effectivement. Et alors, ce qui est le plus important, surtout dans ce Batman, c'est prendre son inspiration, la meilleure interprétation du Joker. Ah bah... ça se discute, mais c'est pas... Mais je veux dire, il y en a beaucoup. Ah non, moi je préfère celle de Heath Ledger, sans aucun problème. Oh, mais il y a très peu de mauvais... Je comprends tout à fait, parce que j'aime beaucoup celle de Nicholson aussi. Non, mais voilà, y a pas de... en vrai, oui, il n'y a ça, pas... C'est un petit peu comme le meilleur Mario, voilà. Ça, ouais, voilà, c'est ça. Peut-être, alors moi, j'ai pas du tout aimé Suicide Squad, par exemple. Je peux pas juger, j'aime pas Jared Leto, déjà, je suis pas un grand fan de Jared Leto. Mais à part celui-là, je pas de mauvais Joker en tête, en fait. Non, j'aimais bien le Joker aussi de la série des années 60. Je l'aimais, j'aimais beaucoup celui-là. Celui où il se teignait la moustache parce qu'il voulait pas la raser. Et ouais, et puis et dans les, pardon, dans la série des années 60, il avait en plus des gadgets invraisemblables, quoi. Enfin, ça ouais. Passait bien, quoi. Enfin, non, ouais. Ouais, moi, j'aime bien. Et c'est vrai que non, mais pour dire, ouais. Nicholson, le Joker était très bien. Hein. Mais à chaque fois, c'était un Joker excellent. Différent, donc ça passe, en fait. On peut pas les comparer, en fait. Non, et puis après, Burton, il a pris Batman et il l'a fait à sa sauce. Ouais. Batman qui revisite totalement. C'est pas l'origine story qu'il en a fait. C'est pas la véritable origine story telle oui. qu'on. Oui, oui, oui, il l'a réadapté. Hein, t'as raison. D'ailleurs, le lien du Joker qui aurait tué ses parents, c'est juste une idée de Tim Burton. Hein. C'est pas canon du tout, ça. Ouais, ouais. Et ça rend quelque chose de très, très bon. Puis surtout, faut être honnête. Oui. Techniquement, même si le film il est un peu vieilli, tu sens la patte. Ah bah, ouais, contrairement aux deux, par contre. Ouais, le 2 a moins vieilli. Ah même oui. s'il a vieilli, le premier Batman, ça reste techniquement quelque chose de beau. Oui. C'est beau. Et dans le côté Tim Burton, justement, c'est-à-dire de très gothique, justement, côté Gotham, mais vraiment gothique dans le sens noir, lugubre, sombre. Alors qu'on sortait justement, tu citais tout à l'heure, les derniers Batman qu'on avait, c'était la série télé, donc qui était très coloré. Oui, petit. Mais c'était pour eux, parce qu'on accusait Batman de violence. Il y a eu tout le problème des comics aux États-Unis où ils sont passés par la case, on ne doit pas être violent, on ne doit pas montrer des morts, on ne doit pas montrer des trucs, et Batman, il est passé par cette case-là aussi. Voilà, mais je veux dire, il a été vraiment... Tim Burtonné, quoi, le personnage. Mais c'est vraiment bien. Vraiment. C'est pour ça qu'on la musique de Danny Elfman, elle est mythique. Hein. C'est celle qu'on retrouvera d'ailleurs dans la série télé. Elle est absolument géniale. Quoi. Dans les animés, je veux dire. J'aime bien le score qu'il y a pour les films de Nolan. Je les aime beaucoup. Mais Danny Elfman, il reste intestable. Il y a un côté épique et de force. Je sais pas, tu dis Batman, tu dis musique Batman, je pense que 92% des gens, ils ont le thème qui arrive directement dans la tête. Ah oui, ouais, c'est tout de suite. Danny Elfman, il y a beaucoup des trucs pour les Simpsons, lui. Danny Elfman, c'est le compositeur à peu près de trois quarts des trucs dans les années 90. Non, mais il me semble qu'il a fait des trucs pour les Simpsons. C'est le générique. Le générique des Simpsons. Bah, non, c'était pas Alf Clausen, le générique. Non, c'est Danny Elfman. À noter, on peut aller plus loin sur Batman. Je suis pas convaincu, messieurs. On a perdu donc le réalisateur de Batman Forever et Batman et Robin, Joel Schumacher, récemment. Oui, c'est vrai. Qui est décédé à l'âge de 80 ans, qui avait d'ailleurs réalisé entre autres aussi le fameux 8 mm avec Nicolas Cage, qui était un film dont je ne saurais jamais si je l'ai apprécié ou pas. Et on a également appris que Monsieur Nolan n'aimait pas les chaises sur le set de ce film, mais bon, ça, on s'en fout. Voilà, pour parler de Batman. Non, parce qu'on parlait des franchises qui se sont lancées. Il y a Best of the Best en 89. Mais ça, Best of the Best, ça parlera qu'à moi et à peut-être à Beyond. Hein. Best of the Best, j'avoue que je n'ai pas vu ça à l'époque. Best of the Best, c'est un film sur le kickboxing avec Eric Roberts. Qui est le frère de Julia Roberts et qui, dans les années 90, faisait plein de films d'action. Il y a des jeux qui portent ce nom. Exactement. Et c'est bien de la merde. Oui. Je connais surtout les jeux. Le film, je connais les films pour les avoir quasiment tous vus et ils sont sur Amazon Prime Vidéo. Pour ceux qui veulent le tenter. Et juste un petit coup pour la fin, Kickboxer sort en 4. Ah oui. Kickboxer aussi avec Monsieur Jean-Claude Van Damme. Donc, vas-y, je reviendrai sur d'autres films plus tard. Vas-y, Beyond. Je veux dire, justement, on parlait du générique des Simpsons fait par Danny Elfman. Ben justement, il l'a fait en 89. Quoi. Voilà. Je voulais parler d'un film qui a beaucoup marqué le petit Beyond. Alors, c'est la sortie française, c'était en 1989, mais c'était un film sorti en fin 98 aux États-Unis, mais bon, peu importe. Un film qui m'a beaucoup marqué étant enfant, et je pense comme beaucoup ici, si on l'a vu à l'époque, qui s'appelle Rain Man. Ah oui, mais alors là aussi, musicalement, c'était qui? C'était... Alors, la musique. Bah, tu sais que Rain Man fait partie des films que j'ai vus. C'est Hans Zimmer, la musique. Ah oui, Hans Zimmer. Ah oui, j'ai adoré la musique de Rain Man. Rain Man, je l'ai vu il y a quoi, 5 ou 6 ans, à tout casser. Je ne l'avais jamais vu. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui de Rain Man? Exceptionnel. Oui, mais encore. Vraiment, même encore, hein, en n'ayant jamais vu. Après, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour Tom Cruise. J'aime énormément Tom Cruise, donc je suis toujours content de voir un film avec lui. Mais je l'ai trouvé bon. Et ah, Dustin Hoffman, il est fabuleux. Le film, même encore maintenant, est un très très bon film. Et je comprends pourquoi à l'époque, il a tout pété. Hein. C'est pas un hasard qu'on l'ait vu, qu'on nous ait marqué. C'est le premier au box-office américain de l'année 1989. C'est le film qui a fait le plus d'entrées. Américain, pardon, en France. 6 473 000 entrées. C'est plus que Batman. Oui, alors Batman, parce que Batman, c'est pas la même année en France. Ah bon, d'accord, ok. Hop, pouf. Batman, il est en 90 en France, non? Oui, voilà, c'est l'année suivante, c'est pour ça. L'année suivante. Pour l'année 89, mais je parle quand même, Rain Man a fait plus d'entrées que Indiana Jones à la dernière croisade, par exemple. Vous imaginez. Oui. Ou que Oliver et compagnie, avec Disney au fond du seau. Hein. Ou que Retour vers le futur 2? Oui, aussi. Bah, Retour vers le futur 2, il est à plus de moitié moins. Oh la vache! Oui, mais non, mais il faut pas oublier que Retour vers le futur en France à cette époque, c'est pas le succès qu'il a eu après les diffusions télé. C'est avec les alors j'ai été le voir au cinéma. Il y avait des goûts de merde en France, hein, putain. J'ai le gâté. Non, mais c'est vrai, les retours vers le futur à l'époque de leur sortie, le battage médiatique, il n'existait pas. En fait, c'est les diffusions télé. Quand le film est passé à la télé, comme pas mal de films en fait en France, parce que voilà, tout le monde n'allait pas au cinéma, que. Ça a fonctionné. Retour à futur 2 en France, c'est pas voilà quoi. C'est un succès, mais sans plus. Rain Man, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu quelques années après quand il est passé à la télé. J'avais un peu plus de 10 ans, je vais avoir 10 ou 11 ans. Mais voilà, comme tu sais, c'est un film qui reste aujourd'hui tout à fait regardable du début à la fin, qui reste très juste dans son ton. Et on parle souvent des films voilà qui ont bien vieilli, mal vieilli ou puisque c'est beaucoup le débat en ce moment autour de Autant en emporte le vent par exemple. C'est pas un film qui va vous projeter violemment dans une époque qui vous paraîtra révolue. C'est un film qui, vraiment, je pense qu'il est tout à fait encore valable aujourd'hui. Oui, c'est un film qui est vraiment très très bon. Et puis, voilà, il faut être honnête, Tom Cruise et Dustin Hoffman, ils sont fabuleux. Voilà. Vraiment. Oui, et puis, alors, je veux dire, l'image est super belle. La musique, justement, de Hans Zimmer, qui fait très musique Amérique centrale, péruvienne, tu sais, où. Bah, j'ai le thème dans la tête. Hein. Et elle est vraiment belle, hein, cette musique-là. Et, enfin, vraiment, le film est vraiment super bien. Et puis, le côté impulsif de Tom Cruise, justement, de son personnage, et puis. Pour son frère qui veut. Enfin, je sais pas, c'est super émouvant, quoi. Vraiment, parce qu'en plus, on parle. C'est Barry Levinson hein, qui fait Rain Man, et Barry Levinson, c'est pas un petit réalisateur. C'est Good Morning Vietnam. Si on dit, c'est un film mis à part Rain Man, tu dis Good Morning Vietnam avec Robin Williams, c'est tout le monde en tête le Good Morning Vietnam. Ouais, voilà, quoi. C'est pas. Bah, dans Rain Man, hein, t'as des répliques cultes. Hein. Je suis un excellent conducteur. Papa me laisse conduire dans l'allée le samedi matin. Ah oui, je le connais par cœur. Hein. Je veux dire, moi, j'adore ça. Oh, t'es fabuleux, Pelle. C'est merveilleux. Ah non, mais le film est. Merci pour ce moment. Ouais. Et donc, sur le coup, je voulais enchaîner sur l'autre film qui a considérablement marqué le petit Beyond à l'époque. Ouais. Qui est donc, j'en ai parlé, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Ah oui. Moi, je l'ai vu bien après aussi. Oh là, moi, je l'ai tellement vu. J'avais donc mon voisin, qui était donc le médecin du village, avait deux enfants, un qui était de bon âge et un qui avait un an de moins que moi, François et Jean. Et il se trouve que le plus jeune des deux, Jean, adorait Indiana Jones, la dernière croisade. Il avait la VHS. Hein. Il regardait le film littéralement en boucle. Et dès qu'il y avait un bruit dans la maison, genre que son frère qu'au moins on faisait du bruit et qu'il n'entendait pas un dialogue, il faisait rewind et il se repassait le moment où on avait fait du bruit. Voilà. Non, c'était pas drôle. Mais si, c'était drôle. Mais c'est, je trouve que c'est de la les trois premiers, c'est celui qui avait le plus d'humour hein, quand même, hein, je trouve. Ah oui, les aventuriers de l'Arche perdue, il est pas souvent très rigolo entre guillemets. Il y en a, mais tu vois, c'est plus parsemé, oui. Alors que dans le 3, il est très dans le comique, hein, oui. Bah, tu sais que c'est des films que j'ai vus, mais que je me rappelle absolument pas. Ah bon? Vraiment? Mais non, mais en fait, les Indiana Jones, c'est des films, je me rappelle jamais, je me rappelle pas quoi. Je l'ai pas vu moi. C'est invraisemblable. Quoi. Oh, c'est vraiment bien. C'est le vrai film d'aventure. Bon, il y avait toute cette mode. Juste avant, il y avait la série des Alan Quaterman aussi, qui était dotée dans le côté. T'avais celui avec Michael Douglas et Kathleen Turner, il me semble. À la recherche. C'est celui-là, voilà. Oui, moi, oui, t'as eu une période effectivement des Uncharted en fait. Hein, c'est vraiment tout ça. Oui, c'est ça. Et en plus, Alan Quaterman, à la base, il me semble que c'est des romans. Hein. Oui. C'est des romans. C'est des romans. Je crois qu'il y a même eu des comics aux États-Unis. Aussi, oui. Mais il y avait surtout l'arrivée de Sean Connery dans le rôle du père de d'Indiana. Bon, Indiana, c'est le nom du chien, soit. Et non, mais vraiment, c'est important. La rumeur dit qu'à l'époque, Steven Spielberg avait des relations difficiles avec son père, tout ça. Mais en fait, ça marche super bien tout du long, la relation entre Indiana Jones et son père. Et c'est vraiment ce qui fait que... moi, c'est une des choses qui marche le mieux dans le film, quoi. Bah, Junior, il l'appelle Junior. Junior, c'est vrai. Mais moi, ce que je kiffe, c'est que ça reste à l'époque des films familiaux, mais avec des composantes résolument adultes, avec des trucs qui font peur. Alors, si tu regardes avec le recul... Oui, c'est vrai que ça faisait peur. Ces films-là, il y a des séquences qui sont quand même gore et qui sont quand même sales. Mon frère, qui a toujours détesté, dès qu'il y a un petit peu d'angoisse dans les films, a fait des cauchemars après avoir vu la tête à la fin rouler. Oui. Ah oui. Mais vraiment, il a fait des cauchemars, genre à hurler, à se réveiller la nuit, oui. C'était trop tôt, il fallait pas. C'était pas. Il avait vu ça en mode, tu sais, tiens, regarde le film. Mais il y avait autre chose aussi, c'est qu'en plus, c'était des films, je veux dire, populaires, mais d'une qualité incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, la qualité d'image, la photographie... Mais après quand tu sais par qui c'est fait, et fait, voilà. Tu comprends. Mais en plus, je crois que c'était... c'est Georges Lucas qui les a créés, les personnages, en réalité, en plus. Le scénario. En fait, ouais, c'est une création à deux. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier, qui a... Il la donne juste à Spielberg, mais non, c'est Spielberg et Lucas, effectivement, totalement. Mais là, je te rejoins bien dans le film. Par contre, je l'avais pas vu au cinéma celui-là. Je l'ai pas vu non plus au cinéma. Oh là là, j'allais pas au cinéma en 1989. Moi, j'y allais, mais 89. Ah bah, c'est, ok, si, si. Le premier truc que j'ai vu au cinéma, moi, c'est Rock, c'est Rookie, je m'en souviens. Donc, la ressortie de Roxy Rookie, c'était. Hein, je suis en train de chercher ça. À l'époque, moi, sa première sortie. Moi, c'est quoi ça avec La Belle au Bois dormant hein, je me rappelle, par contre, j'avais été voir Ghostbusters 2 hein, de sa sortie. J'avais adoré ça. Mais s'il y avait un film de 89, Beyond, sur lequel je voudrais revenir, il y en a un quand même. Hein. Sauf si tu avais encore à parler. Moi, le film que j'ai en cassette, que j'ai revu 50 000 fois, c'est Les Aventures du Baron de Munchausen. Quoi. Voilà. Ah, Terry. Tu vois, je l'avais même pas dans le champ de vision, je m'en veux. Oui. Ah ouais. Mm-hmm. C'est juste. Mais alors, là, on touche au divin. Hein. Je veux dire, c'est complètement fou. Alors, je connaissais déjà le personnage parce qu'il y avait une adaptation dessin animé à l'époque qui s'appelait donc. Ralph Bakke. De quoi je sais pas, mais en tout cas, c'était Le Secret des Sélénites, ça s'appelait. Donc, en fait, à la base, c'est un roman pour enfants de la littérature allemande, en fait, hein, le Baron Munchausen. Donc, c'est une espèce d'aventurier qui rencontre qui vit des aventures juste hallucinantes, quoi, avec des personnages extraordinaires. Ah, et oui. Donc, il y avait des Sélénites, un dessin animé. 970 par jour. Et j'avais vu, en fait, qu'il y avait le film qui allait apparaître. Et donc, on retrouve certains des personnages, comme justement les Sélénites, donc des personnages qui vivent sur la Lune, qui peuvent retirer leur tête de leur corps, et chacun vit sa vie, quoi, en fait. Donc, ça donne des conflits assez amusants. Et donc, dans cet épisode-là, moi, c'est une aventure extraordinaire. Quoi. C'est, il rencontre des dieux de l'Olympe avec, avec Héphaïstos. Le film est complètement fou. Quoi. Et tout ça, pourquoi ? Pour échapper à la mort, en fait. C'est ça le but du film, c'est que la mort court après le baron de Münchhausen parce qu'il refuse de vieillir et il échappe, il essaie d'échapper à la mort qui lui court après. Donc la mort qui est visuellement représentée, quoi, avec une faucille et tout. Quoi. Et On retrouve, on en a parlé un peu plus tôt, Robin Williams dans le rôle de la Lune. Oui, du roi des Sélénites, justement, ouais, c'est lui. On retrouve du Jonathan Pryce dedans, on retrouve Uma Thurman quand même. C'est l'un de ses premiers rôles, il me semble, en plus. Non oui, non, Uma Thurman, elle avait joué avant dans Les Liaisons Fatales, Les Liaisons Dangereuses, je veux dire, où elle était plus jeune. Mais c'est son deuxième rôle, je crois, où elle avait joué d'accord. Justement Aphrodite, qui est absolument génial, mais vraiment génial. Ce qu'il faut retenir, c'est que le film est globalement, on va dire, un peu maladroit dans son rythme, mais il est... visuellement, il est fou, il est d'une qualité. C'est un film de Terry Gilliam. Alors, comment dire, on pourrait dire, le voir aujourd'hui et dire, mais ça fait très carton-pâte, mais ça faisait déjà carton-pâte à l'époque. Oui, et c'était le but. Voilà. Hein, ouais. Et c'était le but. T'as raison, Bozic. En fait, le film commence sur une pièce de théâtre. Mmh. Du coup, tu vois tous les artifices de théâtre avec les personnages qui sont soutenus par des cordes et tout ça, tu vois. Mais c'est voulu, justement. C'est vraiment. Ça me fait penser à presque à Paper Mario, tu sais, sur GameCube, où, tu sais, quand il y a des scènes de combat, t'as le rideau qui se tourne, qui s'ouvre, et tu sais, t'as les combats qui s'enchaînent. Il y a une mise en scène comme ça qui est vraiment assez hallucinante. Bah, tout le monde se rappelle du boulet de canon, en fait. Je pense que c'est le boulet de canon qui représente le. Le plus, film, déjà, ouais, c'était l'affiche du film, il me semble. Hein, quand le baron est le plus sur le truc. Et toute son équipe, donc il y avait J'écoute, celui qui entendait très loin. Il n'y avait, Pas le Mamamouchi, non Je ne sais plus du tout. Il me semble que tu avais le Mamamouchi. Si je me trompe. Ça fait super. Je ne l'ai pas revu depuis. Bah, tu sais quoi, je l'ai vu à sa première diffusion sur Canal. Mmh. Et je ne l'ai pas revu depuis. Donc, Mamamouchi. Ouais. Eric Idle joue son petit rôle, comme d'habitude, fidèle compère de Terry Gilliam. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les compères des Monty Python. Et à noter pour faire le lien avec l'actualité, on verra la disparition justement de Graham Chapman cette année, 1989. Un des Monty Python qui décède. 89 ? Ouais. Ah ouais. Eric Idle, c'est celui qui jouait le personnage qui courait très très vite, justement. Parce qu'ils avaient chacun une faculté physique hors du commun, en fait. Hein. C'était ça, l'équipe du... C'était un peu des X-Men, hein, l'équipe du baron de Münchhausen. Hein. C'était ça. Il y en a un qui avait une force extraordinaire, un qui entendait de très très loin, un qui pouvait faire le tour de la Terre en quelques heures, en courant. Donc voilà, c'était... Et pour info, Eric Idle, c'est aussi la mort dans les jeux Discworld. Et c'est lui qui chante la chanson That's Death. Qui joue le rôle de Rincevent dans les Discord ? Michael Pollan. Merci, voilà. Et chez nous, c'est Roger Carrel. Ouais. Bah, écoute, merci, parce que Les Aventures de Brandon Munchausen est un film que j'aime aussi. Enfin, j'aime beaucoup Terry Gilliam. Ouais, de toute façon, Terry Gilliam, c'est du valeur sûre. Hein. Ouais. Mais j'avais zappé qu'il était sorti en 89 aussi. Moi, je l'ai pas vu à ça. Bon, Caps nous le crie dans le chat. Alors, on va rapidement les deux films d'animation pour moi majeurs de cette année 1989. Donc, il y a évidemment La Petite Sirène que j'adore, même encore maintenant, j'aime beaucoup, qui préfigure ce que sera donc le second âge d'or à partir de La Belle et la Bête l'année suivante, avec Henri Salvador. La Petite Sirène avec Henri Salvador, n'oubliez surtout pas de dire « Ah là là, mais quel doublage raciste !» Oui, Sébastien. il se doublait lui-même. C'était... Bah oui, c'est vraiment... Ouais. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est le genre de choses que j'ai entendu, déjà, je suis là en mode « Oui ». Et donc, sur le coup, surtout ce fameux... Ah, mais l'assistante, elle chante. On dirait... C'est honteux, on va encore se faire striker, non, je déconne plus. Et donc sur le coup, c'est le premier doublage du film, donc, qui a été renié par Disney, le film a été entièrement doublé. Les gens ont gueulé parce qu'ils voulaient voir justement le premier doublage du film revenir avec Henry Salvador, qui aujourd'hui est de retour sur les dernières éditions en date, hein, où ça a été la guerre entre les fans du. Mais en plus, le doublage est bon. Hein. Et donc, sur le coup, la petite sirène à voir forcément avec vos enfants, ça reste un bon Disney aujourd'hui. Mais l'autre film d'animation sorti en 1989. Mais alors, pas chez nous en 89, où on attendra 5 années avant de le voir. Ouais, j'allais dire, on a dû l'attendre le temps celui-là, ouais. C'est Kiki la petite sorcière. Oh, j'y pensais pas. Ah oui, d'accord. Oui, il est sorti, oui. Et Kiki la petite sorcière, bah, c'est dans mon top 5 de mes Ghibli préférés. Ah bah moi, c'est mon préféré tout court, viande. Kiki. Ah bah oui. Kiki Delivery Service, ouais. C'est pas mon préféré, mais c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Une tranche de vie, on va dire. Ouais. Oui. C'est du slice of. Donc l'idée, c'est que Kiki donc part pour un voyage initiatique pour savoir si elle va devenir une sorcière ou rester une humaine. Voilà. Sans en dire plus, regardez-le. Non, enfin, c'est un ordre. Et dites-vous que ça a été réalisé en 89. Ouais, déjà. C'est juste ça, 89. Ouais. Et on n'est pas dans du Disney, c'est-à-dire commencez pas à chercher les bons, les méchants, les gentils et tout ça. Non, on est dans une autre idée. C'est de la tranche de vie, de toute façon. Il n'y a pas de méchants. C'est... Non, mais pour se dire à quel point, déjà à l'époque, on pouvait trouver de très fortes oppositions entre ce qui pourrait venir du Japon, donc qui n'était pas encore chez nous, hein, et ce qui venait des États-Unis. Avec deux super productions. Ensuite, un petit film dont je vais parler, qui est sorti début 90 chez nous, mais qui est sorti en 89 aux États-Unis, dont je suis obligé de parler également, parce que qui a légèrement marqué ces années-là. Attends, excuse-moi, parce que j'ai quand même une question. Oui. Toutes les trucs que je trouve disent que Kiki, la petite sorcière en France, est sorti en 2004. Oui. Ça fait pas 5 ans. Non, parce que j'ai 15... dit 94, parce que c'était 94 dans ma tête, parce que j'ai mal compté. Pardon, c'est 15. 15 ans, oui, parce que j'allais dire, c'est ce que tu m'as dit, 5 ans, je croyais que c'était plus. Non, c'était 15 ans. J'ai vu 2004 et j'ai pensé 94 et mon cerveau en englué. Quand Buena Vista a passé son accord avec. Et donc, j'allais dire, donc on va reparler de Robin Williams encore avec un de ses films sans doute les plus marquants, Le Cercle des Poètes Disparus. Je ne l'ai jamais vu. Moi non plus. Ça fait partie des films que je n'ai jamais vu. C'est pas le film où est ta capitaine. C'est ça. Capitaine. Ok. Mais merci Pulpy. Donc avec Robin Williams, c'est Ethan Hawke, réalisé par Peter Weir. Oh, oui. Et quoi? Et qui? Il devait être jeune, Ethan Hawke. Robert. Et Robert Schneider, oui. Tu veux que je le dise, très bien. Et donc, sur le coup, oui, parce qu'il joue un des ados du film. Donc, qu'est-ce que c'est Le Cercle des Poètes Disparus? C'est un film qui va parler de l'enseignement, de la façon dont l'enseignement est éduqué, de l'adolescence, et qui va tourner autour du thème du suicide, carrément. C'est un film qui n'est pas léger, hein, si vous vous y mettez, clairement. Voilà. En même temps, tous ceux qui connaissent Peter Weir, savent que c'est pas un réalisateur léger. Ouais, regardez juste Picnic et Hanging Rock. Ouais. C'est lui avec qui on doit le Truman Show également. C'est ça, Witness aussi. Witness. Ouais, ouais. C'est, voilà. C'est un très grand réalisateur. Ouais, le Cercle des Poètes Disparus, c'est la pression d'éducation à l'époque, hein, de toute façon. Voilà, c'est... Je pensais qu'on serait plus à l'avoir vu ici et à vouloir en parler, c'est marrant. Ah non, désolé. Ouais, mais bon, je leur en aurais parlé si j'avais vu que c'était 89 aussi. Bien, tu vois. Si tu veux, moi j'ai vu les films de Peter Weir, effectivement, que personne n'a vu. Que celui-là, je n'ai jamais vu. Je te conseille chaudement, vraiment, c'est un film très émouvant. C'est un film qui est juste également dans son ton et dans son interprétation. Après, je ne l'ai pas vu en 89, hein. Je l'ai attendu plus tard. Je devais être peut-être presque ado quand je l'ai vu. L'impact n'était pas le même, oui. Ça, bah, moi, je l'ai vu en 89 au cinéma avec l'école. Je me rappelle, il nous avait emmené voir ça. Wow. Non, mais ouais. Vraiment, on allait voir l'ours à partir de là. Hein. Ouais, ouais, c'était une sortie scolaire. Allez, on va s'amuser. Ah bah, il est long. Ouais. Il y en a, j'avais, il y en a un dans ma classe qui ressortait, il était en larmes, je m'en rappelle. Ah bah, c'est sûr, tu sors pas de là avec un sourire. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, non, mais. Ah, ouais, ouais. D'après ce que vous me dites, ça devait être bien d'emmener voir des enfants voir ça, c'est en mode regardez ce qui vous attend. Attends, j'avais quel âge? On était au collège à ce moment-là. Tu vois, c'était pas. Ah, même au collège, c'est un peu. C'est... Sans émotion. C'est un peu ouf, ouais, un peu lourd, ouais. Ouais. Mais oui, ouais, on avait été voir ça au cinéma, je m'en souviens très bien. Bon, allez. Le dernier film de 89, j'avais envie de parler vite fait. Alors là, par contre, là, je vais parler à Boss Dick et je pense qu'il n'y a que... Harry Lambert ? Non, moi j'avais envie de parler de Baxter. Ah, moi c'était l'autre, même si j'aime beaucoup Baxter. Donc Baxter, c'est quoi ? C'est un film français avec des dialogues écrits par Jacques Audiard quand même. Donc le principe, c'est un bulle terrier blanc qu'on suit pendant tout le film, qui a la capacité de penser, et qu'on entend penser entre guillemets, puisqu'il y a un narrateur qui fait sa voix. Maxime Leroux. Et Baxter, c'est un film. Qu'est-ce qu'on peut dire, fantastique. Oui, film fantastique. C'est une tuerie. C'est vraiment un film de genre, mais vraiment genre. Là, porte bien son nom, parce que vous verrez ça nulle part ailleurs, en fait. Voilà, c'est un film qui est assez dingue. Par contre, le gros problème avec Baxter aujourd'hui, c'est que pour le voir. Il est très, très difficilement trouvable. Je pense que, à la rigueur, la seule plateforme qui pourrait l'avoir, c'est Shadows, parce qu'ils sont spécialisés dans le film de genre. Mais même sur Amazon, qui a un catalogue de assez touffu, il n'y a pas. Et c'est dommage, quoi. Et même en téléchargement, hein, bon courage. Vraiment, quoi. Ça fait partie des films. Je suis même pas sûr que, même en DVD, en édition DVD, vous arrivez à. Alors, je vois un Blu-ray sur Amazon, mais Studio Canal l'aurait sorti en Blu-ray. Ah, Beyond vient alors, d'acheter un truc sur Amazon. J'allais dire, attention, il va cliquer sur achat immédiat. Bah, je le comprends pas, parce qu'il aurait raison. Parce que ça... Effectivement, Studio Canal l'a sorti en Blu-ray, ils viennent de le sortir... La référence date du 1er mars 2020 sur Amazon. Putain, 2020, c'est un signe, ça Beyond, c'est un signe. Bah non, mais c'est cool. C'est cool qu'il le sorte. Mais, encore une fois, merci Studio Canal d'aller nous chercher des films, mais de. Voilà quoi. Non, parce que tu parlais d'un film de genre de 89, mais t'en as un autre qui est sorti, qui est un de mes films préférés d'ailleurs. Mm-hmm. C'est Le Cimetière de Marie Lambert, l'adaptation de. Qui pour moi reste la meilleure adaptation de Stephen King en film. Donc Cimetière, l'histoire viteuf, hein. C'est un père qui perd son fils, qui apprend qu'on peut l'enterrer dans le cimetière indien à côté de chez lui, et qui a des idées de le faire. Ah, j'ai déjà vu, oui, j'ai déjà vu. Il n'aurait pas dû, jamais. Ah, j'ai vu le pour qu'il ressuscite, c'est ça ? Non, c'est pas un remake. Non, mais il y a eu un remake. Oui, il y a eu un remake, j'ai même pas... Mais il n'existe pas le remake. Faut pas. Il l'enterre pour le faire ressusciter, c'est ça l'idée, il me semble. Oui. Ouais, ouais. Oui, c'est, je vois ce mais que c'est. C'est un film qui... sale. Oui, oui, oui, oui. Ah oui, c'est très dégueulasse. Oui. Ouais, et puis alors la fin, oui, la fin est dégueulasse en plus. Bah, dis-toi que la fin du film est pire que la fin du livre, qui a déjà été horrible. Ouais. Donc oui, Cimetière, ça reste pour moi un film marquant. Et pour toi, la meilleure adaptation d'un King ? Ah oui, devant, mais vraiment, c'est... Ah bah pour moi, c'est Le Bazar de l'Épouvante, moi. Carrément, ah, j'ai adoré. J'aime bien, mais j'ai pas retrouvé... discuté avec The Mike, qui est un spécialiste ouais. J'ai pas retrouvé l'impact. Cimetière, moi, j'ai un gros fan de King, j'ai beaucoup lu. Cimetière m'a giflé. Moi, j'aime bien, parce que personne n'en parle jamais, j'aime bien l'adaptation de The Dark Half, La Part des Ténèbres de Romero, qui fait partie de ces films complètement oubliés. Moi, je l'aime beaucoup, sauf que il a pas pu faire ce qui était dans le bouquin, et c'est dommage. Parce que si jamais, avec sa puissance, sa façon de filmer, et surtout son goût de l'horreur, il avait pu adapter correctement le bouquin, on aurait eu droit à des trucs immondes. Et après, plus près, au plus près de nous. J'aime beaucoup l'adaptation de Dolores Claiborne. J'ai déjà dit que je trouve. Ah oui, Dolores. C'est parfait. Hein. Vraiment, c'est. Ah, wow. Non, parce qu'après, tu regardes le film, tu dis bon, c'est parfait. L'adaptation, il y a le ça avec Pennywise qui est pas mal. Maintenant, tu regardes, ça vaut le coup juste pour Pennywise et c'est très difficile à regarder. Mais à l'époque, ça passait. Voilà, moi j'ai fini. Sur le coup, vous vouliez parler d'autres films, on passe à autre chose. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Voilà. J'ai mentionné les deux tout à l'heure, donc la série des deux avec Retour vers le futur 2, Ghostbusters 2 ou L'Arme fatale 2. J'aime beaucoup L'Arme fatale. Ah bah moi aussi, Retour vers le futur 2 aussi, moi c'est un film de ma jeunesse, mais. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire sur Retour vers le futur 2 ? Rien, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est voilà. Chef-d'œuvre. Next. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment un film d'enfance. Hein. Le premier et le deux, je les avais en cassette. Ghostbusters 2, il y a Viggo. Il y a des plaisirs coupables aussi. Ah, Viggo. Moi, il n'y a jamais de plaisir coupable. Jamais. Bah, tu sais, les genres Tango et Cash, moi j'aime bien regarder ça. Mais c'est pas un plaisir coupable. Tango et Cash est un très bon film d'action. Ah, bah ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que franchement, je trouve ça cool comme film. Mais vraiment. Non, mais c'est un film qui fait le taf. Kurt Russell, il a la classe, et Stallone, il est très cool, il pince sans rire. Tango et Cash, ça reste quand même un bon film. C'est un film d'époque. Mais j'aime bien cette époque années 80 comme ça dans les films. Je trouve que c'est. Il y a quelque chose de joyeux, je trouve. Mais bon. Joyeux. Oui et non, tu regardes Black Rain qui est sorti avec Michael Douglas à la même époque. La joie, c'est pas la même. C'est pas pareil. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a une patte. Il y a quelque chose de différent. Hein. C'est pas pareil. Et après, il y a des grands moments évidemment qu'on n'a pas oublié de notre jeunesse, comme Allô maman, ici bébé ou Chérie, j'irai t'assis les gosses. Ah ouais. Chérie, j'irai t'assis les gosses, je l'ai vu au cinéma. Ouais, Allô maman, ici bébé. Le film, quand même, où tu trouves Travolta et Bruce Willis, hein, au meilleur de leur carrière. Et Kirstie Alley, qui a eu du mal à trouver des rôles après avec ça, malheureusement. Moi, sur le coup. On a fait le tour. La musique. On va passer loin. La musique dans la peau. Ah. Alors, la musique, la musique dans la peau, oui. Attendez les gars, si vous commencez à parler direct des machins comme ça, on va pas s'en sortir. Attends, c'était une transition pas trompée. Le podcast, on l'a fait parce qu'il voulait la queue leu-leu, je veux dire. c'est par podcast, c'est la règle hein, quand même. Alors cela dit, Maldon n'aura du succès que l'année suivante. Mais l'album de Zouk Machine sortira bel et bien en 1989. Et vous ne voyez pas, je suis en train de danser là. Ah, mais je le sais très bien. Cette année 89 connaîtra. On l'imagine. Bien plus fantastique comme. Bah, la lambada. La voisine. La lambada. La lambada. La lambada, oui. Ouais. Oh là là, c'est l'année de la lambada. Oui. La 89, c'est aussi une des années de François Feldman. Les valses de Vienne. Oh la vache. Quand je vois moi tout ce que j'ai préparé, il n'y a rien de français et tu m'as cité trois trucs, mais bien à chier quand même. C'est... Bah, tu sais, moi, 89, c'est l'année où j'ai eu mon premier Walkman. Yoko Blanc. Vous savez, Yoko, la marque de Club Dorothée. Bah, oui. Je suis en train de regarder ce qu'elle a sorti Dorothée comme single dans ces années. Il y a des trucs. Hein. Tremblement de terre 89, ouais, j'avoue, désolé. De Dorothée, tout à fait. Avec dedans. Est-ce qu'il y a dedans Allô, monsieur l'ordinateur? Ah non, c'était pas dans celui-là. Non. Donc je ne l'ai pas. Non. Nicolas et Marjolaine, ouais, deux fois. Là. Tu dis qu'il n'y a rien en français. Bah, en français, il y a du lourd, hein, mais véritablement du lourd en France, hein, à cette époque. Hein. Donc d'ailleurs, petite anecdote débile. Dans les albums de Dorothée est souvent crédité un fameux Jean-François Pourri, qui est quelqu'un, c'est qui c'est? Bah, oui, bien sûr qu'on sait qui c'est. Vas-y, dis. C'est le patron d'AB Productions. C'est Azoulay, en fait. Mais oui. Qui écrivait sous un pseudonyme. Voilà. Désolé. J'étais obligé de le placer parce que, bon, comme vous savez, le Club d'eau, c'est un peu l'une de mes. Voilà. L'une de mes spécialités. J'étais obligé de le placer. Je suis désolé. Non, mais t'inquiète pas, je sais. Parce qu'en 89, effectivement, on a droit à l'album Cadillac de Johnny. Avec le Mirador. Faut jamais oublier que Johnny, dans ces années-là, c'était un album par an. Ah oui, totalement. Hein. Un album par an, et c'est pas une blague. Hein. Il y a tous les ans, il avait au moins 2-3 chansons classées qui sortaient d'albums différents. Bah, 89, c'est pas casser la voix de Bruel. C'est alors regarde. Ah, oui, je sais pas. Oui, tout à fait, oui. C'est alors regarde. Hein. Donc, c'est alors regarde, oui. Ouah, mais attends, Norbert Griff... Nono et à Nono de Trust, il joue sur l'album Cadillac de Johnny. Non, mais en fait, Johnny... Il a eu masse de tueurs. Il a même eu, en fait, celle qui fait les vocaux... La piste vocale féminine de... Ah, comment ça s'appelle? De Gimme Shelter des Rolling Stones, qui a participé à un festival de chansons avec Johnny. Enfin, voilà. Il a eu la chance de pouvoir jouer avec Eric Desmusclé. Oui, non. Bah, Johnny, on peut dire ce qu'on veut du bonhomme et tout machin, mais il ne faut quand même pas... C'est un cadeau. Et aussi, il savait s'entourer des meilleurs musiciens qui pouvaient exister. J'ai envie de dire, quand tu vois que le mec, en première partie, alors c'était je ne sais plus quelle tournée, il avait Jimi Hendrix. Voilà, tu... Alors, c'est bien sûr, c'était Johnny le patron, Hendrix il commençait, mais je veux dire, tu sais, tu te dis... Il n'a pas ramené n'importe qui non plus, tu vois. Il se connaissait. En fait, Johnny, il connaissait toute une partie du gratin de chanteurs américains. Il connaissait beaucoup de gens, en fait. Bon, ça ne l'a pas empêché de jamais percer aux États-Unis. Malheureusement pour lui, mais... Malheureusement pour nous, on l'aurait peut-être un peu moins vu. Je déconne. Johnny m'a jamais dérangé. Moi aussi, c'est pareil. Perso, je m'en fous un peu, quoi. Dans la catégorie chanteur français, on a cité Bruel, Feldman, Johnny Depp, mais il y a eu aussi un album de Francis Cabrel, Sarbacane. C'est ce que j'allais dire, et fabuleux. Alors, Francis Cabrel, c'est quelqu'un, alors c'est moi que j'aime bien parce que dans son humblitude, c'est quand même quelqu'un qui a dit, lorsqu'il a sorti son album, je crois que c'était la mort saison, qui a dit dans une interview que ça fait 20 ans qu'il écrit des chansons avec les trois mêmes accords, mais vu que ça semble plaire aux gens, bah, il continue. Oui. Technicien dément, hein, je veux dire clairement. Hein. Ouais, mais c'est marrant, alors, à CDC, ils ont sorti la même phrase, mot pour mot. Par contre, moi, pour dire autre chose, à CDC, alors je suis désolé, les riffs, un singe attardé, c'est les jouets. Essayez de jouer du Cabrel en chantant. J'ai essayé, c'est compliqué. À CDC, j'écoute. Voilà. J'ai essayé, c'est compliqué. Hein. C'est l'album surtout dans ton Sarbacane, aussi c'est écrit. Et c'est un album dont on parlait de l'entourage de Johnny Hallyday. C'est un album sur lequel on trouve à la batterie un certain Manu Katché. Oh putain! Ah ouais, d'accord. Ah, putain, la vache. Donc, les Sarbacane, c'était un bon album. Bon album, non. Bon album, c'est un album de génie. Ah oui, je suis d'accord. C'est péjoratif dans le fait de dire que c'est simple d'un point de vue étude de musical. Comme les gens qui te disent que Brassens, c'est toujours la même chose. Oui. Ouais, non, pas après. Ça faisait beaucoup rire Brassens quand on lui disait ça. Et c'est comme Jimi Hendrix quand on lui disait, il disait, mais quelle phrase il avait une fois, tout ce que je fais, c'est des gimmicks. Voilà. Non, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est mauvais et que c'est pas exceptionnel. Tu vois. C'est pas exactement. La simplicité, des fois, c'est bien. Exactement. Et puis, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hein. Si c'est comme un dessin, la stylisation, la simplification, ça demande beaucoup plus qu'un travail qu'un dessin chiadé la plupart du temps. On est d'accord. Et oui, simple, c'est pas facile. Ben non, mais vraiment. C'est pour ça que j'ai toujours un respect en fait pour les dessins d'enfants. Parce qu'en fait, en trois coups de crayon mal placés, ça a plus de sens que toi, ce que tu pourrais faire en une vingtaine d'heures, en fait. Tu dis ça parce que tu m'avais jamais vu dessiner quand j'étais enfant. T'aurais pas dit la même chose. Mais c'est ce que disait Picasso, qu'il travaillait toute sa vie pour redessiner comme il dessinait à 10 ans. Quoi. Ah d'accord. Ouais, il a réussi. Hein. Je connais. Il a réussi. Les 45 tours que j'avais à l'époque, je m'en souviens bien. J'avais donc il n'y a pas que les grands qui rêvent de mélodie. Je me rappelle très bien aussi. C'est vrai, hein, vraiment. J'avais cette chanson, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un groupe qui s'appelait Avalanche, Johnny Come Home. Bien sûr, je m'en rappelle. Ouais. Ah oui, hey, Johnny Come Home. J'adorais à l'époque Cœur de loup de Philippe Lafontaine. Ah, j'en étais sûr que t'allais citer celui-là. Ah ouais, cœur de loup. Il y a un clip à l'époque qui m'a traumatisé, mais au sens réel. Attends, excuse-moi, je te coupe. Cœur de loup, les paroles sont un peu cheloues d'ailleurs. Hein. Alors, le temps de lui dire, pas le temps de tout lui faire. Ouais, non, mais je préfère pas qu'on en parle. Je lui dis franchement, c'est particulier. Regarde. Je sais plus qui, a pas longtemps, s'est mis à chanter ça, à peu près dans mon entourage. J'ai dit, mais tu réécouteras, tu verras que c'est bizarre. Comme Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Oui, voilà, ouais. Je veux pas savoir ce qu'il lui fait au dinosaure, moi, perso. Pardon, vas-y. Juste rappeler, par rapport à vite fait d'un clip, parce que donc à l'époque, on faisait déjà dans le caritatif, un clip qui m'a traumatisé parce qu'à 9 ans, voir un clip comme ça, ça laisse pas indemne. Mais vraiment, à mon avis, on a la même référence. Ouais, c'est la chanson de Charles Aznavour, Pour toi, Arménie. Ah ouais, non, putain, non, mais non. Ouais. Avec son clip qui faisait forcément des froids dans le dos à un petit garçon de 8-9 ans. Non, c'est surtout qu'il s'est dit, je vais faire comme We Are The World, mais je vais le faire à la française. Et pour le, quand je dis ça, c'est pas une blague, Nina. Et en creepy. C'est vraiment le We Are The World français. Ils ont pris les mêmes façons de faire, la même façon de chanter. C'est pareil. Mais je comprends que mon père était fan de la chanson et j'ai eu le droit aussi. Mais c'est pas la chanson elle-même me dérange pas, c'était les images du clip qui étaient. Ah oui, le clip est vraiment malsain. Le clip, je me rappelle que c'est Robert. Ah bah moi il m'a traumatisé, Pelle. Robert Hossein qui parle au début. Je sais pas si tu te rappelles. Il t'a un petit texte au début où il te dit que des gens ils sont morts et tout, et c'est Robert Hossein qui te sort ça. Ça te pose le décor tout de suite. Et en plus, à l'époque, Robert Hossein était quand même quelqu'un de super reconnu, super acteur qui jouait dans Angélique, super producteur de spectacles. Il avait une voix bien posée, quoi. Et encore ton casque qui fait des bruits bizarres, Buzdik. Ah bon? Ah, ça fait clac, clac, clac. Ça fait depuis longtemps. Ah ouais? Bon, quelques secondes. Ça fait suffisamment longtemps pour que je te le signale. Con de méchant casque. Bon, sinon, donc, tu disais, Chou, que toi, tu avais noté des albums anglo-saxons. Va falloir que je coupe, que je tranche, mais c'est pas grave. On va commencer par un album d'un artiste que, à mon avis, ici, personne ne connaît, à part moi, et c'est justement pour ça que je cite. L'album en question, c'est In Step, d'un guitariste que j'apprécie tout particulièrement, qui est Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Ah ouais, bah attends. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît à cause de South Park, qui l'a parodié. Voilà, avec non, même pas. Stevie Ray Vaughan. Et moi, personnellement, la parodie de South Park m'a fait crever de rire. Personnellement, j'en pouvais plus, quoi. Je dis, ah, d'accord, ok, trop bien. Donc, l'album In Step, qui n'est pas le meilleur, mais c'était Stevie Ray Vaughan quand il était redevenu sobre. Donc, un an avant sa mort, avec des titres comme Tightrope. Cette morceau de guitare absolument fou. Tu as une reprise aussi de Howling Wolf, pareil, un bluesman que personne ne connaît à part moi. Il y a aussi une reprise de Buddy Guy, Leave My Girl Alone, et une chanson instrumentale qui est Rivera Paradise, qui est exceptionnelle, voilà. Moi, je dis rien. Si vous devez écouter le sieur Stevie Ray Vaughan, vous écoutez Texas Flood, voilà, avec notamment la dernière chanson de la face B du disque, qui est Lenny, pareil, une chanson instrumentale, mais je pense que c'est le meilleur morceau de musique instrumentale le mieux écrit que j'ai pu entendre de toute ma vie. Et pourtant, j'aime la musique instru. Il est pas mort peu de temps après. Si, si, ouais, accident d'avion, 1990, Stevie Ray Vaughan. Donc je tenais à placer ça, parce que voilà. Et je tenais aussi à parler de Howling Wolf, Howling Wolf, j'aime beaucoup ce bluesman, voilà. On a quoi? On a, bon là, à mon avis, tout le monde l'a écouté, cet album Disintegration de The Cure. Non. Non? Bah, je suis quelqu'un qui a quasiment jamais écouté The Cure. Je connais que Il y a quand même Lullaby dedans, quand même. Picture of You. Je connais que les chansons les plus connues, en fait. The Cure, pour moi, c'est les Thermadax. Alors, en fait, The Cure, moi, c'était un groupe que je pouvais pas saquer à l'époque. Je pouvais pas supporter, ne serait-ce qu'entendre parler de ce truc. Puis avec les années, je me suis mis à écouter, et puis en fait, bah c'est vachement bien. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup. Je sais pas, je voudrais pas dire pourquoi j'aime bien, mais j'aime bien. Non, bah, c'est un son particulier, déjà, rien qu'avec le chant. Ouais, c'est un style, c'est un tout, mais j'aime beaucoup. surtout quand on replonge dans le contexte de l'époque. Un album que j'ai appris à découvrir malheureusement après le décès de Cobain, donc Bleach de Nirvana. C'est les débuts de Nirvana avec l'album Bleach, oui. Ouais, donc tu as About a Girl, bon, qui est forcément connu. D'autres titres, alors j'adore par contre Love Buzz, notamment à cause de la ligne de basse de Christ Novoselic, que je trouve que c'est un bassiste absolument génial. Outre le fait qu'il jouait sur scène pieds nus, très souvent, c'est vrai en plus, c'est pas une connerie. Et avec la basse à peu près à 10 cm du sol. Oui, voilà. C'est Christ Novoselic, que si tu veux pas parler de son style de jeu, tu résumes ça en deux expressions. Pas mal de très bonnes chansons. Il hein, y a beaucoup de fins chansons, j'aime beaucoup Flight the Barber, School, Negative Creep. Negative Creep. Je préférais quand même Incesticide pour, entre guillemets, un album qui permet de découvrir ce qu'était Nirvana avant Nevermind. Mais Bleach, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Je tenais à en parler. Donc, à noter que le premier extrait de cet album à être sorti en Europe, c'est un EP de 4 titres qui s'appelle Blew, B-L-E-W, oui. Sorti en vinyle. Voilà. Ok. C'est parti de ma collègue, c'est pour ça, je suis content. Je l'avais trouvé un jour sur un vide-grenier, c'est bien original que j'ai. Et cet album n'a pas Dave Grohl hein, comme batteur, il a Chad Channing. Ouais. Dave Grohl arrivera plus tard pour Nevermind. Voilà. On a ensuite un album que j'aime pas particulièrement, mais je tenais quand même à en parler, Mother's Milk des Red Hot Chili Peppers. Oui, alors, j'ai jamais écouté les Red Hot. Leur premier, je crois, non? Je ne sais pas si c'est le premier. Il faut que je vérifie. Attends, je vais dire ça tout de suite. Paf. Non, je crois qu'il y en a deux ou trois autres avant. Trois autres avant, oui. Le premier, c'est l'album éponyme. Ah bah oui, je suis con. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu as une reprise de Stevie Wonder. Tu as Higher Ground sur cet album, entre autres. Ah, oui. Je connais cette reprise. La reprise aussi de Fire du sieur Jimi Hendrix. Et voilà, c'est pas un album que j'ai gardé un souvenir impérissable, mais bon, tant qu'on en était, étant donné que j'avais mis à la base pas mal de trucs un peu obscurs et des trucs un peu étranges. Juste pour dire, par rapport au Red Hot, juste rajouter, le même jour que la sortie de Bleach, est sorti aussi le premier album de notre groupe qui fera parler de lui un tout petit peu après, The Offspring. Ah ben, j'en veux, c'était mon album suivant. Vas-y, voilà. Album éponyme, donc, de The Offspring. Qui était apparemment sorti chez nous. Nous, apparemment, on l'a eu en 95. selon Wikipédia. Je n'ai jamais compris pourquoi. Oui, il a connu une réussite tardive parce que nous... voilà. C'était loin. Juste après le succès de l'album, évidemment, Smash. Ouais. Pas un album que j'aime bien, d'ailleurs, de Offspring. De toute façon, après Americana, pour moi, non. C'est non. On reste toujours dans le punk. Allez. Deux albums, on va commencer par sans doute le plus connu des deux, qui est SMN Airlines de NoFX. Qui connaît NoFX ici à part moi? Je connais de nom en fait. Je connais de Guitar Hero World Tour. Voilà. C'est pour un album exceptionnel. Comment, Bevion? Oui, je connaissais à l'époque, il m'est arrivé notamment d'écouter du NoFX, oui. Mais c'était pas, voilà, j'étais pas plus fan que ça. D'ailleurs, je vois qu'ils ont repris Go Your Own Way de Fleetwood Mac. Oui. Oh, bah non, mais le texte, ils ont pas repris aussi Champs-Élysées ou un truc comme ça. Baladei sur l'avenue. Oui, ils l'ont fait en fait. Hein. C'est pas de conneries. Un groupe de punk très intéressant parce qu'en fait, ils utilisent des fois des cuivres et des trucs, voilà, des instruments un peu particuliers. Comme un peu le punk français reprenait, comment dire, utilisait beaucoup des instruments comme l'accordéon. NoFX, c'était des cuivres, voilà. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est chacun son style, puis c'est cool. Un album d'un groupe qui plus tard va devenir un autre groupe beaucoup plus connu, donc Energy de Operation Ivy, ils deviendront plus tard Rancid, voilà, pour ceux qui connaissent forcément. Oui, et Operation Ivy, c'est vraiment pas mal, c'est très particulier, mais moi j'aime beaucoup. Allô? Oui. Non, mais je t'écoute, moi je connais pas, donc voilà, Operation Ivy. Je suis en train de mettre sur le chat la reprise de Champs-Élysées pour que les gens... Ah oui. Bon, on va toujours rester un peu dans le sous-genre punk. Et c'est vraiment du punk. Je sais pas, mais tant pis. 13 Songs de Fugazi. Qui connaît Fugazi ici? Moi, je connais Fugazi et c'est un rappeur, mais c'est pas. Non, Fugazi est un groupe monté principalement par Ian MacKay. Ian MacKay, ancien leader de un groupe que j'aime beaucoup, un groupe de hardcore punk Minor Threat que j'ai énormément écouté durant mon adolescence. Voilà, donc c'est maintenant, c'est devenu un truc un peu moins bourrin. Il y a des trucs très sympas dans leur comment dire, dans leurs albums qu'ils ont sortis. Je préfère quand même comment dire, le style d'un Henry Rollins, qu'à mon avis personne connaît ici encore une fois à part moi, mais c'est pas grave, je m'y ferai, je m'y suis habitué, mais c'est pas grave. Donc 13 Songs de Fugazi, c'est pas mal pour terminer dans le plus ou moins le on est carrément dans le métal maintenant, hein. Secondness de Primus. Oui, Primus, oui, on est à mi-chemin. On est oui, on n'est pas oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Bon, après, je reviens dans les trucs un peu plus pop, mis à part un album. Donc, Primus avec, bon, il y a quoi, Tommy the Cat et John the Fisherman sur cet album, qui est peut-être l'album le plus connu de Primus, je pense. Une des chansons qu'on retrouve dans Tony Hawk, non? Si je. Tommy the Cat non? Tommy the Cat, ouais. Oui. Ah oui, je confirme. Et dans le film South Park. Pour les teasers, je crois, il l'utilisait ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Et on va terminer avec deux petits albums toujours dans le métal. Hein. Beneath the Remains de Sepultura. Ah ouais, par contre, si tu me piques mes albums. Ah bah écoute, je te le laisse. Voilà, je te laisse en parler. Voilà, je vais te laisser en parler. Beneath the Remains, j'allais en parler. Ah, je préfère te laisser en parler. C'est pas un album, j'ai gardé un énorme souvenir. Donc. Beneath the Remains, c'est le second album de Sepultura. Troisième. Ouais. Voilà, c'est le troisième album studio chez Loupé. Ah ouais. C'est Marie. Ah ouais, après, oui. Ouais. Schizophrénia et Beneath the Remains. Le style s'affine. Il continuera avec Rise et surtout avec Chaos AD à se transformer. Ouais. C'est l'époque où les fans hardcore de Sepultura continueront à dire ouais, mais c'était mieux avant. Grâce à des morceaux comme donc Beneath the Remains ou Inner Self ou Mass Hypnosis qui sont. Très opaque, c'est un album qui est très opaque, très étouffant, très rapide, très violent, très direct aussi. Voilà. Moi, perso, c'est à partir de Rise que j'ai vraiment commencé à aimer le groupe. Sinon, Beneath the Remains, c'est un peu plus hermétique et c'est un peu plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais ça formera la légende du groupe et des frères Cavalera. Ouais. Et vas-y. Bon. Maintenant on est plus dans le hard rock, hein. Trash de Alice Cooper que j'ai en vinyle avec forcément Poison. Moi, je pense pas que ce genre qu'on pourrait qualifier de shock rock soit vraiment encore à la mode dans la fin des années 80, mais bon, ça reste du Alice Cooper, donc ça reste toujours sympathique, mais... Parce que de l'autre côté t'as un album de King Diamond quand même la même année. Ah ouais. Je l'avais pas mis celui-là, tu vois. Donc, qui est peut-être un peu plus métal entre guillemets qu'Alice Cooper. D'accord. Ok. T'as Alice Cooper que j'ai parce que on a regardé Dark Shadows il y a quelques semaines et avec il y a Alice Cooper dedans. Je me suis dit, mais merde. Dans Wayne's World aussi. Ouais, alors dans Wayne's World pourquoi pas, mais là Dark Shadows c'était déjà. Il était presque déjà un zombie, hein. C'était dans le thème, remarque. Hein, mais... Ah oui. On va terminer peut-être par deux albums. Un album que j'aime pas particulièrement, mais bon, il faut quand même en parler. Même si je trouvais l'album sorti l'année d'avant beaucoup mieux. Doolittle des Pixies. Je préférais quand même Surfer Rosa. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu ça. Là, j'ai pas entendu ça. Ah, Surfer Rosa, c'est quand même mieux. Doolittle des Pixies. L'album. Un des albums les plus encensés, notamment par la critique, notamment par nos amis des Inoccupables qu'on adore, monsieur. Ouais, non, mais les Inrock, moi, c'est comment dire, c'est comme la cigarette, non. J'ai arrêté. Hein. Je veux dire, Too Little, c'est Debaser, c'est Here Comes Your Man, c'est Monkey Going to Heaven, c'est Crackety Jones, Gouge Away, une de mes préférées, Number 13 Baby. Qui est ouais. Wave of Mutilation. Et pour ceux, enfin, je veux dire, c'est pas possible. cet album est, enfin, comme pas mal. Il est très bien. Je sais pas si c'était de la merde. Attention. Non, mais je trouve. Enfin, il y a rien à jeter dedans. C'est un album que je peux écouter avant d'une traite. Genre, il y a rien à jeter, quoi. Voilà. Wow. Mais les albums des Pixies sont beaucoup comme ça. Il y en a eu peu, très compact. Avec, c'est Frank Black qui disait que l'essentiel de l'idée d'une chanson doit être contenu dans les 30 premières secondes du morceau. Et qui disait aussi que les paroles n'avaient pas besoin d'avoir un sens, qui suffisait que ça sonne bien. Alors, notamment si vous tentez d'un jour de traduire les paroles de Debaser, ça ne veut rien dire. Mais Monkey Gone to Heaven aussi, ça veut rien dire. Cherchez pas. Hein. Par contre, les chansons font toutes quasiment moins de 3 minutes, à part à deux exceptions près. Il y en a qui durent 1 minute 24, 1 minute 55. Et je veux dire, 15 morceaux, 38 minutes. L'album, il n'a pas le temps. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est, voilà. Et voilà, c'est un album que j'aime beaucoup. Mais c'est surtout parce que je suis fan aussi de Kim Deal, la vocaliste en fait de Pixies, qui avait monté après un autre groupe qui s'appelle The Breeders. Qui fera Alors, je suis pas très fan de The Breeders. J'aime beaucoup, moi, les Breeders. C'est vrai qu'on entendra Kim Deal sur Sofa Rosa sur le titre Gigantic. Et sur Sofa Rosa, on trouve. Ah, Gigantic. Ah, mon Dieu. Et on trouvera. On l'entend aussi sur Bonne Machine. Parce qu'en fait, je dis souvent que 90% de ma culture musicale vient des VHS de skateboard qu'on se prêtait entre skateurs. Sur deux cassettes, j'ai dû découvrir des trucs genre Pixies au détour des Rolling Stones, au détour de machin comme ça. Et ce qui fait que quand j'ai eu Internet, mon cerveau a explosé, quoi. Je regardais le track listing à la fin en fait, des cassettes. Je notais tous les groupes et je téléchargeais tout ce que je pouvais trouver, quoi. C'était terrible. Donc ouais, Gigantic, ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Pixies, si vous avez vu Fight Club, David Lynch, vous connaissez les Pixies. Oui, bon, parce que c'est le titre qu'on entend à la fin du film. Et puis on entend aussi cette chanson dans moult trailers, même pour des trailers de jeux vidéo. Donc bon, c'est vrai. Et j'avais un dernier pour la fin, Flying the Blue Dream du Satch, du père Satch. Ah bah oui, merci. Allez. Parce que la dernière année, on en avait parlé d'un album où on disait bof, mais alors là, celui-là, putain. Ah, non, mais Flying the Blue Dream, laisse tomber. Hein. Tu as déjà le titre éponyme, tu as quoi, Strange, I Believe, One Big Rush, Big Bad Moon. Ah, c'est bon. Anecdote nulle, Flying the Blue Dream, c'est ma mère qui a offert ce CD à mon père. Parce qu'elle savait qu'il aimait bien la gratte. Ah bah, mon père, il m'a expliqué, il lance le CD et il entend Flying in the Blue Dream. Il dit, mais les premières secondes, il avait la chair de poule, quoi. Il disait, et tu veux que je te raconte un truc rigolo. Truc de fou. L'album, il me semble que Flying in the Blue Dream, en fait, le titre commence avec un Larsen. Oui. Est-ce que tu sais d'où vient ce Larsen? Ah, ça non, je sais pas. Alors, selon ce que j'avais entendu il y a une quinzaine d'années, la guitare, en fait, il y avait un souci au niveau du câblage, ce qui fait que peu importe où il se mettait, ça lançait un Larsen, en fait. Donc, en fait, il lui suffisait, en fait, de jouer une note, et selon l'endroit, en fait, où il se plaçait, en fait, le Larsen, en fait, bougeait, en fait, avec lui, en fait. D'accord. Et sur scène, en fait, je l'ai vu deux fois, en fait, en concert, c'est assez impressionnant, en fait, de voir, en fait, que, bon, plus ou moins, il avait répété ça, entre guillemets, pendant les répètes. De voir en fait que voilà, selon l'endroit où il se met, en fait, le Larsen en fait bouge avec lui quand il se déplace, genre d'un pas. Et c'est très rigolo en fait à voir et c'est assez impressionnant. Il me semble que c'est Flying the Blue Dream. Si je me souviens d'ailleurs bien de l'anecdote nulle, mais cet album est vraiment excellent. Ah oui, c'est incroyable. C'est bon, alors après, ça traîne, c'est de l'instrumental. Quoique, il a deux chansons chantées dans cet album. Big Bad Moon, effectivement. Big Bad Moon qui fait trop penser à un morceau des ZZ Top, d'ailleurs. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Il faut que j'essaie de me souvenir. Mais bon. Et alors, sur le coup, si vous en avez fini avec Satriani. Ah bon, oui. On n'en a jamais fini avec Satriani. On va continuer dans les branleurs de manche. Puisque 1989 est l'année de sortie du premier album du groupe Dream Theater. J'étais obligé d'en parler avec ma pépé. Je te l'ai laissé. Hein. Tu noteras que je te l'ai laissé quand même. Donc, évidemment. L'album s'appelle When Dream and Day Unite. Il ne Donc on a toujours le noyau dur de Dream Theater qui sont John Myung à la basse, Mike Portnoy à la batterie et John Petrucci à la guitare, accompagné à l'époque par Kevin Moore au clavier et par un certain Charlie Dominici au chant, qui sera le seul album enregistré avec lui avant que James Labrie intègre le groupe. Et donc sur le coup, c'est un album bon qui est assez oublié entre guillemets aujourd'hui. On peut sur les niveaux performance moderne, on arrive à retrouver A Fortune in Lies de temps en temps ou des morceaux de The Killing Hand, mais c'est pas un des albums qui est forcément le plus joué par le groupe. Mais voilà, ça montre comment Dream Theater a créé son style musical, où c'était encore hésitant, encore approximatif, et ils exploseront évidemment avec Images and Words 3 ans plus tard, mais et le fabuleux Pull Me Under, mais c'est une autre histoire. et on aura l'occasion de revenir sur Dream Theater d'autres années. Peut-être pas. Également, moi je vais parler d'un autre album. Alors sur le coup, on va passer totalement dans du complètement vachement commercial le mot. Bref, est sorti en 1989 l'album The Miracle de Queen. Oui, j'ai voulu pas en parler parce que voilà. Et donc qui contient un de mes morceaux préférés de Queen, qui est I Want It All, que je trouve juste ouf. Ou des morceaux comme The Miracle, Invisible Man ou Breakthrough avec son fameux clip sur le train. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, ce clip. C'est ouf. C'est le train qui a servi à Poudlard, hein. C'est le vrai. Ah ouais, c'est vrai. Dans le clip, c'est le train de Harry Potter. C'est ouais, celui-là. Excellent, c'est celui-là. Et donc c'est l'avant-dernier album de Queen, l'avant-dernier album de Queen, je parle du vivant de Freddie Mercury, puisqu'après, avant 2 ans après avant l'album Innuendo, hein. Et voilà, c'est juste pour dire, si vous n'avez jamais écouté Queen dans la vie, je ne sais même pas comment c'est possible. C'est bien quand même. Bien, c'est au-delà de bien. Oui, mais c'est l'euphémisme, on va dire. C'est Queen, quoi. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y avait d'autres albums dont j'avais envie de parler. Alors, sur le coup, on en a déjà parlé. Ouais. Je vais parler évidemment du premier album avec un nouveau chanteur de ce groupe qui s'est dit qu'ils allaient changer de chanteur. Et donc, le groupe s'appelle Faith No More et ils intègrent à leur formation certains Mike Patton au chant. Ah oui, Faith No More, ouais. Ils sortent l'album The Real Thing avec comme morceau le plus connu aujourd'hui, donc Epic. Ah ouais. Ou du Falling Into Pieces, From Out to Nowhere, enfin, bref. Pareil, Faith No More. Si vous avez, alors si par exemple, vous ne pouvez pas forcément vous manger une discographie de Faith No More, il y a le concert au Hellfest 2019 qui est disponible en replay sur YouTube gratuitement sur la chaîne d'Arte, où ils sont en grande forme, et c'est du bonheur, vraiment. Voilà. Pareil, tant que tu parles de concert live et d'album de 89... Ouais. Stevie Ray Vaughan live at El Mocambo ou un truc comme ça, regardez sur YouTube, un concert de blues exceptionnel, voilà, blues rock exceptionnel, c'est vraiment l'un de mes albums live préférés, voilà, live at El Mocambo, je vais vous le marquer dans le chat comme ça au moins. Je vais rapidement citer, mais pas, enfin moi c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais je pensais à une amie à moi qui est très fan de l'album Dr. Feelgood de Motley Crue. Mais c'est pas franchement ma tasse de thé. Voilà. Ouais, bon juste... ouais. Okay. Pour le voilà. Plaisir de citer. Et donc il y a un album d'un groupe que j'aime énormément qui est sorti cette année-là, qui s'appelle Follow the Blind, du groupe Blind Guardian, qui est leur second album. Blind Guardian, qu'est-ce que c'est? Blind Guardian, c'est un groupe allemand, mais qui chante en anglais. Qui, en gros, vous avez une idée de power metal épique. Extrêmement inspiré du Seigneur des Anneaux, j'en ai déjà parlé de pareil, qui contiennent des chansons qui chantent encore aujourd'hui, comme une chanson qui porte le titre du prochain Assassin's Creed Valhalla et ou Banished from Sanctuary. C'est pareil, le meilleur viendra plus tard chez eux, mais c'est déjà un bel essai, et c'est déjà un album plein de choses très intéressantes. Et après, donc, j'ai dit qu'on allait en parler, vu qu'on a parlé de Genesis. Phil Collins seul sort son album But Seriously, qui contient des titres que personne ne connaît, comme Another Day in Paradise, par exemple. Ou I Wish It Would Rain Down. Voilà. Les gens aujourd'hui sont énervés après Phil Collins. Mais c'est bien, Phil Collins. Ne les écoutez pas, les gens. Ça vaut pas le coup. Le fil de Colin, comme je l'appelle. Dernier album qui va vous laisser sur le cul, le fabuleux album Labour of Love 2 de UB40. Kiko. J'adore UB40. Avec les reprises façon reggae de The Way You Do, The Thing You Do, de Kingston Town ou de Homely Girl. Je rappelle que UB40 est le premier vrai concert que j'ai vu. J'ai encore mon billet. Et c'est pas une blague quand je dis que j'aime vraiment UB40. Mais vraiment, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Bon, sinon, moi j'ai fait pour ma part quasiment le tour. Bon, j'ai pas parlé de. Je vais peut-être laisser ça à Buzzdy qui va connaître mieux que moi de Madonna et de son. Et Lenny Kravitz. Du Lenny Kravitz. Ah, non mais Let Love Rule. Alors vas-y, c'est pour toi. Maintenant, moi j'ai fini avec mes trucs métal que personne connaît aussi. Vas-y, Buzzdy, c'est à toi. Allez, fonce. Attendez, un petit instant, je vous prie. Ouais, je vais juste caser parce qu'après je laisserai les autres faire. Mais il y avait c'est clairement pas leur meilleur album pour moi, mais il y avait Pump d'Aerosmith. Mais il y a quand même une chanson que je kiffe dans cet album, c'est Janis Got a Gun. Donc voilà, je tenais à en parler. Que j'aime beaucoup. Mais sinon. Désolé, je suis là. Donc on parlait de. On parlait de quoi? Lenny Kravitz et de Madonna. Kravitz. Les albums d'Lenny Kravitz et Madonna sortis en 89. Attendez, il faut que je retrouve mes notes. Oh là là, fin de soirée pour Buzzdy. Oui, je crois que j'ai été. Il y a du dossier. Ça veut dire il y a du dossier. Alors, Let Love Rule de Lenny Kravitz. Bah, c'est un album que j'ai pas découvert en 89, que j'ai découvert beaucoup plus tard, avec tout ce qu'a fait Lenny Kravitz. Et c'est un album que je trouve fabuleux, comme tous les albums de Lenny Kravitz. Mais voilà, parce que en fait, tu dis tout le temps ça. Donc, il y a un truc. j'ai un véritable amour pour Lenny Kravitz. Ouais. C'est un artiste que j'aime bien. C'est un artiste qui fait du rock, mais qui fait du rock avec un peu de soul et il chante bien l'amour. Ah bah ouais, mais on connaît tous. Enfin, je veux dire, on connaît tous Lenny Kravitz. C'est ça le truc. Ah oui. Donc voilà. Mais il faut. Oui, mais... Les gens. Ils ont oublié Lenny Kravitz. Hein. Mais ouais, le problème je sais pas de Lenny Kravitz, moi, c'est qu'à part faire. C'est tout, quoi. Et là, je me dis, merde, j'ai l'air con parce que je connais la seule chanson que tout le monde connaît, en vrai. Mais je connais pas, je connais très très mal, vraiment. Hein. Bah, il est capable de passer à des trucs super guitare de fou et tout, à passer à I Build This Garden For Us, chanson super éthérée où il y a quasiment pas de guitare, où c'est super tranquille. Le type est capable de naviguer entre plein de styles différents. Bah, tu connais Americano Man. Tout le monde connaît Americano Man. Mmh. Oui, bien sûr. Lenny Kravitz, tout le monde l'a oublié. Alors que c'est un artiste super important, en fait. Mmh. Qui a fait beaucoup, beaucoup d'albums. Hein. D'ailleurs, je suis dans ma soutien. Il a moins d'impact en France qu'à l'étranger. En France, il a eu un véritable impact, en fait. Tous ses albums se sont toujours très très bien. Tu vois, peut-être pas tous ses albums. Non, parce que voilà, moi je. Se sont toujours bien classés. Et tu regardes tous ses tops en France, pas mal de chansons en fait. Pour moi, Lenny Kravitz, c'est... enfin il y en a plein, mais pour moi, c'est Are You Gonna Go My Way. Hein. Oui. Ah, le riff, il est simple, efficace, il balance sa mère quoi. Enfin, c'est... oui. Après, Let Love Rule, la chanson. Bien sûr. Waouh. Je me rends compte que j'ai oublié d'album dont je voulais absolument parler, mais je ferai après, c'est pas. Pardon. Ah bah c'est du propre. Et après, on parlait de c'était quoi, Like a Prayer? Madonna, comment Madonna a finalement réussi à plus faire scandale que vraiment faire parler, enfin faire écouter sa musique, j'ai envie de dire. D'habitude. Parce que waouh. Wow. avec le player, oui. Alors, voilà. Pour ce WarWare, on ne peut plus rien dire en 2020. Regardez Like a Prayer. Ah oui. Oh là là. Oui, c'était il y a 30 ans. Et c'était déjà il y a 30 ans, ça a été accueilli froidement. C'était moins qu'on puisse dire. Après, Like a Prayer, l'album n'est pas... est pas mauvais. Moi, j'ai jamais été un grand, grand fan de Madonna. J'ai jamais véritablement écouté. Non, mais j'aime bien ce morceau-là. Je pense que son album préféré, ça doit être l'album Ray of Light. C'est un album qui est plutôt vieux, plus vieux dans sa carrière. C'est 2000, Ray of Light. Donc après, effectivement... Mais c'est pas ça le plus important. Vous savez qu'en 89, c'est le premier album d'un groupe de génies. Ah. Alors attends, vas-y, parce que j'ai mis en train d'un truc. À mon avis, je sais de qui tu vas parler. Ça y est, on arrive au moment du... Oui, c'est la nouvelle fille, non ? Oui, oui, au-delà, oui. Musclé ? Bah oui ! Ah non ! Mais pourquoi ? Sortie de leur premier album, La Fête au Village. Oh putain ! Ah, et c'est là, si on l'avait prévu à l'avance, hein ! Non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est bon. Oui, au-delà, oui. Ça, c'est un truc qui va me suivre pendant des années, hein, ce remix pourri. Non, donc, c'est véritablement l'album La Fête au Village. Le groupe est formé en 87, mais leur premier album, c'est 89. Donc, il fallait bien que je vous le dise. Bah oui. Putain, c'est beau, ça. J'ai presque envie de dire, c'est bon pour le moral. Et d'ailleurs, tiens, J'ai saigné du nez quand t'as dit ça. Ah bah... Ils ont sorti un album en 89. Hein. Bah oui. C'est pour ça que je dis ça. Petite mot pour dire que donc on a un petit article sur les musclés dans le dernier rétro laser chez Mac e-book numéro 7 où l'interview est plutôt douce amère sur cette époque, on va dire. Voilà. Ah bon ? Oui. Tout le monde n'est pas forcément extrêmement content de la façon dont... Mais je vous laisse... Si je peux te rassurer, les musclés non plus n'étaient pas partis comme... Non, mais c'est eux justement qui en parlent, donc c'est pour ça. Il n'y en a aucun, qui était ravi de faire ce que Azula leur demandait. Ils n'en avaient pas envie. Ah bah oui, je pense. Il fallait manger. Ouais. Bernard Minet, il n'avait pas l'air de souffrir de ce qu'il disait dans des vidéos YouTube, là. Maintenant, il te dit ça parce que c'est ce qui lui rapporte du fric actuellement, c'est ce qui lui permet d'entrer dans l'eau. Après, bon, comment dire, autant les quatre membres principaux du club d'eau étaient plutôt bien traités, pour ce que j'en sais en tout cas, par Azoulay, pour le reste, j'en sais trop rien. Je sais d'ailleurs que Corbier, quand il s'est barré du club d'eau, c'est parce qu'en fait, il avait plus le temps de faire des trucs et que visiblement, Azoulay était beaucoup plus obnubilé à faire ses séries qu'à s'occuper du club d'eau. Et il s'est dit, bon, puisque c'est ça, voilà, je trouve plus mon compte, je me casse, quoi. Oui, mais de toute façon, voilà, les musclés, tous ceux qui ont connu cette époque s'en souviennent avec nostalgie. Quand tu écoutes maintenant, tu meurs. Bah après, t'as des chansons vraiment très très crades. T'as la chanson Mathilde Amé, excuse-moi, mais pardon. Non, mais toutes les chansons étaient crades en fait. Il n'y a pas une seule chanson des musclés qui n'a pas un sous-texte. Oui, je sais plus qui m'a ressorti ça il y a quelques années. Et c'est vrai, t'écoutes ça, c'est dégueulasse. Tu te fends la bourrée des musclés. Je pense que la plus soft encore, c'est La Fête au Village. Non, même pas, parce que... Même pas ? Ouais. Rappelle-toi du maire qui est sorti et qui a tiré un coup. Oh putain, oui ! J'ai oublié. Merci, parce que je l'ai quand même écouté une bonne trentaine de fois quand j'ai dû faire ce remix à la con. C'était une époque bien particulière, avec Azoulay qui est bien particulier, mais ça passait crème à l'époque, parce que on n'y pensait pas. C'est ça le truc, on n'y pensait pas. Quand t'es gamin, t'y penses pas. Et les parents avaient... faisais pas attention à ce genre de truc. Oui, t'as aussi le couplet sur la fille du pharmacien, voilà, putain, ouais, non, mais... ils nous ont donné des pilules pour tenir toute la nuit. Oui, voilà, c'est ça, oui, voilà. Et effectivement, à la fin, le maire qui a tiré un coup, ah ouais, la vache, j'avais oublié ça. Non, mais... Ouais. Ça nous a tellement plu que monsieur le maire sera réélu, oh putain, j'avais oublié ça, non. À l'époque, ça passait dans une émission pour enfants, et c'était ça le truc. Une émission pour enfants, personne se posait de questions. Mais, et le pire, c'est que ça critiquait les animés du club d'eau, alors que voilà. Enfin bon, après le club d'eau, comme vous savez, on peut en parler pendant des heures. Hein. Bon, après, juste pour finir, hein, une chanson, Comment te dire adieu, par Jimmy Somerville. Parce que je kiffe cette chanson. Sans aucun prétexte. J'ai un amour pour cette chanson. Et c'est même pas un plaisir coupable, c'est j'aime la chanson, véritablement. C'est la reprise de la chanson, c'était quoi, Françoise Hardy ? Oui. C'est ça, oui. Version technotronique de 89. Ah non, je sais pas savoir. Non, mais la chanson est pas dégueulasse. Hein. C'est juste que si tu connais l'original, le grand écart est fabuleux. Mais vraiment fabuleux. D'ailleurs, cette petite vidéo qui était qui était parue, bon, il y a plus de 10 millions de vues, c'est The Hold, c'était il y a plusieurs années, mais avec voilà, le type dans la rue qui est en train de chanter avec sa guitare et Jimmy Somerville qui arrive. Et... Jimmy Somerville, c'est quelqu'un de super gentil. Et puis, ce qu'il a fait avec Bronski Beat, c'est quelqu'un que j'aime bien, déjà de base. Ouais, sur le coup, moi, j'avais envie de parler d'un autre album. Il faut absolument que j'en parle. J'ai complètement oublié parce que j'étais sur les albums anglo-saxons. Et sur le coup, ça va permettre d'adresser un petit coucou à l'ami Noir Dez, justement, puisque 1989, c'est l'année de sortie du premier album de Noir Désir. Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient. Ouais. Avec le fameux Sombrero de la mer. Sombrero. Ouais, qu'on m'avait fait apprendre en troisième. De la mer. Qui... On m'avait fait apprendre en troisième. J'avais eu 20 en la chantant en plus. Et le truc, c'est que enfin, moi, j'ai découvert, en fait, Noir Dez, j'ai découvert ça bien plus tard, parce qu'évidemment, à 9 ans, t'écoutes pas forcément Noir Dez hein, du tout. Et moi, j'ai découvert Noir Dez, j'ai commencé côté Noir Dez avec 166-167 clubs, comme pas mal de monde à l'époque, j'avais 15-16 ans. Et j'ai découvert sur le tard, donc, ce Voyant André Lame à qui il appartient. Et c'est mon album préféré de Noir Désir, devant Tostaki, même. C'est vraiment, c'est un album dans lequel il y a beaucoup de chansons que j'aime énormément, comme La Chaleur ou Les Écorchés, ou encore ce fameux morceau que je ne sais même pas s'ils ont déjà joué une seule fois en live, qui s'appelle The Wand, que j'aime énormément. Voilà, à l'époque, donc c'était des petits jeunes qui arrivaient, qui avaient fait un premier EP, premier album d'une qualité, bon, pareil, très... voilà, c'était vraiment les débuts du groupe. Là, c'est le premier vrai album qu'ils offrent. On est sur un groupe qui enfin, voilà, il y a pas mal de positions politiques, comme ce sera le cas plus tard, notamment sur la chanson « À l'arrière des taxis ». Enfin, écoutez Noir Désir, écoutez les vieux Noir Désir. On retrouve pas mal de chansons énervées entre guillemets parce que sur un peu plus, on va dire, cet album-là est assez léger dans la prod. Il y a une guitare acoustique, enfin il y a des guitares acoustiques. Je veux dire, c'est un album qui est assez calme. On retrouve pas mal de versions énervées comme Les Écorchés par exemple, une version très énervée sur l'album Live d'Yassirae qui sortira quelques années plus tard et qui sert justement de pépé à notre ami Noir Dez que nous saluons. Voilà. Et donc, alors, avez-vous envie de parler d'autres... Non, je pense que j'ai plutôt fait le tour. Il y a un album de Jeanne Masse qui est sorti en 89. Jeanne Masse, si c'était le premier album de Texas en 89. Et bon, après, comme d'habitude, on aura oublié de parler de tant de choses que voilà, c'est pas vraiment exhaustif. Bien sûr, juste on peut pas tout dire. Un petit mot pour dire, pour 89 finalement, il y a eu pas mal de choses. Alors, on n'est pas parmi les grandes années peut-être où on a l'impression d'avoir une année fantastique. Bah, c'est pas l'année de Personal Jesus. Aussi, oui. Si, si. C'est ouais, donc c'est aussi quand même une grande année. Quoi. Même si j'écoute pas particulièrement Dépêche Mode. On n'a pas parlé par exemple au niveau jeux vidéo, mais c'est l'année d'explosion de certains beats em all en arcade avec du Final Fight. Ah, Final Fight quoi. Golden Axe aussi, non? Oui. Golden Axe, Final Fight. Ou comme l'appel Hibernator, Golden Ass. J'aime beaucoup appeler ce jeu comme ça maintenant. Ouais, ça a donné les bases du beats em all. Ah bah Final Fight, ça rigole pas, ouais. Ils s'en sont tous inspirés après, même Street of Rage, hein, clairement. Surtout Street of Rage. Il m'arrivait des fois. À l'époque, je faisais des fois la confusion quand je voyais des images dans les magazines. Y a des ennemis qui étaient très proches visuellement, quand même. Ah, bah ouais. Juste à noter, 89, c'est l'année aussi de sortie au Japon de Je vais faire plaisir rappel de Revenge of Shinobi. Bah oui, je voulais en parler. Ouais. Shinobi. Oh, putain, mais ce jeu il est fantastique. Je crois que c'est le jeu que je refais le plus souvent. Il est incroyable. Non mais Pelle, excuse-moi, est-ce que tu le finis, le jeu? Je l'ai fini, ce jeu. Oh, oui, oui, oui. Alors, et c'est ça que je comprends pas. Certains disent il est trop difficile par rapport à Shinobi 3. Mais non, moi, je le trouve vraiment plus abordable. Mais bon, c'est, j'y ai tellement joué que voilà. Bah, moi, je l'avais sur la fameuse cartouche Mega Games. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, oui, oui, oui. Mais avec celle où il y avait Golden Axe et puis Street of Rage. Enfin, non, c'est pas moi qui l'avais, c'est mon cousin. Et moi, je l'ai pas fini à l'époque. D'ailleurs, bah, du coup, je l'ai pas fini tout court. Et ce jeu, moi, ce qui m'avait bluffé, c'était les musiques, en fait. Bah, Yuzo Koshiro, hein, voilà. La musique du premier stage, tu me dis Revenge, tu me dis Shinobi, tu vois, j'ai cette musique là dans la tête là. Oui. Le stage 1. Waouh. Ouais, la musique dès le début. Et mais de toute façon, c'était pas comme les Street of Rage, c'était des jeux où tu écoutais la bande son dans le mode option par plaisir, quoi. Voilà. Ouais, c'est fou. Et donc surtout la grosse méga fête du slip à l'époque, il faut le rappeler, donc la première version du jeu Shinobi a des boss comme Batman, Godzilla, Spider-Man, Rambo et Terminator. Oui. Jusqu'à ce que les Android arrivent en disant oh, on va se calmer. Tu te calmes. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que justement dans l'intro, quand tu allumes le jeu, tu vois écrit Marvel. Et là tu dis qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'es, genre il y a Marvel écrit. Et en fait, c'est que tu comprends l'histoire qu'il y a derrière. Bah ouais. Mais c'était indiqué, mais ils n'avaient pas demandé les droits en fait des personnages, quoi. C'est bizarre, hein. Mais bon. Okay. Et sur le coup, je vais parler d'un tout dernier jeu dont on n'a pas parlé, un jeu auquel on a tous joué ici et qui est sorti en 1989. Ah ouais. Sur Game Boy. Qui est... Non. Okay. Sur PC. Le Démineur. Non, tu déconnes. Le Démineur est sorti en 1989. Putain, je crois que c'était plus vieux que ça quand même. Ok. Ah ouais. Le Démineur est. Même oh la super. Vache. Et donc sur le coup, bah ouais, je crois qu'on a tous joué Démineur. Bah ouais. Ah complètement. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, tout le monde a fait le Démineur. Ouais. Moi, je voudrais juste rajouter une dernière chose, Beyond, parce que là, il est. C'est que là, juste en section BD, voilà. Il y a un album BD qui est sorti en 89. Ah. Oui. Qui pour moi m'aura marqué énormément parce que c'est mon auteur préféré de ma série préférée. Et c'est le numéro 3. Qui est probablement son plus réussi de toute la série. Donc, tu vois, donc je le mets au panthéon des œuvres BD absolues. Hein. Voilà. Et bah, c'est Le Broussaille. Je vous ai déjà parlé de Broussaille, du dessinateur Franck P. Oui. Et c'est lui qui a fait des Spirou récemment dans des versions deluxe. Et donc il a sorti sa série qu'il a fait connaître s'appelle Broussaille. Il a fait le numéro 3 qui s'appelle La Nuit du Chat. Et bah il y a pas d'autre mot, c'est juste un chef-d'œuvre. Voilà. Mais vraiment un chef-d'œuvre, La Nuit du Chat. C'est un truc de fou. C'est faut le lire pour comprendre. D'accord. Ah ouais. C'est sûr. Big up. Ça rentre dans la catégorie culture. Voilà. Sorti en 89 quoi. Octobre 89. La Nuit du Chat. Totalement. Ouais, faudrait à ces quatre aussi qu'on essaie d'inclure une partie en fait pop culture BD livre roman. Ouais. J'avoue que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Non, si on fait ça, on en a pour 154 heures. Non mais oui, je veux dire c'est des ouais. Parce que juste pour renseignement, 1989 aussi c'est l'année de première publication de Video Girl High au Japon. Donc on va arrêter là parce que. Mais Pelle pour situer Franck P, je trouve son comment dire, il a vraiment un style très particulier. Hein. Ah ben, en fait, c'est un dessinateur animalier. Il dessine énormément d'animaux, mais au point même qu'il a fait une bande dessinée qui s'appelle Zoho et il les maîtrise mais à la perfection. Il dessine des tigres, des éléphants. Mais je connais un peu. Hein. Ouais. Et son Broussaille, donc c'était la première fois qu'il mettait en scène réellement des animaux. Donc là, le chat sous toutes ses formes. Et en fait, c'est tout con parce que le sujet se passe sur une nuit. En fait, la BD se passe une nuit. Et le mec a laissé la porte ouverte de son appartement et son chat s'est enfui. Et il passe toute la nuit à chercher son chat dans la ville et il rencontre des personnages complètement dingues, au point même que des fois, ça part un petit peu dans le fantastique sans que tu le saches. Et c'est absolument génial. Mais absolument génial. C'est, voilà. Il a un style graphique, en tout cas, qui est... Ah ouais, non, mais très intéressant. Ça vaut, c'est au-dessus de tout. Hein. Vraiment. Ouais. J'avoue. Ok. Ouais, faut vous lâcher. Bon, évidemment, nous n'aurons pas eu le temps de parler de tout. Hein. Comme on l'a dit, c'est... De toute façon, ouais. ce qu'on n'a pas oublié, plutôt ce qu'on a oublié, bah, ce sera l'occasion d'en parler une prochaine fois. Même si on en reparle une prochaine fois, mais parce que bah, y a quand même mon tout premier jeu vidéo qui est sorti en 89. Je pensais que tu allais parler de celui-là, mais en fait, je me suis dit non, c'était con. Mais moi, c'est Super Mario Land. Oui, Super Mario Land. Alors, il n'est pas sorti chez nous. Il n'est pas sorti chez nous en 89, je pense pas. Hein. Mais au Japon. Ah, la Game Boy chez nous, 90, nouvelle 90, non ? Ouais. Game Boy. Parce que c'est ça. Alors, que ce soit lui, soit Tetris, mais c'est pareil. Septembre 90 en France. Mais... Ouais, voilà. Donc, on l'a forcément eu au lancement. C'est lui ou Tetris, hein, je sais plus, mais voilà. Ouais, c'est... Et lui aussi, il avait des morceaux musicaux absolument géniaux. Ne connaissant pas Mario, j'avais pas compris le décalage qu'il y avait, tu vois. Mais sortir du French Cancan et tout. Mais je trouvais ça trop bien, moi, justement, sur Game Boy. Donc, mais bon, si vous voulez, on en reparle plus tard, mais je tenais au moins à le dire. Ah, bah, pas de problème. C'est un de mes jeux préférés sur Game Boy. Donc, ah, oui, très bien. Ouais. Et on a aussi oublié notamment Prince of Persia. Oui, bah. Là, justement. Ah, ouais. Oh, ouais. Wow, on aura le temps d'en parler. Bah, voilà. Bon, mais. Sur le coup, alors, bah, je vais vous prendre quelques minutes de plus et je vais faire ma petite présentation parce qu'elle est liée à l'année, donc forcément, c'est dommage de ne pas le faire ce soir. Donc, Beyond, raconte-nous un film, et pas un jeu, voilà. Et donc, je me baladais il y a quelques temps, il y a quelques mois, c'est juste avant le confinement, dans mon petit espace Q préféré, jusqu'à ce que je me rende compte que, enfin... Il s'était décidé à éditer en Blu-ray un film que j'attendais depuis à peu près 50 ans. Baxter, par exemple, le chien. Lorsque le film était sorti en DVD, c'était F1 qui l'avait édité. Là, on est sur l'atelier de l'image, ESC, bref, pas du tout les mêmes personnes qui éditent ça. Et donc, sur le coup, je l'ai acheté. Donc, je vais parler d'un film sorti en 1988 aux États-Unis et en 1989 en France, que je verrai non pas dans ces années-là, mais trop peu de temps après, bien trop jeune. Un film d'un certain Tony Randall, écrit par Peter Atkins, qui est une suite également, l'année des suites, hein, toujours pareil, qui s'appelle Hellraiser 2, Les Écorchés. Hellbound, en anglais. Oh la vache. Donc, Hellraiser, qu'est-ce que c'est ? Mais attends, t'avais 6 ans ? Hellraiser, à la base, c'est un roman de Clive Barker. Clive Barker, c'est... l'autre maître de l'horreur, entre guillemets, moderne avec Stephen King. Mais Clive Barker, c'est celui qui a les idées un peu plus wouhou des fois. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou... Tiens, Stephen King va plutôt ancrer son horreur dans le quotidien, là où Barker va plutôt être dans les monstres complets, la fantasy et tout ce genre de choses. Et donc, sur le coup... Hellraiser 2, Barker va réaliser un premier film dérivé donc, de sa série de bouquins Hellraiser, qui sortira en 1987, qui est un film horrifique assez marquant, où on découvre les fameux Cénobites. Alors les Cénobites, tranquille, tout le monde les connaît, tout le monde connaît Pinhead, cette espèce de personnage au teint blanchâtre, aux vêtements de cuir noir, et qui a des clous plantés dans la tête absolument partout. Ouais, j'étais terrifié par ça, moi, à l'époque, mais terrifié, ça me faisait peur. Et qu'est-ce que c'est, en gros, Hellraiser, le scénario, rapidement. Le scénario, c'est l'histoire d'une belle-mère diabolique qui décide de faire revenir un homme qu'elle a aimé à la vie, et qui, par ce biais, invoque donc des forces obscures. Il revient à la vie sans peau. C'est-à-dire, on voit directement les muscles et tout ce genre de choses, et elle lui apporte des hommes vivants pour qu'ils aspirent, entre guillemets, leur peau, pour qu'ils se refassent sa peau. Et les Cénobites, c'est des démons qui ont eu vent de ce qui est en train de se passer, et qui ne sont pas super, super d'accord que ça, et qui concluent donc un pacte, puisque le premier Hellraiser s'appelle le pacte, avec le personnage féminin principal de la série, Kirstie, qui lui propose, qui dit donc vous me, qui comment dire, qui ouvre le puzzle. Le puzzle, c'est, je parlais d'un cube au début de l'émission. Il y a une espèce de cube un peu bizarre qu'il faut toucher dans certaines directions pour invoquer les Cénobites. Les Cénobites voient Kirsty. Kirsty leur dit non, c'est pas, vous venez pas me chercher à moi, mais je peux vous livrer quelqu'un qui a échappé à votre contrôle. Et donc le 2, c'est quoi? Le 2, bah, le 2, c'est juste après le massacre de qui s'est passé chez elle, où notamment elle a vu son père, son propre père, se faire tuer. Elle atterrit donc dans un hôpital psychiatrique et elle est recueillie par le docteur Chenard et son jeune assistant. Et bah évidemment, tout le monde la croit cinglée avec ses histoires de Cénobites et tout ça. Et il se trouve que le docteur Chenard, lui, il y croit pas, mais il y croit parce qu'en vrai, chez lui, il y a des années qu'il fait des recherches sur justement les fameux cubes qui provoquent les démons et qu'il est fasciné par ce monde-là. Et donc, le docteur Chenard décide de. Comment dire, voit qu'il entend parler de choses qu'il étudie depuis des années et qu'il voit la conclusion de ses années de recherche enfin arriver près, et décide de s'emparer des pièces à charge des meurtres de la maison qui a eu lieu, savoir un espèce de matelas qui va lui servir à invoquer justement la belle-mère maléfique du premier épisode. Bref, ça c'est pour l'histoire début, un petit peu comment ça se passe. Hellraiser 2, c'est quoi? Hellraiser 2, c'est un film d'horreur au sens pur du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui va vous retourner le bide. Il est sorti en version... et pourquoi je parle du Blu-ray en particulier? Sur le Blu-ray, il y a la version dite Director's Cut. La Director's Cut est très particulière parce qu'elle fait 11 minutes supplémentaires. Il faut absolument voir la Director's Cut parce qu'à l'époque, le film a dû accepter une lourde censure pour être rated R aux États-Unis et sortir en France interdit au moins de 16 ans. Et il se trouve que c'est la version telle que le film a été prévu au départ, sans aucune coupe et aucune censure. C'est-à-dire, notamment au début du film, on voit la naissance de Pinhead, où on voit donc ce personnage, cet officier résoudre le mystère de la boîte et se faire prendre entre guillemets par ce qui est une espèce d'enfer, et on le voit littéralement devenir Pinhead avec les clous qui se font enfoncer dans sa tête, ce genre de choses. Dans la version cinéma à l'époque, cette séquence est en noir et blanc, elle a été repassée en couleur. Et après, il y a plein de moments dans le film qui sont les moments forcément les plus gore et les plus difficiles à regarder, qui sont considérablement étendus, dont j'espère que les enfants sont au lit, hein. Cette scène absolument traumatisante, forcément, littéralement, quand j'étais jeune, c'est-à-dire moi j'ai vu ça, j'étais absolument fasciné, où donc le docteur Chenard prend une des personnes en chambre capitonnée de son hôpital psychiatrique pour l'emmener sur le matelas qui va lui permettre de faire revivre la Julia, la belle-mère maléfique. J'ai peur de ce que tu vas dire. Et le type en fait est fou parce qu'il a l'impression, quand il se regarde lui-même, il voit des espèces de vers sortir de son ventre et de ses bras et des insectes, tout ça. Il n'arrête pas de répéter « enlevez-les-moi, enlevez-les-moi, take them off me » en anglais. Et le docteur Chenard lui enlève sa camisole, lui donne un rasoir et le type se mutile pour faire sortir les bêtes de lui et se donne des dizaines de coups de rasoir sur le matelas qui finit en espèce de bain de sang qui permet de ressusciter Julia. Cette scène est une espèce de panthéon pour moi de vision d'horreur de tout ce qu'un enfant, enfin un ado en tout cas, peut voir dans les années 90. Et après le film continue avec d'autres moments comme ça assez marquants. C'est pas film parfait, vraiment pas, c'est-à-dire c'est un film qui des fois passe d'une scène à l'autre, genre d'une idée à l'autre, en mode « ah ouais, tiens, en fait, j'ai envie de montrer ça, même si ça n'a rien à voir ». C'est un film qui n'est pas fabuleusement bien joué, avec pas beaucoup d'acteurs et d'actrices qu'on retrouvera dans d'autres choses plus tard. Mais peu importe, j'ai envie de dire, c'est un film qui m'a marqué dans le sens où il fut vraiment un des films d'horreur qui m'a le plus marqué de ma jeunesse et qui m'a le plus donné envie de voir des films d'horreur. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, sur le coup, on a attendu des années. Et Et donc, les trois premiers épisodes, parce qu'en Hellraiser, Hellraiser est devenu carrément une franchise. C'est-à-dire, on est passé carrément direct de tout DVD à un nombre incalculable d'épisodes d'Hellraiser, les uns après les autres, tout ça. Plus ou moins acquis avec le cul, évidemment. Toutefois, les deux premiers sont... Bon, moi, j'aime énormément le second. Le premier est encore acceptable aujourd'hui. Le troisième, wow, ça devient un peu fanfreluche, mais c'est tout à fait regardable aussi. Et donc, les trois premiers ont été réédités en DVD, en Blu-ray, pardon. Les Blu-ray se trouvent, en gros, moi je l'ai payé 10 balles, le Blu-ray 9, hein, 10 balles à l'espace Q, donc c'est cadeau. Et voilà, on retrouve sur le Blu-ray des choses extrêmement intéressantes, comme des interviews d'époque, et une chose qui prouve à quel point il est bien fait, on retrouve également le commentaire de l'intégralité du film qui avait été fait pour le Laserdisc en 1996. Donc ils ont pris la piste sonore du commentaire intégral et il est sous-titré en français. Où on apprend énormément de choses aussi sur le film, puisque c'est le réalisateur et le type qui a acquis le film qui commente tout le truc. Bref, voilà. Si vous aimez les films d'horreur, que vous êtes passé à côté de Hellraiser 2, Les Écorchés, Hellbound en français, Les Écorchés en français, Hellbound en anglais, c'est un film à voir absolument, mais à ne pas mettre, surtout ne pas mettre sous tous les yeux, ça reste quand même un film qui a une. Certaines scènes, notamment le entre guillemets ce qui arrive au docteur Chenard et comment le docteur Chenard comment le dieu maléfique Léviathan montre au docteur Chenard ce qu'il est venu chercher, enfin, voilà. Voilà, tout ça pour dire que oui, je suis peut-être un grand malade, mais j'aime beaucoup. Attendez, c'est pas ce Discord là pour le podcast. Regardez, c'est celui-là. Je vais essayer. Hé hé ! Ah merde, c'est pas moi, c'est toi. Et non, c'est moi. Voilà, c'est celui-là pour le podcast. Moi, j'ai jamais été très fan, de ce genre de film, hein, de toute façon. Non, mais voilà, c'est pour... Je sais que c'est pas le genre de film qu'on met sous tous les yeux, c'est pas le genre de film que tout le monde apprécie. Celui-là, c'est le haut du panier des trucs qui peuvent retourner, donc... C'est encore pire, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que voilà, la scène que j'ai décrit, déjà rien que la description, on se dit « Oh là là !» À voir ces niveaux dessus. Non, c'est... Je l'ai revu, je me le suis refait il y a 2 jours, j'avais envie de le revoir, et... Waouh. Voilà. C'est un film que je peux regarder 10 fois, 20 fois, 30 fois sans me lasser. Ça fait partie de ces films qui m'ont vraiment marqué. Comme même titre que Brain Dead de Peter Jackson. Sauf que Brain Dead de Peter Jackson lui, est bien plus réussi au niveau de la réalisation et du rythme. Voilà. Tu l'as regardé il y a 2 jours, c'est ça? Et la petite a apprécié, c'est bon? Il y a 2 nuits, je l'ai regardé 2 nuits tout seul au casque, ne vous en faites pas. Non, moi je suis pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Hein. Je sais pas, vous voir regarder ça, monsieur Chou? Alors, pas du tout. Moi, de toute façon, le cinéma, c'est un truc qui me branche. Mais non, c'est pas mon truc. Ah non, mais le cinéma, je regarde 3 films par an, généralement 3 fois le même film, alors voilà. Quoi. Ah oui, donc des films d'horreur. Ah bah totalement. Un truc dans lequel je suis totalement hermétique, malheureusement. Bon, bah écoutez, on va remercier les gens. Alors oui, enfin, je pense que... Voilà, Bosdick est allé se coucher, il était fatigué, je pense qu'il aurait pu en parler avec moi, je me doute qu'il l'a vu, on aura l'occasion d'en parler d'autres fois. On va remercier les gens du chat d'avoir participé, d'avoir été là jusqu'à si tard, puisqu'il est déjà 1:30. Oui. Voilà. C'est comme ça avec les podcasts sur les années, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. On a commencé à la bourre et on avait 200 000 news en plus, donc... Oui, ouais, c'est vrai. Part, voilà. Si vous avez envie à nous laisser un petit commentaire, un petit encouragement, n'importe quoi, n'hésitez pas. Bon, pour la chaîne de Monsieur Chou, pouce bleu, cloche, référencement, blabla. Et puis on va se retrouver dans quelques temps. Alors déjà, au niveau actualité, on va retrouver. Je vais le dire, l'ami moi dans quelques jours chez Recalbox. Après le passage de Monsieur Chou cet après-midi, et le mien il y a fort longtemps, je me souviens. Ouais, moi c'est samedi. Moi c'est samedi 14h. Voilà. Oui, samedi, ouais. Voilà, et comme ça, sur le coup, les gens vont pouvoir. ce serait bien que ça nous ramène à Samo Aradon, que des curieux viennent nous écouter et se disent mais c'est quoi cette bande de farfelus qui officie dans l'ombre depuis quelques années. Voilà, et peut-être donc d'ici 2030, le passage de Pell chez Recalbox. On ne sait pas. Voilà. Un jour. On verra ça. On va ouvrir le Tipeee dès demain. une webcam pour Petite Pell. Et il aura le top du top, ou alors au contraire, ce qu'il se fait de meilleur et surtout de moins cher. Voilà. Mais surtout que c'est chaud de trouver une webcam en fait, là, par les temps qui courent. Alors moi je dis rien, vous faites comme moi, vous achetez un clone de GoPro. Ça fait le taf. Je dis pas que c'est bien, je dis que ça marche. Non, mais c'est vrai que tout le monde s'est jeté dessus, tout le monde a tout pris, il n'y en a plus. Ah ouais, des Logitech, il n'y en a plus. Moi qui vais en racheter une depuis 4 mois. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Bah écoutez, sur ces ennuis logistiques, nous vous souhaitons bonne nuit. Des bisous. Et à très bientôt, on espère. Avec plaisir. Il y a plus tout le monde.